Rihanna et Calvin Harris sur Skyrock. This is what you came for. Ils sont de retour en direct. Difou. C'est un bronzage classe un peu que j'ai. Classieux. C'est exact. La classe, le bronzage des vacances. Je suis des UV aujourd'hui. Romano. T'as vu, on dirait un dalmatien au-dessus. Oui, c'est ça. Il est dalmatien. J'ai une maladie, c'est les cheveux. Oh, Cédric. J'ai un t-shirt croix rouge, c'est pourquoi. C'est le drapeau de l'Angleterre, tu connais. Ah, d'accord. Celui-là, je l'ai acheté en vacances. Martel pour les yeux. Tu l'as payé en plus. Bah ouais. Ah ouais, t'es con. Marie. Moi je brille. T'es brille tellement, t'es bronzée, c'est impressionnant quoi. Oui, tu es luisante. Voilà. Samy. Moi si j'ai un bronzage régulier quand même. Oui, tu vois. Bah t'es blanc. Ouais. Mais, c'est... Et Karim. Karim est là aussi, les mains dans les poches, ouais, tranquille, les là en plein travail, ouais, comme d'habitude. Ça va, alhamdoulilah, tranquille. Come on. 21h minuit, la radio libre de Difool. Seulement sur Skyrock. Eh ben oui, ça va, content de vous retrouver encore une fois avec notre grand retour hier, la Radio Libre Summer Edition. On finit la Radio Libre de l'été jusqu'à vendredi. Ouais. Et toute l'équipe est là. Bonjour Romano. Ouais. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Salut les filles, nous dit Colonel Charlie. Et bien salut les filles. Salut les filles. Salut les filles. Salut Cédric. Ouais, salut les mecs aussi. Oui, salut tout le monde. Bah oui, tant qu'à faire. Salut à Marie. Ouais, bonsoir tout le monde. Salut à Mehdi qui est en direct de Marrakech qui nous dit il fait trop chaud. Bah ici aussi, il fait trop chaud. Je sais pas chez vous quel temps il a fait aujourd'hui, mais il fait chaud. Salut Samy, t'as eu chaud à Paris? Ah ouais, grave. Aussi chaud qu'à Marseille. Et vous savez qu'à Paris, il y a un temps de folie aujourd'hui. Du soleil, il fait 35 degrés, c'est un truc de fou. Et demain, il paraît que ça monte un peu. Je me tourne vers Monsieur Météo avant de... J'ai pas regardé, j'ai plus de télé, moi, je vous signale. Attention. T'en as pas acheté une encore? Oh, le drame. Bah, elle arrive demain. Romano, est-ce que tu veux pas nous faire un conseil pas cher avant les conseils pas chers de lundi qui sont de retour dans le morning? Les nouveaux conseils pas chers, c'est nouveau, c'est sur Skyrock, c'est dans le morning, c'est entre 6h et 9h dès lundi pour la rentrée. Conseil pas cher, c'est que j'ai acheté une télé sur Darty, quoi. Ouais, mais alors, combien t'as acheté le prix? Bah, je suis obligé, hein. Vas-y, on peut jouer au jeu du prix. On va jouer au jeu du prix. Au juste prix. Vas-y. Ah ouais. Bonjour Karim. Salut tout le monde. Salut. Et salut Romain des réseaux sociaux qui est derrière là. Ça va Romain? Ça va. Salut. Alors je tiens quand même à dire que dans l'équipe il y a quelqu'un qui a mangé de l'ail. Je ne sais pas qui est-ce. Ah, mais... C'est pas moi. Ah, c'est pas moi. C'est pas moi non plus. Non, c'est pas moi. Bah, non. Moi j'ai pas mangé. Moi je sens pas. Moi aussi j'ai pas mangé. Mais c'est Marie, elle a de la bouffe. Ah, Cédric. Non. Cédric. C'est vrai que ça sent vers là. Ça sent. C'est ça, Cédric. Bah oui, je me suis préparé une soupe à l'oignon et à l'ail. Magnifique. Heureusement qu'on fait de la radio. La radio n'est pas olfactive pour l'instant. Rien n'est ouvert. Donc non, mais moi j'ai pas mangé, j'étais avec bon, vous. Bon, eh bien nous, je vous annonce tout, c'est ouvert. Vous pouvez nous appeler dès maintenant, 01 53 40 30 20. Vous tombez sur l'équipe directement dans le studio, ici. Ouais. Il y a Marie, ouais. Cédric, Samy, yes. Karim qui vous répondent en direct. Les messages, vous pouvez nous les envoyer. Salut Kevin du 44, Guilhem. Bonjour à Clarita qui est là aussi. Brahms du 75, salut à toi Brahms. Fan du Royaume-Uni qui nous fait un petit coucou. Bonjour le fan du Royaume-Uni. Pour être fan de tout et nous laisser vos messages et parler de tout ce que vous voulez ce soir. Si vous avez un truc à nous dire, si vous voulez faire les cons en direct. Allez-y, bonjour à G-Unit, bonjour à Maxou qui vient d'arriver. Et Maxou. Bonjour Maxou. Et donc vous pouvez nous laisser vos messages, débarquer dans l'émission si vous avez le moins de problèmes. On fait tout pour le résoudre. Si vous voulez faire les cours, on est toujours prêt. Et puis dès que vous avez quelque chose à dire, vous voulez vous exprimer sur tout ce que vous voulez, c'est là pour ça. La Radio Libre sur Skyrock, c'est votre radio tous les soirs, la plus grande radio libre de France. Ouvre tous les soirs et en mode vacances jusqu'à vendredi. Ouais. Comme je vous l'ai dit, Summer Edition. Ça fait bien Summer Edition. Ouais, c'est vrai, ça 2K16. Voilà, Summer Edition. Excellent. Avant la grande rentrée de Sky, on en parlait tout à l'heure, à la grande rentrée. C'est le 29 dans une semaine. Une semaine, et ouais, la rentrée. Avec plein de chèques de 1 500 € à gagner, on vous a fait une rentrée de fou. Soyez là, donc, bah, de toute façon, vous êtes là tous les jours, mais soyez là dès lundi, 6h, sur Skyrock pour retrouver les grands rendez-vous de Sky. Bon, gros rendez-vous ce soir avec vous tous et vous toutes de toute la France. Oui, alors combien tu l'as payé ta télé, Romano? Parce que. Attends, faut qu'on continue. Hier, vous avez appris le drame de non, Romano. Non, mais c'est d'ailleurs pas un jeu, Marie. Ma télé, ce n'est ah, pas si, un si, jeu. Si, vas-y. Alors, attends. C'est pas un jeu, c'est un drame. Si. Du calme. Ça a cassé les couilles, cette histoire. Hier, tu nous as raconté ton retour de vacances. D'ailleurs, vous pouvez encore, puisqu'on est en Summer Edition, je vous le disais, vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé pendant vos vacances, les galères que vous avez eues, les bons délires que vous vous êtes tapés. Ouais, aussi. Vous nous dites tout ça de toute la France et n'importe quand dans l'émission. Mais hier, Romano, tu n'as pas attendu. Hier soir, dès la première émission, tu nous as raconté le drame de l'été. The drama of the summer. C'est même the end of the summer, quoi. The end of the summer. Ben, elle est morte, ma télé. Elle est morte. RIP la télé. Et tu sais, je sais plus qui nous avait envoyé le message hier, mais il avait raison. Vous êtes forts, les auditeurs morte, de Skyrock. Ma télé. Tu nous as expliqué, c'est Blue. Sur ton message, c'est Blue qui nous avait envoyé ça. Que quand tu avais remis ta télé, il fallait la débrancher parce qu'il y a eu un coup de jus et bam, ça l'a fait. Non, mais elle était, tu sais, je l'avais éteinte avec la télé. Oui, mais fallait débrancher la prise. Bah, je sais pas, moi j'ai jamais fait ça, jusqu'à maintenant, elle avait jamais pété. Si vous êtes pas rentré, que vous avez coupé le courant. Elle est morte, ma télé. Et que vous remettez le courant, bam. Alors, t'as acheté une nouvelle télé. Bah, j'ai pas le choix. On va pas rester sans télé. Quelle taille? T'as acheté quel modèle? Quelle marque? taille, vas-y, la taille. 138 cm. Ah, 138, hier, t'étais parti sur 160. Bah, non, 160, j'ai regardé pour avoir un truc 4K, c'est plus de 1000 euros, ça m'a cassé. C'est en budget, là. Ouais, je me suis dit, ah, je dis 699 euros. On joue au prix de la télé et vous nous laissez vos messages sur le 41-759. Romano, qu'est-ce que t'offres pour celui qui trouve le prix de la télé? Je vois rien, j'ai déjà claqué de l'oseille. Allez, t'offres la même télé, gros. Non, non, je vois rien. T'offres l'ancienne, celle qui est pétée. Je vois l'ancienne dédicacée. Non, mais celle-là, j'essaie de la réparer. Bon, Romano va vous trouver un cadeau. Ah, sérieux, je peux pas la... Il va la vendre sur le bon. Non, non, mais tu sais que j'ai dit à Darty, tu sais, je l'ai acheté par internet et Darty te demande si tu veux donner l'ancienne. J'ai mis non direct. Non. Donc, avant de parler peut-être de vos galères de vacances à vous, voici la galère de Romano. Donc, il a acheté une télé. J'imagine que, étant, t'es toujours aussi radin. Hein. Non, parce qu'en fait. Oui, il est toujours aussi radin, oui. Non, parce qu'en fait. Quand tu réponds pas à ma question, comme ça, c'est qu'il est toujours aussi radin. Non, mais parce qu'on s'est engueulé avec ma meuf à cause de ça. Parce qu'en fait, ce matin, quand je me suis levé, je me suis mis sur internet et tu sais, pour comparer. Pour chercher une télé, quoi. Ouais. Et ma meuf, ça lui a fait péter un câble. Elle me fait, mais tu comptes passer combien de jours à chercher ta télé de merde? Non, mais elle est bien gentille parce qu'elle va la regarder autant que toi. Tu comptes attendre 4 jours? Je lui fais, ouais, mais je fais, moi, je peux pas. Ouais, tu compares les prix. Mais je peux pas acheter comme ça, quoi. Bah t'as raison, tu compares. Elle me dit ouais, j'allais. Bon, de toute façon on fait 50-50. Hein. Voilà. Elle la regarde autant que toi, elle a deux yeux. Ouais. Toi aussi. Ah bah c'est bon. Non mais non, même proportionnellement, elle utilise plus que moi. Les yeux? Non, la télé. Ah d'accord. Non, non, c'est pour savoir. On sait jamais. Alors, quel est le prix de la télé de Romano? Non mais c'est. Alors, je sais pas pourquoi j'ai eu. J'ai pris une Thompson. Ah, c'est la musique des justes. Thompson. Alors, vous nous dites 599 pour plus. Kevin. Non, attends, c'est une 138 cm 4K. 4K, là. Ouais, donc plus cher. 4K, Wi-Fi connecté, Wi-Fi. Bon, j'ai pas tout compris, mais il y a plein de trucs super dessus. Ah ouais. Alors, on fait comme à la télé, on va noter, tu dis plus ou moins. Kevin, j'ai donc dit 599. Oh là, ça va malade. C'est plus cher. Elle va tomber. T'avais dit combien, Samy? 699, j'avais dit. 699. Plus ou moins? Ouais. Plus? Non, c'est ça. C'est ah, j'ai trouvé, chien tueur. Mais alors, j'ai gagné la télé. Non, mais alors il y avait une promo. La promo m'a influencé. Non, parce qu'en fait, j'avais un problème. Au départ, je voulais prendre une Samsung. C'est plus cher. Mais non, et en fait, les pieds avec vu que j'ai la barre Bose là. Tu sais, il faut que je puisse poser dessus et avec les pieds, ça dépasse. On va dire un petit problème d'agencement. Ouais, c'est ça, ouais. Oui. Là, tu sais, j'ai la barre de son boss, c'est bien, mais il faut que la télé, elle puisse tenir dessus. Ah ouais, c'est les petits problèmes d'agencement quand on a des installations magnifiques à la de maison. Luxe. De luxe, on peut le dire, de luxe. Mais je suis un tueur, j'ai trouvé direct. 699, et ben vous a grillé. Ouais, c'est ça, ouais. C'est une promo, c'était une promo Ouais, normalement. Ouais, quoi, bon, c'est pas une promo. Normalement, elle était à 749. À 705. Ah, désolé pour ceux qui ont laissé des messages. Non, j'ai regardé sur les comparateurs sur d'autres. Dans d'autres magasins, cet esprit-là. Il y a Charlie qui nous disait 650, Théo du 77, 500, 800 pour la jumelle. Ah, je l'avais vu. Zina, 850, là. Non, 699. Ouais. J'en avais une à 1290, oh, mais je me suis dit. Non, et puis même. 165 cm chez moi, ça ira pas. Regardez, il y a Sarah qui dit bien 138, joué, Romano. C'est pas cher pour une 138 cm. Bah écoute, je pense que ça va le prix, ouais, franchement, putain. Non, mais elle était à 749, tu vois. Je me suis dit autant prendre 4K, j'ai hésité. Mmh. Je me suis dit. C'est con parce que moi je voulais c'est faire bien, un truc. C'est bien, ça sert à rien la 4K en fait. J'ai pris ça. Non, il n'y a rien en 4K. Non. Ça sert à rien, mais bon, bah tu l'as, tu pourras c'est dire. C'est une GoPro. Voilà, bon, c'est du caca, le 4K. Non, c'est Cédric, c'est du 4K. Le caca, c'est bon. Mais non, 4K. Ah ouais, le caca, c'est trop bon. Ah, bon, bah écoutez, bravo à Samy qui va choisir son t-shirt de foot. Ça me fait mal au cul quand même. Tu prends un maillot de l'OM, non? Ouais, obligé. Je vais prendre quel maillot? Bah, un maillot de l'OM, alors. Hein. Pas de chance. Un petit maillot de l'OM. Allez, c'est parti. Je voulais que tu fasses un petit conseil pas cher, que tu ailles récupérer une télé chez les gens, parce que les gens, ils ont plein de télé. Bah ouais, non, mais si on peut le faire quand même. Hein. Ah, ça y est. Non, mais je peux, parce que tu sais que j'y pensais, parce que j'ai 15 jours pour essayer, tu vois. Ah, c'est pas con ça, tu vois. Si tu récupères une télé, j'en changeais tous les 15 jours. Est-ce que ça vous dit, on fait un petit conseil? Super. Ça nous a tellement manqué. Un petit conseil pas cher ce soir avant de se lancer lundi matin. Allez, vas-y, envoie de la famille. Allez, envoie des familles pour Romano. Et merci pour les températures que vous nous laissez parce qu'il fait très très chaud aussi chez vous. Je vois les messages qui ont défilé toute la France là tout à l'heure. Goldweed qui nous envoyait un message en début d'émission qui nous dit à Nantes, il y avait 36 degrés aujourd'hui. Waouh, chaud. Ah ouais. Jules qui est dans le 02 et qui nous fait 32 degrés. C'est bon, les jupes sont sorties. T'as remarqué aussi. Hein. C'est beau, hein, ça. Vive la canicule, vive les jupes, vive la température super forte. 35 degrés aujourd'hui dans le 95 chez moi. Trop chaud, horrible. 35 à Nantes, du côté de Chirégien et Mio. 32 à Valenciennes. Waouh, 32 à Valenciennes. Et là, ça sonne quelque part en France. C'est pour que Romano récupère sa télé. Puis après, l'émission reprend son cours normal. Mais est-ce qu'il y a vraiment un cours normal dans l'émission du soir? Est-ce qu'il y a vraiment un cours normal dans la radio libre? J'espère que les familles, elles ont des belles télés. Hein. Bah, tu vas leur demander. Hein. Ouais, le plus difficile, ça va être de la récupérer, la télé des familles. Allô ? Ouais, allô ? Oui ? Oui, bonsoir, c'est... Christian. C'est Christian ? Ouais. Ouais, comment tu vas ? Ça va, ça va. Les vacances ont été bonnes ? Impeccable. Impeccable, bon, dis donc... Impeccable de frein. Hein ? Impeccable de frein. Ouais. Ouais. Bon, on y va, je rigole, mais c'est pas drôle. Non. D'ailleurs, je suis rentré de vacances, bam, j'ai remis le courant, la télé, elle a sauté. Un drame. Tu pourrais pas me prêter la tienne ? La quoi ? La télé. Ouais. Et puis moi, qu'est-ce que j'aurais ? Toi, tu t'occupes de ta femme. Hein ? Tu t'occuperas de ta femme. Ouais. Sinon, tu bois. Tu fais l'amour. Tu bois, tu fais du sexe. J'ai déjà commencé. Je peux venir chercher la télé ce soir ? Eh, hey, tu fais le con, toi. Ouais. Okay, tu viens, puis je te fous une branlée, moi. Ouais, ben moi, je veux bien branler ta femme, moi. Si ça, va ouais, ça va. Ouais, bon, ça va. Ça va. Viens ici, toi. Bon, elle est grande, ta télé. Elle fait quelle taille, bordel? C'est une télé à gros cul. Comme ta femme. Ouais. Ah merde, excuse-moi. On va le rappeler, parce que j'aimerais bien quand même conclure l'affaire. J'aurais pas dû te dire comme ta femme, mais bon, écoute. Ça te fait du bien de gratter les gens, hein. Ouais, mais je le vois ton sourire. T'as vu, t'as retrouvé ton sourire malgré le fait que t'aies gaspillé 699 euros. Non, tu divises par deux. Ah oui. 349,50. Ah, ça va comme ça. Pour 10 ans. 349,50. Ah, j'espère qu'elle va durer 10 piges, celle-là. Non, mais celle-là, elle était vieille aussi, bon. Mais bon, ça te fait toujours chier. Là, tu l'as bien rentabilisé quand même. Ouais, mais ça fait chier quand même. Allô ? Christian ! Parle ici, t'es un homme. Hein, Christian ? Moi, je viens dans 5 minutes, hein. Je dirais plus que ta femme a un gros cul comme une télé. Prends le gros cul de ta femme. Non, j'avais dit que je dirais plus, Romano. Allô. Bon, bah écoute, la télé de Christian... Non, bah c'est bon, hein, on va dire que c'est bon, t'en as pas une deuxième, que c'est jamais que la sienne, elle soit pas super. Ouais, puis bon, tu peux la mettre dans ta chambre après. Voilà, il faisait très chaud à Monaco aujourd'hui, on nous dit. Maxou, 20 ans. Ah, ça va, Monaco est au bord de la mer. Je suis resté avec mon pote chez lui, il faisait trop chaud pour aller dehors. Ah, c'est quand même, t'es au bord de la mer, c'est quand même relou alors qu'il fait beau de pas profiter du soleil sur la plage. Ça, je te comprends pas, Maxou. Moi, j'aurais profité de la plage, je serais allé me baigner. Bah, Monaco, c'est que des plages privées, non? Ah ouais, c'est quoi, c'est au Cap d'Ail, là? Je sais pas, c'est cher. Ah, il y a des plages publiques quand même. Ouais. T'es les uns sur les autres. C'est à étage. Ouais, c'est sympa. T'as un mec au-dessus de toi. Actuellement. J'adore ce répondeur. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Bonsoir. Ah. Allô, bonsoir. Allô ? Oui, je vous écoute. Vous allez bien ? Bah oui. Bah oui. Bon, dites voir, j'ai un petit souci là, j'habite pas loin de chez vous. J'ai ma télé qui a grillé. Est-ce que vous pourriez me prêter la vôtre ? Non, je vais rigoler. Non, mais je viens dans 5 minutes, je la récupère. Oui, c'est n'importe quoi ce soir. Hein. Non, non, non. Eh ben, je viens. Suffit. Et si en prime, je peux te faire l'amour avant. Ah non. Non, l'amour. Non, heureusement qu'on n'est pas dans le clash de la drague, Romano. Hein. Sinon, non, mais non, n'empêche que le premier m'a proposé de venir pour me branler. Me mettre oui, branler. C'est vrai. Ouais. Donc, final, le premier, ça allait. Hein. On ne sait jamais. C'est vrai que vu comme ça, pourquoi pas. Bon, bah voilà le problème de la télé. Si vous avez eu une galère pendant les vacances et vous voulez qu'on en parle, n'hésitez pas, on a une solution à tout. Hein. Vous avez vu, Romano, il a une solution, il a sorti son chéquier ce matin, sa carte bleue, et bam. Non, mais la semaine prochaine, je vais faire arracher dedans. Hein. Bah revends-les sur le bon coin. T'as déjà rendez-vous de prix tout ? Bah ouais, non mais il faut, oui, je vais pas rester, j'ai un abcès. Tiens, là c'est dégonflé parce que je suis sous antibiotique. Cédric, par contre, tu as des abcès aux dents, non ? Non. Ah ouais, non, parce que c'est bizarre, je jure, non ? Non, c'est un abcès géant sur l'ensemble du visage de la gueule. Tu as un abcès sur le visage, non ? Non, non plus. Sur le corps, non ? Non, je te jure, non. Bon, dans un instant sur Skyrock, hein, on était chez les familles, on va y rester, on ira faire un tour chez les familles de France. Double appel, si vous avez du numéro à nous laisser, vous allez sur le 41-759, sur l'appli Skyrock. Vous nous laissez tout ça, toute la France, vous voulez qu'on appelle quelqu'un que vous connaissez, vous voulez faire un petit truc en direct à la radio sur Skyrock, faites tout ça au 41-759 sur l'appli Skyrock, on envoie même des messages par SMS. C'est la folie, quoi. Sur mon portable, c'est quand même un truc de fou. Donc allez-y, faites péter tout ça. Merci pour tous les messages. 34 degrés à Avignon, 33 degrés à chez Alison. Elle est où Alison, au Havre? 50 degrés à Clichy-sous-Bois. Non, ouais, alors sûr. Je pense que tu travailles dans une pizzeria ou boulangerie, ouais. Et là tu m'as donné la température du four ou parce cuisine. Que c'est vrai qu'il va faire chaud, mais on prévoit la canicule pour demain, dit Fould. Tu as raison, j'ai vu ça à la météo, c'est le dog qui nous laisse un message. Salut le dog. Mais je crois pendant 5 jours, hein. Pendant 5 jours la canicule. Ouais, c'est ce qu'il disait à la météo. Comment veux-tu que je t'encule? Canicule. Ah bah bon. Il paraît, hein. Et bah voilà, Radio Libre Summer Edition pendant toute la semaine là. Non, je t'ai même, là j'ai j'ai sur l'iPhone. Ah non, non, merde, j'ai regardé la Côte d'Azur. Je me disais, putain, il va faire grave beau, je vais être détrompé. Je me disais, c'est un truc de ouf. Alors, non. Plus chaud à Paris que sur la Côte d'Azur. Bah, sur la Côte d'Azur, là, jusqu'à jeudi prochain, il fait un super temps. Minimum 33 degrés. Et bah, si vous êtes en vacances là-bas ou alors si vous habitez là-bas, bah, profitez-en. Ah ouais, c'est bon, clair. Paris, si, ouais, jusqu'à dimanche. Et après, lundi, on perd, ben. 10 degrés. Eh ben, voilà. C'est un temps de 35, on passe à 25. Un temps de rentrée, c'est la rentrée avec du morning. Avec des nuages. Ma rentrée du morning lundi, eh ben, on en profitera avec un temps de rentrée. C'est bien. 32 degrés à Disney aujourd'hui. Il y a Aurélie qui est allée à Disney aujourd'hui. C'est bien, t'as à profiter. Et t'as dû bronzer chez Disney. T'as dû avoir chaud aussi, hein. Enfin, les trucs avec de l'eau dedans, vous savez, les trucs qui vous aspergent. Bah, à Disney, y a rien, ouais. Je crois. Y a rien. Avec de l'eau. C'est plus Astérix pour l'eau. Eh ben, la prochaine fois, t'iras à Astérix. Ouais, avec, si, y a les poupées, mais. Poupées, t'es sur un bateau, mais ouais, quoi. Là, si tu balances de l'eau, tu te fais sortir en deux, je pense. Dans un instant, on va retrouver Marius au téléphone avec nous. Il nous appelle car il est en dépression. Alors peut-être la fin des vacances, on va en savoir un petit peu plus d'ici quelques instants. Marius qui arrive avec nous. T'es là, Marius ? Allô ? Et bienvenue. Bah, pour te remonter le moral, puisqu'on m'a dit que t'étais en dépression, je sais pas qu'est-ce que t'as eu au standard, ouais, c'est Karim ? Ouais, c'est Karim. C'est Karim, il est en dépression ? Ouais, il est pas bien là, le Maneskin. Eh bien, on va t'aider, Maneskin. Ouais. T'inquiète, ouais. Marius. Elle est foutue, ta télé. Est-il obsédé par les télés maintenant? Bah non, mais tu sais, c'est après relou, les canapés, hein. C'est les télés, quoi. Bah attends, dis full, quand t'as vu ta panne de frigo. Terrible. Non, mais ouais, non, mais c'est relou. Moi, j'ai mis 3 mois en avant d'en acheter un autre. Non, mais moi, la télé. Normal. Ah, laisse tomber, hein, non, moi, la télé, ça me manque trop, quoi. Bon, ouais. Et donc, il y a tellement de trucs bien. La dépression, bah ouais. C'est clair, les anges, ça. Bon, remontage de morale pour toi, Marius, puisque tu nous as expliqué d'ailleurs pourquoi t'es en dépression. C'est peut-être la fin des vacances, ou je sais pas. Donc, on s'occupe de toi. Les familles du double appel vont te remonter le moral, je l'espère. Et jusqu'à minuit, n'hésitez pas, vous aussi, vous nous appelez au 01 53 40 30 20 si vous voulez faire les cours directs, si vous avez un truc à dire. Et puis sinon, sur le 41 759, l'appli Skyrock. Vous nous faites péter tout ça et jusqu'à minuit, c'est parti avec Designer et Panda qu'on écoute dans un instant sur Sky. Plus écouté que Hot 97 à New York. Plus écouté que Power 106 à Los Angeles. La radio rappée R&B la plus écoutée au monde, c'est Skyrock. Première radio urbaine mondiale. SCH. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides, tes cheveux blancs. Allô maman, j'crois que t'as besoin. SCH, nouvel album disponible. Samuel se prépare à aller chez McDo, mais pour l'instant, il est à la fenêtre. Il regarde une coccinelle. Elle est marrante. On dirait qu'elle se nettoie les antennes avec ses petites pattes. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. 6 points noirs, ça veut dire quoi, 6 en numérologie? Bref, Samuel se prépare à sortir pour aller chez McDo. Mais il n'est pas encore rendu, vu que là, il s'occupe de sa coccinelle. En même temps, c'est pas grave d'arriver tard. Cet été, la plupart des restaurants McDonald's restent ouverts jusqu'à minuit, ou plus. Trouvez le vôtre sur mcdonalds.fr. 21 Pilots. 21 Pilots. Twenty One Pilots, l'album. Son problème, c'est la victime du lycée. Faut que ça change, Stéphane. Il faut qu'on soit des mecs en place. Son plan, prendre un correspondant. Un looking extrême, ascenseur social, réputation mythique. Mais rien ne se passe comme prévu. Chérie, on a un gros problème avec la petite boche. Le correspondant, la comédie de l'été avec Jimmy Labeu, au cinéma le 24 août. Un film Skyrock. Lucas, j'ai dit pas de portable à table. Non mais je te le dis, on nous ment. Tout ça, c'est un coup des services secrets, je le sais, je l'ai lu sur Internet. Et moi, on m'a parlé des Illuminati, tu connais ? Non. C'est une société secrète qui dirige le monde, ils sont partout, il paraît. Pff, mais n'importe quoi, vous avez des preuves ? C'est quoi vos sources ? Lucas ? Papa, maman, faut pas croire tout ce qu'on entend. Hein. Théorie, rumeur, complot, prenons du recul et vérifions toujours l'info. Retrouvez comment distinguer le vrai du faux sur ontemanipule.fr. Et c'est reparti déjà sur Skyrock. C'est reparti avec le gros son de Designer Rap US. C'est sur Skyrock, la première radio urbaine mondiale. C'est nous. Oui, c'est nous. Toi aussi, viens rejoindre la plus grande radio libre de France en direct de 21h à minuit sur Skyrock. Oui, ça c'est lui, Designer Panda sur Skyrock. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards in the scammers, hitting no licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey K killers on their helmets. Legacies, phantom, wait and see. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Then the bullet, you ban it. Hope the killers understand it. I got broads in Atlanta. Twisted to lean the family. Credit cards and the scammers. Hitting the looks in the van. Legacy, phantom. Why is it look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hammers. Legacy, phantom. Why is it phantom? Packers full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Then the bullet, you ban it. Hope the killers understand it. Hey! Panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. I get broads in Atlanta, twisted up leaning street, sipping Fanta. Credit cards and the scammers, wake up beside you, let designer, over to lettuce you. They be anti rent, I know we clap at you. I be pulling us up in the finest shoe. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I tried to shoot. Black is six, Fanta, why is he killing no comma? Pop a perk, I got slime and gorilla. They come and kill you with bananas. For feelings, I feel it. Pull up in the fan and no need. They come and kill you on the counter. But Broly is dancing bigger than the panic. Go out to the Grammy, but pull it, you're panic. Pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up and they get it. I got niggas, this count for digits. Say you make you a lot of new money. No some killers, pull up in the end of baby. CTD, they pull up in the killer, baby. Call a feeling, pull up, gon' feel it, baby. Niggas up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broad, yeah, I get it. I got cards, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning it. Bobby, you trending. Chop the dawn, doing business in the brave, doing the feeling. I be getting to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas bleeding. Panda. Panda, panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, twisted to lean the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies, family. Wait and see, panda. Pockets full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Then they pull up your band. Hope the killers understand me. I got broads in Atlanta. Twisted to lean the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies, family. Why is it look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacies, family. Why is it panda? Packers full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Then they can pull up your band. Hope the killers understand me. Panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. Le son du designer sur Skyrock, c'était Panda. Come on. 21h minuit, la radio libre de Tifoul. Seulement sur Skyrock. Et on est en direct, et oui, de retour. Bonjour à Sandrine, un gros coucou. Salut Sandrine, bonjour à Mimille, Dark Halls qui vient d'arriver aussi. Salut à vous. Emma qui nous fait un bisou également. Salut bisous Emma. Emma. Le beau gosse, bah oui, tous les beaux gosses sont sur Skyrock. Le beau gosse, 19 ans. Salut à toi, le beau gosse. Bienvenue à toi. Je voulais faire aussi un petit coucou à Old qui a geeké tout au long de la journée et qui dit, à part jouer à la console, je ne fais qu'une chose, vous écoutez le soir. Mais je joue en même temps quand même. Ah ouais. Eh ben écoute, bienvenue à toi, Old. Tu as le droit lâche de jouer. Tu, ah ouais, tu ne lâches pas la ferme. Ce qui est bien avec la radio, c'est peut faire d'autres choses en même temps. C'est vrai, hein. Ouais, par exemple, il y en a qui écoutent la voix de Cédric, par exemple, qui se caressent en nous écoutant le soir. Exactement, ouais, exactement. Qui dégueule. Non, non, qui se caressent. Ah, tu connais qui vont aux toilettes. Tu connais des gens qui vomissent, toi, qui écoutent Cédric. Ah ouais, bah, c'est ah. C'est bizarre. Ouais. Non, non, bah, plus dit qu'au standard, ça se touchait. Ah, bah, évidemment, Cédric. Mais tout le monde se touche en écoutant ta voix. T'es dans la mythomanie la plus complète, mon pote. Non, non, mais t'es malade. Rappelle-toi du sondage qu'on a fait hier sur Cédric, mytho, pas mytho. On a fait un sondage en fin d'émission hier. Et qui c'est qui a gagné? C'est les mythos ou les pas mythos? Bah, c'est gros mytho. C'est gros mytho. Bah oui. Elle est pas joignable, ta copine Cédric? Si, si, on peut l'appeler. Ah, on appellera peut-être la copine Rachid. De Cédric pour nous confirmer Rachid, ouais. Que. Elle aussi, elle est mythomane, non? Non, non, elle est pas mythomane. Pour nous confirmer que Cédric a baisé des meufs tous les soirs pendant les vacances. C'est bon, tu l'as bien briefé au téléphone, t'as passé une heure avec elle au téléphone pour la raconter des trucs. Ouais, ça a rien de la paix. Oh là, tu dis que j'ai baisé 10 meufs. Non, non. Ouais, tu dis 8, dis que j'étais ken aussi. Bon, on lui passera un petit coup de fil tout à l'heure. Mais là, on est avec Marius qui est au téléphone avec nous, puis avec vous en direct de toute la France, si vous voulez nous appeler. Donc, je vous le disais, vous le savez, c'est le 01 53 40 30 20. Vous nous passez un coup de fil où que vous soyez. Et sinon, vous avez tous les réseaux pour nous laisser des messages et vous avez évidemment le 41759 et l'appli Skyrock, ça arrive même directement dans le studio sur les télés. T'as vu, on a plein de télés, Romano. Ouais, sur les télés qui sont là devant nous, sur les écrans qui sont là devant nous. Non, mais demain j'aurai le mien, ça doit être ça à peu près. Ah, gros, hein. Ah ouais, balèze quand même. En fait, tu vas avoir un écran qui est plus grand que toi. Ouais. Non, non, 138. Bon, merci. Non, non, mais je vais pas me mettre en diagonale. Le but d'opération, c'est pas que je le pète en une journée. J'espère bien que celui-là, il va me faire au moins 20 ans. Voilà, on salue Nico qui nous dit qu'au Mont-Saint-Michel, il fait très très chaud aujourd'hui. On a une dédicace de Biarritz, du Tché qui vient d'arriver. Salut le Tché. Tony et Laura également vous salue. Merci pour tous les messages que vous nous laissez. Ah, la télé de Romano est sur les SMS ou sur l'appli là. Je vois qu'elle vient de nous laisser un message. Bonjour à la télé de Romano. Bah là, elle doit surtout être dans les entrepôts de Darty, quoi. Elle attend. Darty, si vous écoutez, si vous voulez me faire une petite promo, ce sera avec plaisir que je l'accepterai. Voilà, un petit message est passé. Vive Darty, en plus ils prennent de la pub sur Sky, ils sont super. Oui, non, mais c'est vrai. Ouais. Bon, Marius, t'es en direct avec nous et Radio Libre Summer Edition, ça veut dire que vous nous parlez de tout ce qui vous arrivait pendant les vacances, de votre retour de vacances aussi, et puis de, évidemment. Ah, je vais leur tweeter un truc à Darty, tout ce que vous voulez. Oui, on sait jamais, ils vont faire un cadeau. J'en plains tous les voyages. Allô, tu vas gratter. Non, je vais mettre Darty, je vous ai acheté une télé. Mais écoutez bien Skyrock et écoutez bien Romano en particulier, ça vous fera peut-être gagner de l'argent, tout ça, je vous le dis, moi. Ah ouais, non, mais c'est clair. Ils vont te répondre, bah c'est cool. Ils vont te répondre. Resalut Marius. Franchement, je sais pas que j'ai la haine. Donc toi, t'es où, Marius? Moi, je suis à Berg, moi. Berg. À Berg. Tout va bien, Berg? Ouais, ça va. Ça va, t'as 16 ans, Marius. Très bien. T'es parti en vacances, toi, Marius? Ouais, je suis parti en colo et tout ça. Alors, si vous venez d'arriver. Bah, c'est parti en alcoolo. Ouais, je suis allé parti en cure plutôt. Non, j'ai fait une alcoolothérapie. Ah ouais, ça marche bien. Hein. C'est génial. Ah ouais, ouais. Je continue d'ailleurs toute l'année. Oui, mais bah c'est bien. C'est bien, mais il faut pas arrêter le traitement. Exactement. Le traitement. C'est pas bon, hein, si t'arrêtes. T'es parti en colo. Et si vous venez d'arriver, bon, c'est Marius. Marius, on nous a dit, enfin, c'est Karim que t'as eu au téléphone qui m'a dit que t'étais un peu en dépression. Ouais. Mais c'est quoi? C'est la dépression que tout le monde a quand on revient de vacances? Ouais, c'est ça, je me retrouve tout seul dans ma chambre, là, j'étais dans une tente à trois et tout ça. Et tout. Mais tu n'es pas tout seul, nous sommes là, tous ensemble, regarde. Ouais, c'est ouais, comme ouais, si Cédric ouf. Était dans ton lit. Oula. Ouais, ouais, ça me dégoûte, ça. Dégueulasse. Avec du fil à côté. Ah, bah ouais. Ah, ça c'est mieux. Ah, là, ça t'excite. Ah, là, c'est déjà mieux. Hein. Ah, bah, j'imagine. Non, mais c'est sûr que ça change parce que la colo, t'es quand même. T'étais dans des dortoirs, non? Non. Dans les tentes. Non, dans des tentes, Marie. Ah, dans des tentes, pardon. Tu sais, j'ai entendu. Oui, des tentes, oui, je sais ce que c'est. Tu sais, c'est une espèce de truc. Ça dépend, c'est où rond. Et qu'est-ce que tu as? Ou alors c'est, ça fait une, ça fait un truc comme ça, là, tu vois. Ouais. Une espèce de pyramide, quoi. À l'ancienne, quoi. Tu avais une qu'est-ce que tu as, Marcus? Ouais, c'est ça. C'est pas Marcus, c'est Marius. Ah, Marius, pardon. Ouais, Marius, alors si vous découvrez Skyrock, si vous passez un jour à l'antenne, ne vous inquiétez pas, Romano peut vous donner 10 prénoms. Et tout ça, gratuitement. Non, mais est-ce que c'était la nouvelle Kessia? La Kessia. Avec, tu sais, qui fait bien nuit dedans. Et que ça rafraîchit. Ouais, non, c'était pas celle-là, non. Une Kessia qui rafraîchit. Ouais. Non, je me faisais baiser, c'était pas celle-là. C'était une tente, genre tu te réveilles le matin, vous êtes tous en sueur, vous êtes réveillés ouais, par le soleil. Et vous... À 6h, et ça pue la mort. Ouais. C'est ça. C'est les moi, il y en a même qui sont morts quand ils dorment avec moi. Ah, wow. Ah, ouais. Asphyxié. Mais pas dans une tente. Parce que Decathlon, cette année, ils ont lancé une nouvelle toile là, de tente. Obscurité complète à l'intérieur, alors que normalement, il fait jour genre à 8h du matin. Ouais, voire à 5h du matin. À 6-7h du matin, t'es en plein soleil, t'es obligé de sortir. Mm-hmm. Et qui gardent le frais. Ils maintiennent une température à 20 degrés. Ah ouais? Et comment ils font? C'est avec la matière, en fait. Ah ouais. Pas mal. Non mais c'est moi je peux vous faire de la matière. Le caca c'est bon. Ou la matière fécale. C'est un autre style de matière ça. C'est pas la même chose, oui, ça c'est sûr. Bon, et donc t'es parti où en colo toi? Ah, je suis parti dans les Açores, c'est les petites îles portugaises. Ah ouais, les Açores. Ah les îles là. Ouais. Ah vive en Portugal. Putain, mais c'est bien une colo dans les Açores, une colo dans les îles, c'est bien ça. C'est dans l'Atlantique. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est bien, mais il fait beau là-bas. Ouais, de ouf, ouais. T'as eu beau temps, t'es bien éclaté. Ouais. Est-ce que c'est dans une tente que Romano avait branlé son pote, on nous demande sur non, j'ai jamais branlé ton pote. Branlé ton pote quoi, carrément. Si, celui qui avait une bite grosse là. Non, mais je l'ai pas branlé, le mec s'est branlé devant nous parce qu'il croyait qu'il avait la bite de traviole. Oui. Est-ce que t'as des potes qui ont fait des trucs chelous pendant les vacances? Parce que c'est vrai, quand on part en vacances avec des potes, parfois, quand on vit 24 heures sur 24, des trucs bizarres. Tu découvres des trucs que tu soupçonnais pas chez ton pote. Ouais, c'est vrai. Est-ce que t'as découvert des trucs bizarres avec tes potes, Thomas et Marius? Ouais, moi j'ai découvert en 2002, il avait une bite modèle chinois. Alors, t'as découvert ce qu'il y a, hein, vas-y, redis. En 2002. J'avais un pote, et en 2002, il avait une bite format made in China. Mais elle était riquiqui. Amis chinois, d'ailleurs, on vous salue. C'est sympa. D'ailleurs, big up à vous, oui. Une nouille. Bon, c'est vachement sympa. Et donc, il avait une toute petite bite. Ouais. Très bien. Et donc, toi, t'étais fier parce que t'as une plus grosse bite, c'est ça? Ouais, voilà. Mais vous êtes comparé les teubs ou quoi? Ouais, c'est ce que j'ai dit. Non, c'est pas nos kiffs, tu vois. Allez, vous la montrez. Comme ça, regardez, j'ai une petite bite. Ouais, le délire. Bip, bip. Ouais. C'est le genre de truc, tu peux te faire traquer pendant toutes les vacances après. Vous, j'imagine que vous l'avez traqué pendant toutes les vacances après, non? Ouais, un peu, ouais. Et voilà. Bon, alors, pourquoi la déprime? Parce que bon, là, t'es parti en vacances, dans les Açores, j'imagine, t'as passé de super vacances en colo. Ah, bah ouais, de ouf. Pourquoi la déprime? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est là, je rentre aujourd'hui, je rentre de l'avion, tout ça. Et là, ah, c'est normal. C'est dans mon lit et tout. Ah, c'est parce que, ah ouais, en fait, ah, tu reviens de vacances, t'étais avec tes potes, tout ça. T'es mélancolique. J'ai des coliques. Non, pas de coliques. Je suis alcoolique. Oui, ça oui. Complètement. J'ai des coliques. Mélancolique. Tu vois, même Marius, il le sait que t'es alcoolique, Marie. Ouais, bah voilà. Tout le monde le sait, ça. Et donc, bah, c'est normal, ça. Vous savez, moi, il y a un truc quand je reviens de vacances. C'est quand je passe la frontière et que je vois le drapeau européen et c'est écrit France dessus. Ah ouais, ouais. Et alors à chaque fois, ça me fout. Je me dis, non, c'est pas possible. Ah, moi, c'est quand tout le monde prend France. Ah non, ça y est, on rentre. Ah, c'est ça. Ça y est, les vacances sont finies. Ah ouais, oh putain, ça y est, on va retrouver Cédric. Ah là là. Ah, le drame. On se rapproche. Quelle joie. Malheureusement, quel beau pays la France, mais Cédric est français. Oh là là, oh, merde. Non, mais tu sais que j'ai une petite déprime, un peu de mélancolie. Il a qu'à avaler des somnifères en buvant du whisky, ça ira beaucoup mieux. Callaghan, ça ne va pas comme solution, ça, Callaghan. Ça va pas mieux, toi. On va essayer d'en trouver une autre, là. Tiens, il y a Memel qui nous laisse un message. Memel Kido, il a 18 ans et il nous fait: moi aussi, j'étais déprimé à mes retours de voyage scolaire. J'aimais bien dormir avec mes potes. Absolument, oui. Ah, bah, c'est bizarre, ton truc. Non, mais c'est rigolo de partir en vacances avec des potes. Oui, bien sûr. D'où tu te plains? Moi, je me suis fait chier pendant toutes les vacances. Bâtard. Message de Clem du 83. Ouais, mais t'es dans le 83, t'es dans le Var, Clem. Tiens, dis-toi un truc, c'est... Maintenant, la prochaine fois, c'est dans un an. Et voilà. Putain, ça va le rassurer, ça. C'est... Et voilà. De toute façon, c'est la vérité. Hein, la prochaine colo, c'est dans un an. Moi, je me suis dit, c'est en partant. Ah non, mais moi, j'ai pleuré. Hein. Quoi, Cariole a commencé à pleurer. Cette année, j'avais décidé d'être digne. Ouais, parce que, pour vous expliquer, si vous n'êtes pas au courant, Romano, chaque fois qu'il part de son lieu de vacances, il pleure. Ah ouais, putain, mais non, mais tu sais que même nos potes, ils ont pleuré, hein. Non, mais tu sais que moi, je suis pas du genre à pleurer, vous me connaissez. Mec solide, tout bah, ça. Bah, bien sûr, attends, un bonhomme, quoi. Voilà. Bonhomme. Et là, j'ai une copine qui vient me dire au revoir la semaine dernière. Une super amie à moi qui vient et qui me fait: t'es fool. Adios. Non, hasta luego. T'as vraiment une bonne bite. Et là, l'année prochaine que tu me la recolles. Et là, elle se met à fondre en larmes. Excuse-moi. Et là, j'ai une putain de merde. Et là, t'as les larmes qui montent et tout, et t'es triste. Bah ouais. Même au plus dur, même au plus fort, ça arrive. N'aie pas honte d'avoir pleuré, Marie. Après, après, voilà, rendez-vous dans un an, hein. Ou pas. D'ailleurs. Ou pas. Quoi, ou pas. Non, mais tu iras peut-être par la colo. Ah ouais, parce que. Ah ouais, c'est vrai que tu pars. Et les vacances à la Toussaint. Je pars au State. Ah ouais, mais toi tu fais pas chier le monde. Tu as arrêté de chialer alors. Il va t'engueuler en plus, Romano. Tiens, dites-nous si vous déprimez quand vous rentrez de vacances, vous aussi. Bon, il y a ceux qui sont pas partis, qui dépriment pas, mais bon, regarde, moi j'ai passé des vacances terribles, une semaine à Toulon, une semaine à Biarritz. Ah bah forcément petite déprime après. Il y a Pseudo 18 là qui a 25 ans qui nous fait: moi, ma famille est déprimée parce qu'on s'est tout fait cambrioler pendant les vacances. Ah ouais, merde. Ah ouais, non mais ça ouais. Le retour là. Ah ouais. Moi, je suis pas déprimé parce que j'ai rien fait pendant toutes les vacances. Je me suis juste branlé H24. Gaspard, salut Gaspard. Bah, il s'est occupé. Bon, bah, exactement. T'es occupé de ta bite. Hein. Moi, j'aime bien quand je rentre parce qu'on peut réentendre Cédric. Ah, il y a Super Difool, il est content. Ah, ben, je suis là. Tu vois, il est content. Mais tu peux même amener Skyrock en vacances avec bah, toi. Bah ouais, c'est ce que j'ai. Bah, tu m'en mets partout avec ton téléphone. Tu prends l'appli Skyrock téléchargée et puis tu pourras partir avec nous. Et comme ça, tu pourras même profiter de Cédric et ça, c'est génial. Tu pourras même voir des photos dégueulasses de lui. Pendant toutes les vacances et même voir des photos. Il y a Rizlen qui nous provoque là. Écoute ça, Marius, elle te provoque, elle nous provoque tous là, tous ceux qui sont rentrés de vacances. Rizlen, 24 ans, qui dit: moi, je me barre à Marrakech jeudi. Merci, Rizlen. Ça va avoir bien chaud. Bon, faut trouver des trucs positifs sur la rentrée. Qu'est-ce qu'il y a de positif pour la rentrée? Tiens, il y a Lohan. Tes potes? Ouais, tu vas retrouver tes potes à la rentrée. Ouais, mais les alliés, c'est tes potes aussi. Elle a raison, Lohan. Non, mais tes potes de l'année, quoi. Ouais. Ouais, mais toi, tu vas nous dire: ouais, mais j'étais déjà avec des potes dans ma colo, dans ma tente. Ouais, et puis si je les retrouve, c'est-à-dire que je reprends les cours, ça me fait chier. Ah bah ouais, ça, c'est clair. C'est vrai que ça me déprime même aussi. Alors, je suis désolé, je ne vais plus en cours, vous le savez, depuis quelques années. Mais moi, la rentrée des classes, de rentrée de vacances, bon, ça fout les boules. Mais alors, de rentrer en cours, ça me déprimait, mais comme jamais, quoi. Non, mais les prochaines vacances, c'est dans 2 mois. Ouais, là, tout ça. Ouais, c'est ça, mi-octobre. Ouais, c'est ça, on est le 23 août, donc ouais, dans 2 mois. Ouais. Ça a passé vite, hein. Oui, c'est vrai, ça passe vite. Ouais, j'espère. Après, bon, c'est vrai que tu déclates plus pendant les vacances d'été que pendant les vacances de la Toussaint. T'as plus le temps. Oui, mais bon. Bah, déjà, c'est pas mal, t'as des vacances. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais, bah ouais. Bon, bah, nous, t'aimais bien les vacances là, tout ça, mais quand t'étais avec ta gothique. Oh, bah, tiens, la gothique, t'as eu des nouvelles pendant l'été? Non, aucune. Oh, c'est dommage. Non, aucune. Dommage, t'as pas eu de nouvelles de la gothique? Non. T'as pas appelé, rien? Non, non, mais j'ai pas. D'où elle m'appelle, je l'insulte. Et Poki Pu, non? Ah, non, mais aucune, mais. Les têtes de tortue. Non, mais aucune. Les têtes de panda. J'ai croisé une tortue. Pendant les vacances de la Toussaint, t'aimais bien parce que tu allais visiter des cimetières avec elle. Ah oui, j'ai dit, est-ce que j'ai fait des Toussaints? Bah ouais. Bah ouais, t'en as fait trois. J'ai resté 3h30 avec elle. Putain de merde. Et si, dans un cimetière, tu nous avais dit une fois? Non, mais c'était pas qu'à la Toussaint. C'était, des fois, elle voulait se balader dans les cimetières. C'est une gothique. Toute hein. l'année, quoi. Ouais. C'était sa passion. C'est dingue, on n'avait pas parlé de la gothique hier pour le retour de vacances. Je me suis dit, non, mais il manque quelque chose dans l'émission. Passé, hein. Il manque quelque chose. Bon, il y en a qui sont éclatés pendant les vacances. Regarde Adriano, il s'est éclaté, il a fait des trucs utiles. J'ai passé les vacances à courir pour maigrir. Moi, j'ai trouvé une meuf pendant les vacances. On s'est pris la tête pendant tout l'été. Heureusement, c'est fini. Je suis content de rentrer. Ah bah tiens, tu vois, il y a Kamel qui a trouvé une meuf pendant les vacances. Et lui, il est content de rentrer tellement elle lui a cassé les couilles. Faut tomber sur une casse-couille, comme ça, t'es content de rentrer. Ouais. Si tu t'es fait larguer, je comprends que tu sois content de rentrer. Hein. Il y aura des nouvelles meufs au bahut. C'est bien ça, non? Regarde, Gaspard qui nous dit ça. Audi A3 aussi, qui nous laisse un message. Tu rentres en quelle classe, là, Marius? Marius, c'est ça. Hein? Tu rentres en quelle classe? Marius. Marius. Quoi? Mais t'es con, quoi, tu es. Je te pose la question. Tu rentres en quelle classe? Ah, excuse-moi. Je rentre en première. Ah si, il y aura des secondes, il y a peut-être de la bonasse qui va arriver. Hein. Ouais, mais tu sais, là, dans mes filières, il n'y a pas beaucoup de filles. Ah ouais, t'es quoi, toi? Paysagiste. Ah, il n'y a pas de filles qui font paysagiste. Ah, ah non, pas beaucoup. Ouais. Il y en a, mais c'est rare, quoi. Bon, enfin, tu vas te faire des nouveaux copains. Tiens, bah, Cédric, sors-nous une petite stat sur les filles en paysagisterie. Alors, Cédric va tout nous dire. Ah, les meufs au lycée, premier point positif, dit Clément. Voilà, tu vas mater les culs des meufs en cours, au moins, ça va être cool. Tu vas retrouver des filles en cours pour Théo aussi qui nous envoie un message. Ah oui, Cédric, cherche ta stat là. Il y a pas de stat. Bah si, cherche les meufs qui font paysagiste. Ça va l'occuper pendant 10 minutes. Nous, on va être tranquille pendant 10 minutes. Ah ouais, bah au moins, ouais. Bah ouais. Bon, dites-nous si vous avez des idées pour voir les côtés positifs de la rentrée. Hein, je sais pas, par exemple, on vous offre 1500 euros dès lundi prochain, toutes les demi-heures, ça vous a peut-être pas. Ah, franchement, on pourrait me les filer pour ma télé. Bah, y a plein d'auditeurs qui ont des trucs à acheter, qui aussi ont besoin d'argent. Ouais, moi, je demande jamais rien, quoi. Hein? Non, mais tu rigoles ou quoi? Tu passes ta vie à nous réclamer des trucs. Vous le connaissez, hein. Putain, Darty, ils m'ont pas répondu, merde. T'as tweeté Darty pour avoir une réduc pour demain. Pour sa nouvelle télé, hein, je vous dis ça. Darty officiel, j'ai acheté une belle télé chez vous, possible d'avoir une petite promo. Attends, tu vas direct. C'est le moment où il te répond de garde la pêche. Tu nous dis si t'as des nouvelles, Romano, là. Non, mais c'est sur mon Twitter. Hein. Difool qui nous dit, moi j'aime bien la fin des vacances, je retrouve la belle voix de Difool. C'est bien, tu as bon goût, Difool. En effet, elle est encore plus belle au retour de vacances. Hein. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre? Tiens, je suis au Maroc actuellement, mais je rentre demain. À demain, ce sera pour toi la déprime. Ouais. Issam, 20 ans, qui rentre du Maroc. Bah, salut à toi, Issam. Et bonjour à vous tous qui nous écoutez de votre lieu de vacances. Profitez-en. Bah, tu vois, y a Adrien... Jusqu'au bout, sucez la plage, sucez tout. Enfin, sucez tout. Sucez des bites. Oh, bien parlé. Non, Cédric. Ouais, en gros, je voulais dire. Bien dit ça. Mais non, profitez-en jusqu'au bout. Bah, il y a Adriano, il a 17 ans. Moi, je passe en seconde. J'ai hâte, surtout pour voir les meufs. Et ben voilà, tu vois, faut essayer. Ouais, mais, c'était positif, ouais, mais ça passe vite, hein, parce que le premier jour, tu les as toutes vues. Tu te rends compte qu'il y a que des moches. Ben voilà. Bon, ben, voilà une année de merde de plus à vivre. La rentrée, ça fait chier pour la circulation. Non, on a décidé de parler des trucs positifs. Oui. Ah, la reprise de la Champions League. C'est vrai. Avec le PSG qui va encore se faire éliminer lamentablement. Voilà quelque chose qui met en joie Callaghan. Le PSG va se faire. Vous avez embauché personne, le PSG? Si, on a pris Ben Arfa, Krikoja. Oui. Mais pas de grands joueurs pour remplacer. C'est Zlatan par exemple. Bah, on a Cavani, mais c'est un très grand joueur qui loupe plein d'occasions. Il a fait que de la merde dimanche. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Cavani, je sais pas si vous l'avez vu jouer dimanche au match du PSG. C'est celui qui a les cheveux, c'est ça? Ouais, en attaque, c'est celui qui ressemble à Raon. Ouais. C'est ça, c'est un peu. Il a tout foiré. C'est-à-dire qu'il avait une balle, mais au pied, devant les cages, il y avait juste lui et le goal. Sur le goal. Tiens, lui, je le verrais bien avec un arc et une flèche, tu vois. Bah ouais, mais je t'ai dit, Raon. Ouais, c'est, il ressemble un peu. Tu sais, tu le mets torse nu. Bam, il tire des flèches. Tu sais, de liane en liane. Je peux faire Chita. Oh là, c'est. Et Cédric, tu feras Chita si tu veux. Ah ouais. Ouais, tu seras super. Avec Cavani. Ah, il y a Damien qui est content de revoir les bonichons de la prof d'anglais, lui. Ah bah, oui. Bah écoute, faut trouver des points positifs. Ouais, bah pourquoi pas. Des points positifs. Non mais Marius, y a pas moyen d'ici la rentrée, tu te fasses une petite soirée avec tes potes de la colo. Vous habitez dans la même ville ou? C'est bien ça. Bah non, absolument pas. On est tous dispersés dans la France. Ah ouais, donc tes potes, tu vas pas les voir pendant un an. Sinon, tu te faisais un peu, tu sais, bah, ouais. Alors attendez, on va faire un tour au standard. Vous nous appelez au 01 53 40 30 20. Vous nous laissez vos messages aussi. Bonjour les Canaries de Rodrigue qui nous écoute aux Canaries actuellement. Ça fait plaisir de voir que tu nous écoutes aux Canaries. Je suis allé à Noël aux Canaries, il faisait 26 degrés. C'est un truc de fou ce pays. Mais ouais, ouais. Non, mais dans le sud de l'Espagne, comme ça, ouais, c'est un microclimat. C'est, enfin, côté, sud, c'est plus à côté du Maroc. C'est pas trop dans le sud. C'est le sud, ouais, enfin, c'est au sud. C'est pas du tout vers l'Espagne. Ouais, c'est dans l'eau. C'est dans l'eau. Des machins, des bouts de terre dans l'eau. Fait plaisir de voir que vous nous écoutez au bord de l'océan, aux Canaries. Salut Rodrigue. Je suis au bord du lac des Sétons, chez toi. Vous connaissez ça, Romano? Au bord du lac des Sétons, chez toi. C'est pour toi le message. Ah, c'est vers chez toi alors ça. Ouais, ouais, quoi. C'est dans la Meurthe. Et c'est beau, non? Bah, non, c'est beau. Si, c'est un lac au milieu des forêts. C'est un vrai lac, quoi, la carte. Non, c'est un vrai lac. Mais il est grand, hein, quand même. Non, mais il y a pas mal. Si tu kiffes les Hollandais, les Allemands, il y en a beaucoup. Ah, c'est génial, blindé. Il y a un camping, mais c'est. Putain, t'aurais dû me prévenir avant l'été. Bon, je suis allé là-bas. Donc, vous devez faire du pédalo, tu vois. Waouh! Et du pédalo avec des Allemands, stylé. Waouh, la classe. Bonjour, Günther. Bonjour. Je te présente ma femme, Gisela. Bonjour. Alors on va faire un tour sur le 01 53 40 30 20 et on va voir ce que Samuel a proposé. Samuel en direct de Strasbourg, 96 FM pour écouter Skyrock à Strasbourg. Salut. Ouais Samuel. Salut Sam. Ouais, en fait moi j'étais aussi en colo et je me suis dit au début toujours la déprime, me dire j'ai pu les revoir, mais après faut se dire que tu les revois l'an prochain et tu gardes contact avec eux, quoi. T'as leur numéro, tout ça. T'es parti où en colo, toi, Sam? Moi, je suis parti à Belle-Île, dans la Bretagne. Belle-Île en mer. Voilà. Galant. Voilà. C'est joli, Belle-Île. Et donc, c'est bien là-bas? Ouais, c'était génial. Et donc, t'es parti en colo avec des gens que tu connaissais ou alors? Non, je suis parti tout seul. Et donc, t'as fait des rencontres, t'as rencontré des potes, c'est bien passé? Ouais, des rencontres, comme ça, des bons amis, des copines. Les meufs. Voilà. T'es tombé amoureux pendant les vacances? Pardon? T'es tombé amoureux pendant les vacances? Oui. Et voilà, pas amoureux pendant les vacances. T'as niqué? Non. Oh merde, pas niqué. Mais bon, t'es tombé amoureux. Non, je dis, je tombais pas amoureux pendant les vacances, parce que quand tu tombes amoureux pendant les vacances, et ben parfois t'es triste. Bah, c'est t'as du volet qui habite pas loin de chez toi. Parfois t'es triste. Pourquoi tu dis ça? Ah, toujours des pas comme ça, gros. Je répète ce que t'as dit, c'est tout. Bah oui, parfois t'es triste. Bon, et oui, tu vois le côté positif. Mais non, c'est pas. Moi, je tombe pas amoureux, moi, c'est fini ça maintenant. Ouais, je. Oh, attends, c'est un baiser. C'est terminé, voilà. Fini. Et donc, ouais, donc tes potes, toi, tu les as. Ça fait combien de temps que t'es rentré de Belle-Île? Ça fait maintenant 2 semaines. Et tu les as eu au téléphone, vous êtes parlé? Parce que souvent, on se dit, allez, on va s'appeler, tout ça, et puis on s'appelle jamais. Non, on a gardé contact. Je garde toujours, on s'envoie toujours des messages, voilà. Ouais, quand même, ça fait combien de temps que t'es rentré, là? 15 jours. Ouais, 15 jours. Bon, c'est normal. C'est le début, ouais, c'est normal. Ah, des fois, c'est vers octobre-novembre que ça se gâte. Il y a pas de nouvelles, ouais. Non, mais t'as plus rien, tu sais, t'as la rentrée, chacun repense sa vie. Ouais, c'est vrai. Ça, ouais. Enfin, Romano, t'es gentil, octobre-novembre, connaissant une histoire qui t'est arrivée avec une de tes ex, dont t'étais tombé amoureux pendant les vacances. Elle, ça a été début septembre qu'elle t'a largué direct. Fin août, non, c'était non, c'était pas fin août, hein, c'était plus genre mi-septembre, fin septembre. Voilà, c'est ça. Donc on n'est pas en octobre. J'ai pas eu de nouvelles directement. Je me suis dit, putain, elle m'a mis carrément dans. Et après, là, c'est là où elle m'avait annoncé la triste nouvelle, la mononucléose. Voilà. Bon, elle avait dû se faire galocher par notre mec. Et moi, je n'ai jamais eu ce truc. Bah ouais. Au moins, elle t'a pas laissé de cadeau. Non, non, mais ouais, il manquerait plus que ça, tiens. Bon, bah écoute, merci Samuel. Donc, ouais, je peux passer une petite dédicace. Bah vas-y, de bonnes vacances donc pour toi, ouais. Belle-Île. Et donc, suis les conseils de Samuel et vois les côtés positifs de la rentrée, Marius. Faut les trouver, mais bon, quand on réfléchit un peu, on les trouve. Positive vibe, man. Voilà, exactement. Et alors, petite dédicace, c'est qui voulait faire une dédicace, Sam? Une dédicace pour toute ma famille, à tous mes potes et aussi une petite amie de colo, une amie de colo, Yaya, là, qui était avec moi et qui vous écoute. Et bon, on fait une grosse bise à Yaya et puis on est content de. Comment s'appelle? C'est quoi son prénom? Melaya. Eh bien, on embrasse Melaya. J'embrasse également Denis qui nous écoute avec de la vodka. Je le fais maintenant parce que d'ici 5 minutes, peut-être qu'il sera tombé. Salut Denis en Russie qui nous écoute ce soir. Big up. C'est bien de voir tous les messages. Big up la vodka. Qui viennent de toute la France, mais également du monde entier. Et également donc de Russie où on boit de la vodka. On fait que ça en Russie, non? Bah, il carbure pas mal. Hein. Ouais, ça carbure pas mal. Bon, bah, tu salues tout Strasbourg pour nous, Samuel. Ça marche, pas de soucis. Salut à toi. Ciao, Sam. Salut. Et bon courage, Marius, hein, pour la petite déprime, la petite dépression de post-vacances. Ça arrive. Ouais. Ouais, ça va passer. Exactement. Bah oui. Regarde, là, dès la semaine prochaine, t'auras plein de trucs à faire, plein de trucs pour t'occuper, acheter les fournitures, découvrir la nouvelle classe, découvrir les nouveaux profs. Faudra du temps de merde. Voilà. On va nous raconter. La semaine prochaine, vous nous parlerez de vos galères de rentrée, si vous voulez. Oh putain. Bon courage. Salut Marius, et puis on t'envoie le t-shirt Skyrock à la maison, même chose d'ailleurs. Ouais, j'ai pas dit pour Sam, mais il aura aussi son t-shirt Skyrock, Sam. On t'envoie ça à la maison. Petite dédicace, vas-y Marius. Ouais, bah du coup, je fais une dédicace à toute la colo, à Clémence que j'aime et que je fais un bisou qui m'écoute là. Mmh. Je fais à Flavien aussi qui m'écoute, qui doit être mort de rire. Au petit 2002, c'est délire. Ah, c'est celui qui a la petite bite lui. Ouais, c'est ça. Eh, ouais. Bon, t'en as une, c'est déjà ça. Hein. Bah, c'est bien, oui. Bah, oui. Et puis, je fais une dédicace à tout le reste et puis à vous aussi. Bah, c'est gentil. Merci Marius. Cool. Et puis, n'hésite pas à nous rappeler quand tu veux. Hein. Oh Marius, vous avez vu, on est arrivé au bout. Bon, on te rappelle Marius hein, pour t'envoyer ton maillot là. Bon, on a Jessie au téléphone et juste après, on fait un petit tour du côté des familles de France. On va faire un petit double appel. Si allez. Vous êtes prêts, hein. Moi, je suis chaud. Hein. Ouais, chaud bouillant. Allez, c'est parti. On a des numéros. Grave. J'ai vu plein de numéros qui défilaient d'ailleurs. Hey, d'ailleurs, quand vous laissez vos numéros, laissez-nous le vôtre aussi. Que si ça marche bien, comme ça, on peut vous rappeler. Allez, on vous fait cadeau. Plein, ouais, voilà, il y en a plein qui laissent que le numéro de la famille, en fait. Mmh. Mais il n'y a pas leur numéro à eux, les auditeurs. Donc, voilà. Laissez-nous. Moi, je suis décaloté complètement. Bonjour, Patrick. Il est en érection ou pas? Qui, Patrick? J'en sais rien. C'est lui, hein, vous l'avez reconnu. Ouais, c'est Patrick. Voilà, qui peut nous aider quand on appelle les familles de France. On va mettre deux familles en contact. On va voir ce qui va se passer. Ouais, absolument, oui. Absolument, comme tu le dis si bien, Patrick. Le double appel arrive dans un instant et Jessie est avec nous et elle voudrait spécialement parler à toi, Romano. Hey, tu vas être content, Romano. Ah, il y a le trafic d'artillerie. Exactement. Ah, c'est un gars, c'est un garçon. Salut, Jessie. Tu vois, première déception. Salut. On est content, là. Darty, t'as entendu? C'est Darty. Il est comme un gosse. C'est Jessie, sourire. C'est Darty. Et tu t'es fait complètement avoir. Oh merde. Pourquoi? Tu parles de la télé qu'il a acheté à 699 euros. Thompson, c'est ça? Oui. Ouais. Alors, tu t'es fait pas droit, pas Thompson. Pourquoi pas Thompson? C'est de la merde. C'est chinois, t'as raison, ta télé. Chinois. Ouais, Sony, c'est chinois aussi, Samsung, excuse-moi, c'est pas. Non, mais c'est pas chinois, Samsung, c'est coréen. Ouais, et puis Sony, c'est japonais, je crois. Non, mais de toute façon, c'est construit, voilà. Tous les trucs sortent des mêmes usines quasiment. C'est ce qu'on dit, c'est de la merde. En termes de qualité, c'est ce qu'il y a de pire. Ah vrai? Non, sérieux? J'aurais dû prendre Sony, un truc au moins, je sais pas. Mais ouais, mais ça me. 140, faut prendre au moins 1300, mais 400 euros, quoi. Le double. Je t'ai fait carnage, gros. Et Cédric, il est content, t'as vu? Non, mais franchement, t'as vu, Romano, tu ne peux même pas compter sur lui. Ouais, bon, de toute façon, Cédric, ça ne m'étonne pas de lui. Elle était déjà sur son truc, voir s'il peut annuler sa commande. Non, je regardais. Il a pris la garantie 5 ans, moi. Ah non, oui, comme non, un non, non, non, non, t'as pas pris la garantie. Non, mais je la prends jamais. Mais toi, tu la prends, mais je la prends jamais, moi. Elle vendeur est sous ta gueule, mais tu la prends, tu l'as fait tomber en panne avant que les 5 ans ils tombent. T'en as une nouvelle après. Ah, moi, c'est 1000 euros, là, sur l'assurance. Non, c'est cher. Trop cher, allez, c'est 50 balles, la garantie en plus. Non, mais tu rigoles, c'est plus de 50 balles. C'est combien? Je crois que c'est en fonction du prix, c'est ça? 150, 200 balles. Ouais, c'est ça, je crois. Ah ouais, quand même, ouais. On peut faire un petit sondage. Est-ce qu'on peut faire un petit sondage pour savoir quelle est la, si vous aviez une télé à acheter, quelle est la marque de télé que vous prendriez? Ouais, mais non, mais après, il y a un budget, parce que à ce moment-là, moi aussi, j'aurais pris la meilleure qui vaut, on fait moins de 1000 E. Voilà. Allez, on dit moins. Mais 1000 E, c'est moi, Samsung, moi, j'aime bien Samsung. Toi, t'aimes bien Samsung? Samsung ou Sony, ouais, pareil, ouais. Sony, c'est top. Mais pourquoi tu dis c'est de la merde? Mais à quel niveau? L'image, elle est pourrie. Ouais, l'image, alors, tu l'as reçue du tout ou pas? Non. Demain, il la reçoit. Demain, il va pas la reçoit. Non, mais je peux dire, ouais, finalement, j'en veux pas, j'ai 15 jours, de toute façon. C'est la panique. C'est vrai, ouais. Ah, mais t'auras pas de télé pendant 15 jours, du coup, faut que t'en achètes. Non, mais genre, celle-là, bah, achète-en une maintenant, une autre, on te conseille. Et l'autre, tu l'annules demain. Mais Jessie, attends, tu veux faire une vente? Tu m'as pris pour Cédric ou quoi? Bah, écoute, vas-y, c'est pas grave, je verrai ça demain, si ça me plaît pas, au pire. Écoutez, c'est pas plaisir. J'ai envie de pleurer, regarde, elle a envie de rentrer chez lui. Non, mais je peux le faire d'ici, mais malheureusement, je crois que je peux pas annuler comme ça. Tu bosses dans quoi, Darty, toi? Dans les fours. Ah bah, je suis rien. Non, je suis rien. Donc les télés, je m'y connais à fond. En rayon. Là, il bosse au télé. En plus, tu serais passé par lui, toi. Ah, tu bosses au télé, donc tu te connais. Tu fais une remise, gros. C'est quoi le meilleur rapport qualité-prix? T'avais, bah après, ça dépend. Si tu veux du 140, t'avais une Sony, bah tu restes sur Sony, mais t'es à 1000 balles. Donc, mais par contre, en termes de qualité, tu peux pas. Je m'en bats les couilles, je mets je pas. Je refuse, monsieur. Non, non, 1000 balles, c'est trop cher. Combien tu me fais une réduction? Je m'en bats les couilles, demain j'en fais. J'ai même pas chez boulanger, alors putain. T'as une réduction ou pas? Non, mais s'il est boulanger, j'ai pas envie de passer. Mais non, mais les magasins boulangers. C'est vrai, tu mets le vendre la fourre à pain. Une réduction sur une baguette. Regarde, c'est trop bien, j'en ai acheté un pour mon salon. Mais non, chez boulanger, garde la fourre à pain, c'est moi une boulangerie. Je m'en fous, t'aurais gratté 10%. Attends, combien tu me faisais de pourcent, histoire que je pleure encore en plus? Attends, t'as eu quelque chose ou pas, toi? Ouais, elle était en promo, ouais, 50 balles. Ah ouais, parce que nous, on a 12%. Enfin, après, moi, nous, on peut faire 12% ouais. Perso. Ah, 12%, t'es dans quel coin, toi? Nous, c'est en Mayenne, donc t'es loin. Ah ouais, non, elle est tombée. À la balle. 100 euros. C'est tombé, ouais, c'est tombé. Alors vos télés préférées, qu'est-ce que vous dites? Gérard Junio, oh dis donc. Samsung, Adriano, 17 ans, qui nous dit Samsung. Théo du 77, dit Samsung. Sony Direct pour Vivre Romano, 22 ans. Manon nous dit Samsung. Phil nous dit Samsung. Samsung c'est très bien. Samsung c'est le top pour Jules. Il y a Gabriel de Samsung Darcy pour aussi, le grand toilette. Putain, tout le monde nous dit Samsung. LG c'est bien et ça coûte pas cher. Samsung, nous dit Moalek, c'est bien LG. Je sais. LG, c'est pas mal. Samsung, c'est Samsung, Sony, LG. Ouais, mais parce que ouais. Samsung, déjà, quand tu vas dans les magasins, c'est les marques qui a le c'est plus. C'est celles qui sont mis en avant. Ah. Ouais. Oh, bah non, ça va te faire plaisir. Il y a que ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a quasiment plus. Ouais, c'est vrai que j'ai regardé sur les sites marchands, mais Samsung, ils ont 90% des modèles, en fait. Toshi qui dit, j'ai une Thompson Romano, et elle est nickel, pour te rassurer un peu. Et il y a Gabriel de Darty qui dit, je confirme Thompson, c'est une merde, bonjour aux collègues, la meilleure, c'est Sony. Et voilà. Est-ce que tu façon Romano tu la reçois demain matin? Il t'écoute. Ouais. Il a même pas envie de répondre. Il est sur son téléphone là, il sa commande. Non mais après ça dépend. Tu la testes, moi je m'en bats les couilles, moi je regarde pas de films et tout donc Ouais mais bon non, ce qu'il dit c'est qu'elle va tomber en panne dans 2 ans, tu vois. Ah jusqu'à la fin de la garantie, tu faudra en racheter une autre quoi. Écoute, ouais mais j'ai regardé sur la même gamme Samsung en 4K, elle est trop chère. C'est 1000 balles, c'est 1000 balles, c'est ça à peu près. Et c'est cher. Ouais, faut compter, voilà, 1000-1200. Ouais, trop cher. Ah, je m'en bats les couilles, je préfère en acheter une dans 5 ans. Bon, notre classement des télés. Alors, première, Samsung. Deuxième, Sony. Je fais ça au pif. Hein. Mais première, enfin, au pif, j'ai vu vos messages. Première, Samsung, largement. Deuxième, Sony, assez largement aussi. Et après, on a du LG, on a du JVC, on a du Panasonic. C'est bien Panasonic? Ouais, Panasonic, c'est pas mal aussi. C'est pas mal. T'as des prix pas trop chers. Hein. En fait, le truc le plus merdique, c'est ce que j'ai pris, quoi, en gros. Ouais, on va dire ça comme ça, ouais. Putain, merde. Mais écoute, tu nous diras demain, Romano, tu la branches tout de suite demain matin dès que t'es. Quand il me la livre, quoi. Ah, très bien. Tu nous feras une photo de ta télé? Ouais. Bah, écoute. Comme ça, on pourra la voir demain. Et ça va être super. T'imagines, t'installes le truc, l'image est toute pourrie, t'as le blanc qui est jaune, le bleu qui est vert. Non, mais je verrai, si vraiment elle me plaît pas, de toute façon, j'ai 15 jours pour échanger. Si on change, chez Darty, t'as ça. Ouais, c'est ce que nous dit Team Rageux, là, sur SMS. Je garde le carton, je le défonce pas quand je la déballe, et puis voilà. Salut le Team Rageux. Tu dis mon pote, bravo au vendeur qui t'a bien baisé, du coup. Bravo à lui. Non, il m'a pas baisé, non. C'est moi tout seul sur Internet, en fait. Il s'est baisé tout seul. Bravo à toi, tu t'es baisé tout seul, Romano. Bon, merci, Jesse. Tu salues on salue d'ailleurs tous les vendeurs chez Darty. Ouais, je te remercie, mais putain, tu m'as mis un peu en bad. Et vaut mieux être prévenu de ces moments-là. Ah merde. Bon, allez, dans un instant, Jesse, on te garde avec nous. On va t'envoyer le t-shirt Skyrock à la maison. Là, c'est parti. Ça marche, merci. Le Skyrock Collector à la maison. On t'envoie ça du côté de Laval et on salue tout le monde en Mayenne. Dans un instant, les familles du double appel. On va voyager un petit peu partout en France. Si vous avez des numéros, vous pouvez continuer à les envoyer. Les familles, le double appel arrive. Vous toutes en direct aussi jusqu'à minuit. Vous pouvez débarquer ici. C'est facile. Hein, vous nous laissez vos messages, vous laissez vos numéros. On vous rappelle juste derrière. On aura du gros son à écouter aussi ce soir. Qu'est-ce qu'on a prévu pour vous? Ah, on a prévu le nouveau Florida pour les Américains. Ah, tiens, je lis quand même un message. Max du 57, Samsung en TV, c'est devenu très moyen. Ah. Ne vous faites pas avoir par la notoriété de la marque. Ah. Non, mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est pas con. J'avais déjà entendu ça en plus. T'as 80... Non, mais c'est vrai, j'ai halluciné sur tous les sites, tu sais, genre Fnac, Darty, Conforama, mais t'as 90% des modèles, c'est Samsung. Samsung. Et les autres marques, t'as quelques Sony, mais c'est Samsung en large majorité. Samsung. Heureusement qu'Apple, ils font pas des grandes télés comme ça. Ah non, mais plus cher. Parce qu'ils te les feraient à 50 000 euros. La télé avec le câble d'alimentation à 300. Ouais. Et la télé qui prend pas au bout de 2 ans. Mais tu sais pas pourquoi. Et la télé commande est en option. Ouais, ah, bien sûr. C'est 1000 euros en plus. Bon, allez, du gros son, écoutez, qu'est-ce que je vous ai dit? Oui, Florida, qu'on va retrouver dans l'émission avec Pitbull. J'adore ça.

laissez faire. Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. J'aime plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal barrés dans deux sales affaires. Nous on marche à la parole, j'ai que ça les dérange. Qui m'ont pris pour un autre. Je peux rien faire, c'est pas ma faute. Ça parle, ça rigole. On tient nos promesses de parole. Et qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Où on va, d'où on vient? Où on va, d'où on vient? Rien à faire, je trace ma route. Je marche à la parole. Vas-y, laisse-les parler. Vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller. Je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées. J'en ai rien à faire. J'ai des potons mal barrés dans deux sales affaires. Nous, on marche à la parole. J'ai que ça les dérange. J'ai que ça les dérange. Nous on marche à la parole, je sais que ça les dérange, je sais que ça les dérange, je sais qu'ils pensent sur nos dos. Nous on marche à la parole. Nous on marche à la parole. On en a rien à foutre. Joe Levita sur Skyrock, ça les dérange. Ils sont de retour en direct. Diffoul. C'est un bronzage classe un peu que j'ai. Classieux. C'est exact. La classe, c'est le bronzage des vacances. C'est des UV aujourd'hui. Romano. T'as vu, on dirait un dalmatien au-dessus. Oui, c'est ça. Il est taché, dalmatien. J'ai une maladie, c'est les cheveux. Ouais. Cédric. T'as mis un t-shirt croix rouge, c'est pourquoi. C'est le drapeau de l'Angleterre, tu connais. Ah, d'accord. Celui-là, je l'ai acheté en vacances. Mortel pour les. Tu l'as payé en plus. Bah ouais. Ah ouais, t'es con. Marie. Moi, je brille. T'es brille tellement, t'es bronzée, c'est impressionnant quoi. Oui, tu es luisante. Samy. Moi, j'ai un bronzage régulier quand même. Oui, bah t'es blanc. Ouais. Et Karim. Karim est là aussi, les mains dans les poches, ouais, tranquille, les mains, là, en plein travail, comme d'habitude. Ça va, Alhamdoulilah, tranquille. Come on. 21h minuit, la radio libre de Difool. Seulement sur Skyrock. Et en direct, on est avec vous tous les soirs. Ouais. C'est parti depuis hier à Adolib Summer Edition avant la grande rentrée de Skyrock lundi. Lundi matin avec le retour du morning en direct et vos chèques de 1500 euros. Et la grande nouvelle de cette rentrée, c'est 1500 euros toutes les demi-heures. Au moins pendant toute la première semaine de la rentrée pour vous. C'est au 7-20-20 si vous voulez augmenter vos chances de gagner. Vous vous inscrivez, vous envoyez 1500 au 7-20-20, vous laissez vos numéros. Et sinon, on tire toujours au hasard dans l'annuaire. Donc vous pouvez ne rien faire du tout, attendre qu'on vous appelle. Ça marche aussi. Mais dès qu'on vous appelle et qu'on vous demande quelle est votre radio préférée, vous répondez Skyrock dès lundi. Toutes les demi-heures, vos 1500 euros à gagner. Skyrock, pour gagner, c'est facile. Vivement qu'on offre plein de chèques. Et en plus, il y a des dépenses qu'on a à faire à la rentrée. Ah, je sais pas, des télé par exemple, quand on a sa télé qui a pété pendant les vacances. Par exemple. Des choses de ce style. Les impôts vont arriver bientôt aussi, Romano, je te le dis. Ouais. Moi, j'ai déjà reçu, moi, ça. Moi aussi, j'ai déjà reçu. C'est la rentrée, les affaires de classe. Je reçois. J'ai pas encore reçu, oubliez-moi. Romano, je viens d'acheter une télé, oubliez-moi. Rien, il paye pas d'impôts, Romano. Ouais, toutes les fournitures scolaires. Gueule, toi, ça, j'ai un contrôle fiscal. Mais même à la rentrée, on achète des vêtements. Des nouvelles fringues de la rentrée, t'as raison. C'est vrai, ouais. Et ouais. Pour la rentrée. Ouais. C'est vrai que t'en as pas acheté, toi. Non. Non. À part ton truc anglais spécial là, c'est non. Toi non plus apparemment. Non mais là ce soir ton truc il est fripé là. Ouais, il est pas fripé, c'est un vieux polo que j'avais depuis longtemps. Ah, c'est un vieux. Ouais, non mais ouais, mais il a un peu. Ce qui est hallucinant, c'est que tu rentres encore dedans. Ouais, bah ouais, parce qu'il est un peu large. Quand même toi, il lui arrive le nombril hein, mais pour un polo, c'est étrange. Je dirais que c'est sexy. Voilà, j'ai mis un jean taille basse aussi. Ah ouais, sexy. Ah ouais, t'es spécial Cédric pour cette rentrée, mais tout le monde est le bienvenu ici. Voilà, tu veux voir mon nombril. Comme le disait McDo, hein, venez comme vous êtes. Allez-y, profitez-en. Bon, vous nous passez un coup de fil si vous voulez passer dans l'émission, si vous voulez filer un petit coup de main à ceux qui vous à ceux qui ont besoin de vous. Si vous avez un conseil à demander, un conseil à donner, tout est possible. Nous, on va s'occuper du double appel et dans un instant, on vous présentera. Il y a Lilian qui arrive avec nous, qui a un petit conseil à nous demander. Eh bien, on va s'occuper de lui. Et Hugo, qui est un peu spécial, enfin, qui a une meuf un petit peu spéciale. On va parler. Alors, je sais pas si on va parler d'hygiène, mais on va parler en tout cas de mauvaises odeurs. Ah, sympa. Ouais. Je sais pas si vous avez remarqué, parfois. Les gens puent. Ouais. L'été en particulier. Ah ouais, bah ça. Ah, ouais. C'est normal, avec la chaleur, gros, il y en a, ils fouettent. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Hein. Ah ouais, mais il y en a, tu sais, ils ont la même odeur en hiver et en été, gros. Ah, ça, c'est les sales. Cédric, ouais. T'as chaud là, non? Non, moi, ça va. T'as pas chaud toute l'année, toi hein. Non, non. Non, mais je suis en train de transpiration. Bon, alors, casse-toi. Tu transpires? Non, même pas, là. Non, même pas. Attends, là, tu peux y aller, Marie. Et il y a des gens, ils ont tellement une odeur qui est permanente toute l'année qu'ils se rendent même plus compte qu'ils puent. Donc on s'occupera, c'est ta meuf dont on va s'occuper, Hugo. T'as mis trop de déo. Hugo de Lille, t'es là? Hugo. Ah non, mais il est pas là. Je suis en train de lui parler. Il n'est pas là. Excuse-moi, Hugo, mais on parlera de la meuf d'Hugo. Les renseignements qu'on m'a donnés sur son odeur corporelle. Bah, a priori, si, c'est ça. Elle bah, pue. A priori, c'est ça. Bah, écoute, ça arrive. Hein. Bon, ça allez. Ça arrive que c'est ta meuf, c'est chiant. Double appel des familles parce qu'il est déjà 22h03. Allez, c'est parti. On y va. Non, c'est vous qui nous appelez, monsieur. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Ouais, bah, moi, je t'emmerde. Le double appel de Diffoul sur Skyrock. Et moi, alors, c'est plus au cul, hein. Ouais, bah, voilà. Ah, ouais, avec toujours de bons rapports entre les familles, comment on les aime. Eh bien oui, c'est nous qui appelons hein, au final. Hein. On appelle deux familles en même temps, on les met en contact. Ouais. C'est l'heure du double appel et nous on attend de voir ce qui se passe. Alors peuvent participer à ce double appel uniquement les pros du double appel. On a nommé comme pro du double appel le magnifique Patrick. Patrick. Lui-même. Prends-toi un peu. Non, on va déjà passer un coup de fil, après on se branlera peut-être. T'as mis un petit peu d'eau dans la chatte là? Non, pour l'instant j'ai rien mis du tout. Vas-y, bah tu peux y aller, dis full top chat. Donc Patrick et Cédric peut intervenir également pour nous faire son célèbre. Oui. Salut les filles. Salut les filles. Allez, c'est parti. Avec ça on est gâtés quoi. Voilà, on y va. Ouais. On met en contact les familles de France. On va où ce soir? Dans le 62 et dans le 57. Dans le 62 et dans le 57. Mais hier, bien sûr, ouais. Hier on est allé dans le 62, on a eu une bonne famille, ouais. Deux bonnes familles qu'on avait mis en contact, c'était super. Allô. Allô. Oui. Oui. Absolument, oui. Je vous écoute. Et moi aussi, je vous écoute. Allô? Non, pas du tout. Ah ben, pas du tout. Allô? Pas du tout quoi? Vas-y. Bah, je vais te brûler. Ouais, mais moi, je t'emmerde. Allez, branle-toi un peu. Parti. Merde. Et parti. Ah, peut-être le rapper un petit coup, lui, non? Tu crois? En solo, juste ok. En solo, à face à face avec Patrick. Alors. Attends, c'est une chance. Hein. En tête à tête, ouais. Ça s'appelle Denis. Alors, c'est un simple appel alors qu'on fait. Ouais. Avec lui, hein. C'est Denis. Ouais. Allô? Là, je suis à poil, là. Allô, Denis? Ouais. Tu veux te faire sodomiser, là? Non, pas du tout. Très bien, parce que j'ai un ami, il s'appelle. Comment il t'appelle? Patrick. Il s'appelle Patrick. Là, j'ai eu ma copine qui m'a fait une bonne petite pipe dans la voiture, là. Et il est chaud, hein. T'as vu, Patrick? Il est chaud, hein. Ben, moi, je suis Patrick, hein. Et toi, t'es qui? T'es Denis, toi, hein? Ouais. Ah, Denis. Et Denis, il est parti. Comme le disait, c'est qui nous a laissé le message? Trop brutal, Patrick, je crois. Ouais, peut-être un peu, ouais. Oui, peut-être un peu brutal. Allez, c'est reparti. Double appel. Là, on en met deux en contact. Où est-ce qu'on va? Dans le 55. Au 55. Et au 44. Donc, ça va être la Meuse, c'est ça? Certainement. Et le 44, la loi... C'est Loire Atlantique. On va dire ça. Allez, c'est parti. 55, 44. 78, 55 plus 44. Hey. Non? Non, pas du tout, Marie. Non, c'est une petite trompée. Oui, allô? Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Allô? Oui? Oui? J'écoute? Oui, moi aussi. On écoute? Oui, j'écoute, oui. C'est pourquoi? Absolument, oui. Allô? Allô? Ah, aïe, aïe, aïe. Allô? Il y en a encore un. Oui? Allô? Oui. Ah, allô? Oui? Ok. Ok. Bah, il faut que tu viennes me masser, mais pas simplement ça, hein. Allô? Absolument. Ah, il est toujours là. C'est excellent, là. Oui, c'est excellent, sauf qu'il parle pas. Ah, ça y est, il est parti. Ah, ça y est. Parce que lui, il parle pas. Et il écoute. Et il était encore en ligne. Et quand il est encore en ligne, on se dit, il peut toujours se passer quelque chose, donc on raccroche pas. On attend. Bon, alors, chez qui qu'on va? Chez Claudine et Gérard. Très bon prénom. C'est ah ouais, numéro c'est que vous avez laissé, donc je sais pas où c'est en France. Claudine et Gérard, et on va dans un endroit inconnu. C'est ça. Claudine et Gérard. Allez, Clo-Clo. Allez, GG. Allez, Claudine. Allez Gérard. Et merci pour les encouragements pour le double appel. Bonjour à Ben Gouz, à la télé. Allô? Allô? Allô? Oui. Oui. Oui, bah, je vous écoute. Bah, moi? Non, c'est moi qui vous écoute. Ah non, bah, écoutez, je suis désolée. Je viens d'avoir un appel. Allô? Non. Oui, pourquoi vous m'appelez? Je suis en train de masturber, là. Non, mais ça va pas, vous. Mais tu es toujours aussi chaude. Non, mais vous courez de comment on dit, de numéro, monsieur, là. Rappel. J'ai un membre de 21 cm. Va te faire enculer, connard. Oui. Ah oui. Alors, vous appelez qui? Mais non. Ah non. Non, non, je n'appelle personne, moi. Si on pouvait faire une petite partout, Vous appelez pas, connard. Vous appelez qui? Mais je sais pas votre numéro, là, une fois l'enregistrement. Non, mais attends, je vais appeler les flics, moi. Tu vas voir. Ouais, je suis en train de me branler, là, bien comme il fout, là. Je me branle, oui, connard. C'est bien. Vas-y. Branle-toi un peu. Allez, vas-y. Branle-toi un peu. Oui, non, c'est bon, Patrick. Il arrive, là. Branle-toi un peu. Très bien. Ah, tous, c'est bon, là. Ils sont partis, ils sont partis tous. Bravo, Claude. Ah ouais, bravo, hein. bravo. Et surtout, Gérard. Bravo, Gérard. D'accord. Mais quelle voix, ce Gérard. Qui était quand même le plus sensuel. Marie, j'imagine que tu mouilles. Ah oh bah, mort. Oh bah, t'imagines. C'est obligé, clair, là. T'entends Gérard comme ça. Le mec, la voix qu'il a. Moi-même. J'ai une voix de dessin animé, quoi. Moi-même, je regrette de ne pas être une fille. Regarde, la voix trop sexy, nous dit Maximus, 15 ans. Oh, mort tellement. De rire, Gérard. Quelle voix sexy. Trop bien pour Thibaut de la team Le Belge. Salut à toi, Thibaut. C'est vrai, je leur mets allez, je leur mets un beau 18, moi, à eux deux, là. Les familles Gérard et Claudine. Eh ouais, bravo, GG. Champion. Bravo, GG. Bravo, Clo-Clo. Bravo, GG. Et bravo, Clo-Clo. Hey. Vous avez pas vu, d'ailleurs, tiens, en parlant de bravo, GG, bravo, Clo-Clo. Merci, Jackie. Merci, Michel. Merci, Jackie et Michel. Qu'est-ce que c'est? Jackie et Michel a lancé une application où tu peux faire comme pour Pokémon Go. Tu peux. Mais tu chopes quoi, des bites? Non, tu. Non. Non, Marie, tu chopes des meufs. C'est quoi? Tu chopes des. C'est comme des Pokémon, sauf c'est des meufs à sauter. Ah ouais, attends, j'avais pas vu, moi. Des meufs. Mais c'est comme Smax, en fait. Ça géolocalise, quoi, c'est ça. En fait, alors, ils ont rien inventé, en fait. Non, mais c'est comme c'est Pokémon Go, en fait. Ouais, mais c'est des vrais meufs. Mais Smax, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que t'es localisé. Donc, la personne, elle peut venir à toi. Et si elle se guide, elle peut venir à toi, quoi. Alors, s'il y en a qui ont testé, parce que moi, j'ai pas testé, j'ai vu que ça existait. C'est gratuit? Je l'ai ouais, vu. Ouais, parce qu'on pourrait essayer. Il y a plusieurs membres de l'équipe de Skyrock qui travaillent beaucoup, comme vous l'avez remarqué. Là-dessus, ouais. Qui m'ont signalé la sortie de, la sortie. Alors, je sais pas si c'est une appli ou si c'est un truc, mais enfin, la sortie de Jackie et Michel en Pokémon. C'est les Pokémon de Jackie et Michel, donc c'est, tu peux aller niquer à droite, à gauche. Ah, je connaissais pas. Mais c'est pas des nanas virtuelles, donc. Écoute, j'en sais rien. Si vous travaillez à Jackie et Michel, n'hésitez pas à nous en dire plus. Dites-nous. Sur les Pokémon Jackie et Michel, c'est le Pokémon Go, c'est le Jackie et Michel. J'avais pas entendu ce truc. Bah écoute, moi j'ai découvert ça cet après-midi. Ah bah ouais. Je vois qu'il y en a qui ont galéré à Skyrock pendant les vacances. Ah ouais. Parce qu'on parlait hier de ceux qui ont galéré sur Pokémon Go pendant toutes les vacances. Voilà, j'installe direct. C'est quoi leur application? C'est en train d'installer ça sur son téléphone direct. Mais non, moi ça met savoir maigrir quand je mets Jackie et Michel. Bah ouais, parce que pour baiser une meuf de Jackie et Michel, déjà Cédric, pour qu'elle veuille de toi, faudrait déjà maigrir un petit peu. C'est abusé ça. Je te jure. Bah c'est abusé. Ton téléphone te connaît. Tu t'es vu quand t'as pas bu, Cédric? Bah ouais. Bah écoute. C'est bah ouais. Ce bordel. Comment s'appelle l'appli? Je sais pas, je vais me renseigner, je vais vous dire. Je vais demander aux spécialistes de l'internet dans l'équipe de Skyrock. Et il y en a plein, surtout sur Jackie et Michel, et on va vous tenir au courant. Tiens, allez voir peut-être sur le site de Jackie et Michel si vous voyez un petit peu le Jackie et Michel Go, là, c'est comme Pokémon Go. Et il y a Colonel qui a joué à Pokémon Go cet après-midi, il a capturé un gros roudoudou. Rondoudou. Et il a cru, oui, rondoudou, pardon, il a cru que c'était Cédric. Et le rondoudou. Eh non, c'est pas moi. Et non, c'était pas lui. Je suis beaucoup plus laid. Ah, ça c'est sûr. Ça sera pour la version trash, on te mettra dedans, pour la version trash de Pokémon Go, Cédric. Ouais, vas-y, tranquille. Ah. Alors attends, je suis dessus là. Ah, tu connais. Bah forcément qu'il connaît. Jackie Michel Go là machin. Mais non, c'est une blague, c'est une vidéo, il faut une blague. Ah c'est un faux truc. Ah, c'est un fake. Donc en plus, ils se sont fait chier à la radio pendant l'été. Ils pour de la merde. Pour des trucs de merde. Donc c'est pas la même chose que la pluie. Mec, on passait l'été à chercher la pluie. C'est le Jackie Michel Go là. Bon, c'est qu'une pub en fait. Il n'y a pas d'appli. Ah, okay. J'ai déjà cherché. Je vois que vous êtes au taquet. C'est bien. C'est une vidéo. Ils cherchent des Pokégirls. Ouais, il y en a une aussi qui tourne. Ah, c'est Tupac qui nous envoie ça. Salut Tupac. Sur les réseaux où tu chopes des verres de vin blanc. Ah, ça c'est la version alcoolo de Pokémon Go alors. Pokémon alcoolo. Non, mais c'est vrai, c'est drôle. Bon, on a Hugo qui est au téléphone avec nous en direct de. Bah, en direct de Lille, on l'a retrouvé, Hugo. T'es là, Hugo? Ouais, je suis là, ça va ou quoi? Ça va bien. Salut Hugo. Ouais, Hugo. Ça va bien. Beuillant, Romano. Beuillant, Hugo. En effet. Beuillant, Hugo. Donc, toi, c'est toi qui as une meuf qui sent mauvaise, c'est ça? Ouais, c'est ça. Elle pue. Elle... Mais c'est ta meuf ou c'est une meuf comme ça? Non, c'est ma meuf. Ah, ça c'est vraiment. Ah, c'est chiant. Ouais. Mais tu l'as pas senti dès le début? Bah, ça fait que 2 mois. Ah, mais elle pue pas tout le temps alors. Non, alors attendez, il faut trouver d'abord d'où qu'elle pue et qu'est-ce qu'elle pue. Parce que moi j'ai un ami personnel qui ne s'en rend pas compte, mais qui sent l'ail et l'oignon de tout le corps. Ah ouais. Et les pieds aussi, ouais. Et les pieds. Ça c'est Karim ça. Je suis un oignon géant. Et non, c'est pas Karim. Ah, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre, mais c'est pas lui. C'est chelou, gros. C'est vrai, dans l'équipe tout le monde a trouvé Cédric sauf toi. Ah ouais. Ouais, c'est étrange. C'est fou ça. Hein. Non, mais je pue pas l'oignon, t'es gentil. Non, là, si, t'en manges trop et quand tu transpires, ça sent l'oignon. Ça fait longtemps que j'avais pas mangé là. Vas-y, mais c'est pas ça. Moi, 4 jours. C'est vrai que tu sens l'ail un peu. Pas de sang-l'ail. Je sens pas l'ail, quand même. Pas abusé, mais un petit peu. Si, si, de sang-l'ail. De quoi ? Du corps ? Ouais, du corps. T'es malade. Non, mais c'est peut-être ton quand, vous savez, quand vous bouffez un truc, c'est une gel douche à l'ail. Ouais, peut-être ça fait une réaction sur ta peau. T'es dans la peau. Pas de gel douche à l'ail. Moi, j'ai pas de gel douche, alors. Bah, tu parles, toi. Ah, bah, c'est pour ça, alors. Donc, toi, t'es une copine, mais c'est ta chérie, t'es amoureux. Comment ça se passe? Ouais, je suis amoureux. Bon. Et dès le début, la première fois que tu l'as rencontrée, tu t'es pas rendu compte. C'est peut-être un indice que je vous donne pour trouver l'endroit d'où elle sent mauvais. Tu t'es pas dit. Il y a quand même une odeur, il y a un truc, il y a quelque chose. Moi, pas au début, après. Ouais, moi, j'ai trouvé, moi. Ouais, moi aussi, je pense. Alors, Romano, t'as trouvé. Elle pue de la chatte. De la chatte. Oh, putain, merde. Non, dit. Alors, c'était le message de la table de mixage, de Erwan, de Timmy, de Omar, tout ça sur le net. Elle pue de la chatte. Pue de la chatte. Eh bien, non, elle ne pue pas de la chatte. Ah, vous êtes déçus. Bah ouais. Ouais, merde. Alors, Marie a une autre proposition. Du cul. Du cul. Non, mais un cul, ça pue, Marie, ça chie. À la base, ouais. Ouais, enfin bon, ouais. Ouais, mais il y a pas une odeur non plus qui se dégage. Bah, tout c'est pas de la merde. Eh bien, ça dépend qui. J'ai également un ami personnel, celui qui sent l'oignon. Non, mais alors là, je pue la merde aussi. Sur le cul, tu verras. Oh non. Le caca, c'est bon. Ah, laisse tomber. Parce que ça dépend des jours. De la racuignable. Alors, elle pue des trous du cul. Elle pue des pieds. Il y en a plein qui nous disent ça. Il y a Jules Tino qui nous laisse. Elle pue des pieds. C'est les pieds qui puent. Ça, c'est le message de Maxime. Elle pue des cheveux, non? Elle pue des aisselles. Alors, je vous dis tout de suite, c'est pas un truc commun. C'est pas les aisselles. C'est pas les pieds. C'est pas le. Après, on nous dit elle pue de la bouche. Elle pue des oreilles. C'est pas la bouche. Elle pue des seins. Ah, attendez, vous avez entendu la Marie quand même? Elle pue des oreilles. Elle pue des oreilles. C'est drôle, Marie. Il y a c'est ma meilleure blague. C'est le délire ce soir. Non, mais il y a peut-être des meufs ou des gars qui puent des oreilles. Donc, c'est pas les dessous de bras. Merci Marie pour cette très bonne blague. Splendide. Vivement la prochaine. Ah bah, t'inquiète. Dans ta tête. Ouais. Alors moi je sais d'où elle pue, donc je peux pas vous dire, mais je peux pas jouer, mais je peux vous donner des indices. C'est normal qu'ils s'en soient rendu compte un petit peu après. C'est-à-dire pas avant de sortir avec elle. C'est-à-dire que tu vois, quand il tournait autour, ah, elle pue de la gueule. Non, je vous ai dit. Les cheveux. Les cheveux, il y en a beaucoup qui ont dit les cheveux. Max, la menace, par exemple, elle dit les cheveux. Karim, t'as dit les cheveux. Ouais, comme ça. Ouais. Elle pue du cou. Elle pue du cul. Non, du cou. Elle pue des culs. Ouais, c'est pas dans le cou, elle pue quoi. Ah, elle pue dans le cou. Elle a un parfum qui pue peut-être, non? Moi je dis ses vêtements, ils puent. Non, c'est pas ça. C'est pas ses vêtements? Elle a toute la peau qui pue. Attends. Peau qui pue. C'est peau qui pue. Ah, ouais, c'est elle. Alors Hugo, ça serait la sœur d'une des ex de Romano, la sœur de peau qui pue. Ah, mais tu l'aurais senti tout de suite. Non, c'est pas ça. Elle pue des seins? Non. Ah, il y a des filles qui puent des seins? Je sais pas, j'imagine. Mais ça peut sentir quoi, les seins? Non, mais tu sais, si genre la meuf, elle a les seins qui tombent et en dessous. Ah, transférer dans les seins là-dessous. Pas bête, ça, Romano. C'est comme des aisselles, hein, je pense. Ça pue autant que sous des aisselles. Ah, t'as les seins qui puent les aisselles. Essayez de dire ça à votre meuf, les gars. Vous allez voir, ça va lui faire super plaisir. Elle pue des mains, nous dit Hélène. Hélène, 15 ans. Ah. Non, c'est pas ça. Quelqu'un qui pue des mains, c'est les mains qui. Quelqu'un qui a les mains sales. Elle pue des jambes. Des jambes. Non, on a fait tout le corps là. Non. Bah, non. Elle pue du nombril. Non. Mais vous allez voir quand on va vous donner la bonne réponse. Il y en a un qui a trouvé. Elle pue du nez. Il y a la bonne réponse de Romano et de Dami. Dami qui a trouvé. En te regardant, dis-moi. Elle pue du. Non, mais sérieux. Je me suis dit, ouais. Je te regardais, je disais physique, bon, ça peut être. Non, tu peux pue du nez. Heureusement que je pue pas du nez parce que moi je puerais fort. Elle pue du nez. Ça veut dire quoi, puer du nez? Bah alors, qu'est-ce que. Oui. Bonne question. Bah déjà, ouais. C'est exactement ce que j'ai demandé à Karim quand il m'a dit on va prendre Hugo et sa meuf elle pue. Alors j'ai dit elle pue d'où? Elle pue du nez. J'ai mis t'as pris pour un con, c'est pas possible. Alors qu'est-ce que ça veut dire, elle pue du nez? Bah, en fait, quand je l'embrasse, des fois, j'ai des reflux de son nez quand elle respire et ça pue l'oignon, l'ail. Ah, mais ça veut dire également qu'elle doit puer de la gueule, non? Parce que ça, non, pas du tout. C'est lié. Bah, pas du c'est tout. Lié, là, justement, c'est pas lié. Du tout. Parce qu'elle mange pas de l'oignon par l'année. Non. C'est pas l'oignon, gros. Ah ouais, elle s'écrase dans le. Elle s'écrase pas un oignon dans le nez. Pas de l'ail par le nez. Ah, t'as l'impression que son nez, il pue l'oignon ou l'ail. Mais elle est malade, ouais. Elle a un bébé? Non, même pas. Elle a des polypes? Ouais. Est-ce qu'elle a des coliques dans le nez? C'est des polypes. Ah, parce que Marie a des coliques dans le nez. Mais ça pue pas, ça. Ça pue pas. Non, je sais pas, ça. Mais c'est l'intérieur de son nez quand elle souffle comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Qui pue, ou alors c'est le dessus de son nez, la peau qui non, pue. Non, c'est l'intérieur de son nez, mais elle pue pas de la bouche en fait, elle pue que bah, du. C'est bizarre parce que ça passe par le. Ouais, logiquement. La brosse le nez. Non, mais c'est vrai, c'est tout est relié là. Ah ouais. Oui, c'est vrai. Prends une brosse à dents et brosse-lui le nez. Oui. Tu mets du dentifrice. Bonne idée. Ouais, pas mal cette solution, dis donc. Oh là là. Prends une brosse à dents et tu. Et brosse. Il est content qu'arrive, rien dit. Sa blague. Il est content de sa connerie. Tu vois, je suis pas la seule. Génial. Et ben voilà, on a trouvé la solution. Merci Karim. Ah ben voilà, c'est réglé. Merci Jacques et Michel. Non mais c'est très étrange ton truc là. Et ouais, c'est non, mais t'es sûr que c'est pas la gueule et t'as l'impression que c'est le nez. Gueule, hein. Ouais, bon, non, si parce que la gueule, elle me, je le sentirais quand elle me parle de près et tout ça. Bah ouais, mais c'est. Et ça sort que du nez, ces mauvaises odeurs. Ouais, ouais. C'est que c'est conduit d'aération, ouais, voilà. C'est. Non, mais c'est bizarre. C'est vrai, non, parce que peut-être qu'elle a un problème dans le pif, non? Elle a le pif pourri. Parce que toi, t'as l'impression que ça sent l'ail ou l'oignon, mais peut-être que c'est une odeur de moisi. Elle a peut-être le nez qui moisit. Ouais, peut-être que c'est une autre odeur. Non, mais peut-être. En fait. Demande-lui, t'as pas preuve au nez. Tu pues du nez. Est-ce que tu pues du nez? Est-ce qu'elle a un grand nez comme dit Foule? Merci, Pat, sur SMS. T'as pas question. Elle a non, mais je vois ce que tu veux dire. Quand tu la galoches. Là, ouais, tu sens l'odeur du. Tu sais, tu sens le souffle du nez. Ah, son souffle, là, ouais. Et c'est le souffle, là, il pue. Mais à mon avis, elle doit avoir des trucs d'accrochés dans les narines. Ouais, dans les sinus. Oh. Elle a des crottes de nez. Elle a des crottes de nez. Mais qui pue. Ou de la poussière, ouais. Je sais pas, elle a. Ses parents travaillent pas dans l'oignon. Dans l'ail. Non, mais tu sais, ça pourrait, tu sais. Si elle respire une odeur d'oignon toute la journée, peut-être, t'as raison, peut-être. Non, mais j'imagine que, tu sais, un mec qui vit dans un champ d'oignons, quoi. Ouais, ouais, il doit sentir l'oignon. Ouais, c'est vraiment le mec qui doit puer l'oignon, tu sais, ça a prégné, quoi. Stérimar utilise, tiens. Ah, pour laver le nez, ouais, c'est presque. Ouais, mais c'est vrai, c'est des lavages de nez, ouais. Conseil de Dany, il y a des inhalateurs pour ça, pour ces messages de Glitcher. Salut Glitcher. Il y a l'inconnu, demande-lui de se moucher, tu regardes dans le mouchoir après. Ah, dégueulasse. Ça, c'est sexy. Non, mais ouais, mais comment tu pourrais lui dire de tu voudrais pas qu'on se lave le nez ensemble? Ensemble, ouais. Parce qu'on est amoureux et qu'on s'aime très absolument fort. Absolument, ouais. Elle a peut-être une cacosmie, une infection c'est du nez ça. Et des sinus. Ça, c'est le message des seins de Pamela. Le sein, parce qu'elle en a qu'un. Le sein. Le sein de Pamela. Merci, ma chérie, pour ton message. Nico Denis, qui nous dit, elle a peut-être un problème de sinus, une infection ou une inflammation des sinus. Ouais, non, sinus ça peut exister. Ou alors, nous dit Belly, 22 ans, plein de messages, ouais, ça fait plaisir, tu vois, on t'aide. Elle doit avoir des champignons dans le nez. Un bon appétit, bien sûr. Eh ben, pas cher, la petite poêlée de champignons. Et bon appétit, bien sûr. Moi, je prendrais une pizza. Tu peux pas te moucher dedans, s'il te plaît? Poêlée de champignons de nez. Parce que j'ai pris une margherita classique. Je voudrais des champignons en plus. Mais Hugo, c'est peut-être toi qui pue de la gueule et quand tu l'embrasses, t'as l'impression que c'est elle qui sent ouais, du ça nez. Ça remonte. Ah, ça remonte. Ouais, par contre. Peut-être que tu pues de la gueule, gros. Vous avez souvenir d'une personne qui sentait vraiment, je sais pas, on peut faire ça sur cet été parce que bon, des gens qui puent, on en a connu un paquet, hein, Cédric? Non, moi, ça va, hein. T'en as pas connu des gens qui puent, toi? Oh non, c'est moi. Si. Non, je veux dire, rien qu'en soirée, t'as forcément des gens qui puent, tu vois. Alors, est-ce que vous avez cet été un petit problème à cause d'une odeur, une odeur qui vous a, je pourrais à limite, donné envie de gerber ou non? Ouais, la transpi, quoi. Si, il y a une nuit, moi, où j'ai pété toute la nuit. Putain, moi aussi, gros. Non, parce qu'en fait, non. Allez, vous devriez dormir ensemble, tous les deux, dites donc. Tu sais que moi aussi, une nuit, mais c'est. Non, mais attends, terrible. En fait, le matin, j'ai vu. Attends, la question que j'ai posée, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a dégoûté? Alors Romano, sa témoignage, c'est sur lui-même. Quand même. Lui-même. Non mais dans les derniers jours là, parce que j'ai pris des médicaments là pour l'abcès aux dents. Ouais. Et en fait, la meuf à la pharmacie, elle me dit ouais, faites attention, parce que ça peut dérégler, tu sais, genre le transit. Ouais, le transit un peu. Elle m'a dit ouais, faut si vous faites des trucs, prenez de l'ultra levure. Ça, c'est un produit en fait pour éviter d'avoir ces problèmes là, quoi. Et la première nuit, mais Carriol m'a dit j'ai pété, mais toute la nuit, et c'est l'odeur de merde qui l'a réveillée. Oh non. Hey, tu vois, Hugo, t'as de la chance. C'était pas le bruit, c'était tellement ça puait la merde. Tu pourrais sortir avec une pétomane. Je te jure, le matin, je lui dis ouais, t'as bien dormi. Elle me fait ouais, t'as pété toute la nuit. Elle me dit le pire, c'est que c'est même pas les bruits, c'est l'odeur. Ah, mais c'est une puée, ça me réveillait. Qu'est-ce que t'en penses, Marie? Ah non, c'est horrible. Ah, j'étais malade, Marie. Mais ta meuf, elle est restée dans le lit quand même. Bah ben ouais, mais là on n'était pas chez nous, tu vois, il y avait pas, c'était. Hermuel la couette. Ah moi je te ressens l'odeur. Julie, quoi. Non, mais j'étais malade, j'avais la joue, j'étais éléphant. Malade. Non, des gens qui puent pendant cet été à Marseille, non Samy? Non, mais j'ai pris l'avion pendant très longtemps et j'ai pas eu de chance. À côté de moi, il y avait un monsieur qui était assez gros, tu vois. C'est horrible, ça m'est déjà arrivé. Et ça. Franchement, mais comment il puait la transpi? Mais tu sais, ça te pique les yeux tellement ça sentait fort. Moi j'avais changé de place. Ah mais quand l'avion il est plein. Il est plein, Marie. Ah ben j'ai sauté de l'avion. Ah ouais, non mais. J'ai dit je prendrai le prochain. Là tu as vu, j'avais un foulard, je me suis mis le foulard devant le nez parce que. Ouais, bah bon, c'est vrai que c'est. Oh, il cornavait le gars. Ah ouais, non, mais ça c'est. Ah, horrible. Quand t'es obligé de te taper un voyage long avec un mec ou une meuf qui pue. Alors, c'est pas genre une heure d'avion, c'est genre le mec, au moins je me suis collé genre 10 heures à côté de moi. Oh putain, l'enfer. Tiens, moi c'est mon petit frère qui pue. Mais il a 2 ans. Non, mais c'est vrai, il y a des petits qui puent. Hein. Ouais, ils sentent la merde. Ah oui, ils chient. Non, mais non, même pas. Mais à 2 ans, tu te chies plus dessus. Hein. Et le sein de Pamela a parlé de cacosmie, j'ai regardé. Oui. Ce que c'est. En fait, c'est des gens qui. Enfin, il y a une modification des odeurs. Ils adorent. Eh, mais quel mytho, Marie. Bah, si, j'ai regardé. Je l'ai envoyé pour qu'il me le sorte sur une feuille. Ah, vas-y. Et en fait, les patients aiment les odeurs désagréables ou fétides. En fait, c'est ça la maladie. C'est-à-dire que les gens aiment sentir des trucs qui puent. Ouais, mais toi, t'aimes pas, donc ça n'a aucun rapport, Marie. Tu non, mais parce qu'elle disait, le son de Pamela disait que c'était peut-être ça qu'elle avait. À la cacosmie. Alors, qu'est-ce que vous nous dites? Je vais regarder les messages pour toi, Hugo. Tu l'as dit à ta meuf? Non, tu l'as pas dit, j'imagine. Non, je lui ai pas dit, Tu l'as pas dit. Mais c'est à chaque fois qu'elles sont la même odeur. Ouais, souvent. Ouais, souvent. Ça vient peut-être de ce qu'elle bouffe. Il y a Justine qui dit on pourrait lui proposer de faire des ablutions. On lui fera. Ah, c'est cautoriser le nez. On lui fera laver le nez. Non, les ablutions, c'est quand les rôtes tes rebeux, tu veux pas pour faire la prière, tu fais tes ablutions. Ah, mais y a pas un truc avec on te brûle le nez, là, je sais pas quoi, là. Si, c'est. Elle a écrit A-B-U-T-I-O-N, je sais pas ce que ça veut dire. Ablution. Non, mais c'est cautérisation. Et le truc de ça, c'est cautérisation, en fait, c'est quand tu saignes souvent du nez, tu vois. Ah, ouais, c'est pas. En fait, c'est à l'intérieur. Ils foutent de l'azote, ou je sais pas. Ouais, ils foutent de l'azote pour resserrer, pour fermer les veines et tout ça. Angelo Der Kleine Teufel, c'est un Allemand, a priori, qui nous écoute. Quand on prend certaines drogues, il y a possibilité infection dans le nez. Ouais, mais genre la coke. Possibilité d'avoir des odeurs après. Elle n'a pas un piercing au nez? Non. Non. Non. Parce qu'elle aurait pu s'infecter. Est-ce qu'elle fait un élevage de, je sais pas, de moules, de fruits de mer dans son nez? Pas que je sache, non. Elle doit avoir des fruits de mer dans le nez, nous dit le Bodyful. Voilà, elle au moins, elle se mange pas les crottes du nez tellement ça pue. Eh ben écoute, j'espère aussi. Non, mais elle se rend pas compte, hein, pour un peu, elle kiffe l'odeur. Hein. Bah ouais. Un coup de Vix dans le nez. Ouais, ça marche. C'est vrai, ouais. C'est menthe. Le Vix, c'est le truc à la menthe, tu vois ce que c'est? Non, mais c'est. Hein? À coup, tu le respires, quoi, ça t'arrache le nez. Hein. Non, mais ça fait du bien, ça. Hein. Ouais, ça fait du bien. Ça t'arrache le nez. C'est pour déboucher le nez quand on est malade. Ouais, ouais, ça marche bien, ça. Ouais, ouais. Il y a des agriculteurs actuellement dans la Somme qui étalent du fumier dans les champs. Et je peux vous dire que c'est horrible. Ah, mais là, c'est plus de la merde. Mais là, dans le parking. D'espélance. Il y a de la radio, il y a un mec, je sais pas ce qu'il a fait, mais ça. Mais c'est horrible l'odeur, je te Elle est dégueulasse. C'est bizarre, c'est quand je suis passé. Ah, bizarrement, depuis hier, ça a pu, mais c'est dégueulasse. C'est marrant, t'es rentré hier de vacances, Cédric. Tu t'es garé au moins 3. Comme C'est pas toi qui as chié. Tu t'en souviens plus, tu perds la mémoire, t'as chié au parking. Bizarre. J'ai déjà fait un parking, mais ça va, c'est il y a longtemps. Bon, alors, la dernière solution que je donne, c'est la solution qui. La solution ultime, comme on dit. Damien. Mets-toi une pince à linge sur le nez quand tu l'embrasses. Ah, oh bah génial, ça va être joli, ça. Et comme ça, il n'y a plus aucun problème. Je pense qu'avec ça, on peut y aller. Non, mais sinon, il faut qu'elle. C'est vrai qu'il faudrait lui dire un truc, mais je sais pas comment lui dire. Tu pues du nez, bon. C'est non, mais c'est vrai que c'est bizarre. Non, mais bah, peut-être des affections, peut-être des trucs comme ça. Mais c'est ça, Hugo, ouais, c'est ce qu'il dit. Ouais, mais comment t'arrives à aborder le sujet? C'est pas évident. Hein. Avec ta copine, ça va pas être simple, ça, Hugo. C'est spécial. Ouais, ça va être dur. Ouais, au bout de deux mois, dire, ouais, tu pues du nez, bon. Non, mais bon, étonnant. On n'avait jamais eu ça dans l'émission. Donc, on a bien fait de revenir une semaine avant la rentrée de Skyrock. Et lundi prochain, la rentrée de Skyrock. Ouais. Bah, on est revenu une semaine et on a appris qu'on pouvait puer du nez. Non, mais que ça pouvait exister avec des infections, des champignons. Ouais, c'est des, ça, infection en fait. Des trucs que vous nous avez laissés là. Qu'elle consulte, qu'elle aille voir un ORL. Bah oui, c'est les gens qui s'occupent de ça, les ORL. C'est ça, ouais. Très bien, ou alors qu'elle demande à Diffoul. Qui s'y connaît grave en nez, nous dit Classieux là sur SMS. Ben, merci à toi, Classieux. Bon, bah tu feras une bise à ta copine, Hugo. Si on a d'autres renseignements, reste à l'écoute. On en reparlera peut-être avant minuit. Salut, Hugo. Pas de soucis. Salut. Merci beaucoup. Salut. Ciao, Hugo. Salut. Et dans un instant. Ah oui, c'est qui s'est fait traquer? Ah, c'est Lucas. Lucas qui s'est fait traquer pendant toutes ses vacances. Alors, pour une connerie, vous en saurez un petit peu plus dans un instant. Si vous aussi vous êtes fait traquer pendant les vacances, ou si vous arrivez de vous faire traquer ou de traquer des gens, restez bien à l'écoute. Puis même, vous pouvez nous envoyer des messages quand vous voulez. C'est sur le 41-759 et avec l'appli Skyrock. Allez-y, faites-nous péter tout ça et nous on fait péter le son de Florida et Pitbull. C'est la rentrée et t'as besoin d'argent. Réveille-toi avec Skyrock. The Morning Show. Dès lundi, le morning de Diffoul te réveille. Et pour fêter la rentrée, Diffoul t'offre 1500 euros toutes les demi-heures si tu réponds Skyrock. Ta radio préférée. Skyrock. Envoie 1500 par SMS au 72020 et inscris-toi dès maintenant pour gagner 1500 euros dans le morning de Diffoul. 1500 euros, c'est pas possible. Oh là là, mon Dieu, merci beaucoup. Dès la rentrée sur Skyrock, 65 centimes plus coup d'un SMS. Son problème, c'est la victime du lycée. Il faut que ça change, Stéphane. Il faut qu'on soit des mecs en place. Son plan, prendre un correspondant. Au looking extrême, ascenseur social, réputation mythique. Mais rien ne se passe comme prévu. Chéri, on a un gros problème avec la petite boche. Le correspondant, la comédie de l'été avec Jimmy Labeu, au cinéma le 24 août. Un film Skyrock. C'est Jaja et Gina. C'est Jaja et Ginaz. Le duo du moment présente, on se promet, leur premier album dans les bacs. Jaja, Ginaz. On se promet, Jaja et Ginaz dans les bacs.

retour avec Florella. C'était Green Light. Et oui, d'aller. 21h minuit, la radio libre de Tifoul. Seulement sur Skyrock. Dalé Dalé, c'est le cri de guerre de Pitbull. Dalé, Carico. Carico. Greenlight, le nouveau Pitbull avec Florida en featuring. Une découverte de l'été, une découverte Skyrock, évidemment. Bon été, la fin de l'été. La radio libre jusqu'à vendredi. On est là en direct entre 21h et minuit. Vous pouvez nous appeler au 01 53 40 30 20. Toute l'équipe est là. Vous pouvez débarquer ici pour nous parler de tout ce que vous voulez. Et tiens, tout à l'heure, on parlera de Lucas. Lucas, je l'ai mis de côté. Il s'est fait traquer. Alors, pour une connerie, je vous le dis. Pendant toutes les vacances. Alors pourquoi vous vous êtes fait traquer pendant les vacances ou pas d'ailleurs, vous pouvez nous dire, on verra si vous êtes dans le même cas que Lucas. Je vous reparle dans un instant. On a Nico là qui nous appelle en speed. Ah, pour l'histoire d'une équipule. Ah oui, et oui, on a un équipule ce soir, la copine de Hugo, 18 ans à Lille, qu'on a eu il y a un instant là. Et elle a des odeurs de bizarre dans le nez, ail, oignon. Alors on nous a dit qu'on pouvait avoir des champignons dans le nez. Ouais. C'est confirmé par le vétérinaire qui nous a laissé un message. Ah bah. Le vétérinaire. Ah bah là on est sauvé. 25 cool. ans dans le 18. Il nous a laissé un message et il confirme. Ça arrive, des champignons dans le nez. Bah ouais. On peut avoir j'avais pas. Eh ben ouais, Marie. Et comment tu les enlèves? Ah bah tu les ramasses avec tu les ramasses avec un petit panier. Bah oui, tu fais une petite poêlée. Ah, mais tu les arraches. Et oui. Bah non, mais tu les arraches pas. Il y a des traitements. Je pense que tu te mets des gouttes dans le nez. Comment t'enlever des champignons que t'avais sur les pieds, Cédric? J'ai pas de champignons. Je les mangeais. Karim qui avait les pieds pourris. Non, moi j'avais un. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai eu qu'un ongle incarné, moi. Ah ouais, attends. C'est bah, tu l'as eu aussi, connard. Bah, j'ai eu avant toi. Ouais, c'est vrai. Voilà, tu l'as eu. Voilà, j'ai eu les pieds pourris avant toi. Voilà. Voilà, espèce de copieur. Ils vont se battre pour savoir lequel a pris les pieds le premier. C'est un truc de fou quand même. Ouais, c'est tout. Non. Ah, et il y a un truc auquel on n'avait pas pensé. Heureusement qu'AZN est venu nous laisser un message pour la copine de Nico qui pue du nez. Peut-être qu'elle a trop sniffé de cul juste avant. Elle a mis son nez dans un cul juste avant. Un cul qui sent l'oignon. Bah, peut-être. Bon, et on avait Nico qu'on prend en speed, et puis après je vous parlais donc de Lucas, et puis on a vous tous et vous toutes, hein, de toute la France, vous pouvez nous appeler si vous voulez débarquer ici. C'est au 01 53 40 30 20, je vous le disais, sur le 41 759, pour nous envoyer des messages avec vos téléphones, et sinon l'appli Skyrock, c'est pratique, c'est gratuit, vous profitez. Alors attention, je ne pensais pas que ça pouvait exister depuis du nez, mais si. Nico est avec nous, Nico du 21, en Bourgogne. Salut la Bourgogne. Salut Nico. Salut. Oh Nico. Oh mon Dieu. J'y suis dans 3 jours dans le 21. Ah, de retour en Bourgogne. C'est bien, t'as un petit peu l'accent de Bourgogne. Ah ouais, t'as l'accent, ouais, même, carrément, tu l'as. Ouais. Et on aura Élise d'Annecy aussi qui est au téléphone avec nous, les filles, les gars, tout le monde peut débarquer ici. Allô Élise. Salut. Eh ben moi je pue du cul. Non, elle pue. Bienvenue quoi. Ah, tout de suite à Romano. Bienvenue Élise. Je suis bien accueillie. Elle a peut-être un cadavre d'animal caché dans le pif. Ça aussi, ouais, j'avais pas vu ce message, mais c'est vrai que c'est pas con. Agdil qui nous envoie un message là. Alors, Élise et Nico, vous avez tous les deux pué du nez. Oui. Ah, moi, ça pue encore, moi. Ah, lui, il pue encore. Ah, mette de côté, Nico. On va te reprendre dans un instant. Honneur aux filles. Hein. Alors, la galanterie, parfois, ça peut ça du bon. Hein. Ah, ouais, c'est clair. Alors, Élise, quand t'as déjà pué du nez, mais pourquoi tu puais du nez? Bah, en fait, j'avais un piercing au nez. Ah, on nous a dit, j'avais lu un message avec du piercing. Ouais, en fait, quand on se lave le visage ou quoi, on pense pas des fois à bien essuyer autour de son piercing. En fait, l'eau qui stagne dans le trou. Hein, après, ouais. Ça pue la mort, en fait. Ah ouais, donc l'eau qui stagne dans le trou du piercing, mais pue la mort. Jusqu'à sentir quand elle respire, c'est que c'est vraiment chaud, mais c'est vrai que ouais, c'est de l'eau croupie en fait. Ça sent quoi? Ça sent les égouts. Ça sent fort. Ça, je sais pas comment expliquer quoi. Mais toi, tu t'en es rendu compte toute seule ou c'est ton mec qui t'a dit mais tu pues du nez? Ah non, je m'en suis rendu. Mais tu pues du trou du piercing. Non, je m'en suis rendu compte toute seule en fait. Quand un jour je me suis lavé le visage, mon piercing il est sorti. Oh. Et je me suis dit oh là là, c'était quoi cette odeur? Et en fait, c'était mon piercing. Et du coup, Ah ouais, mais tu devais puer du nez fort. Putain, ouais, ça j'ai dit. Bah en fait, du coup, c'était mon piercing qui. Vu que l'eau elle avait pourri, c'est moisir. Non, mais t'as peut-être bien fait de l'enlever parce que bon, si le nez pourri. Mon piercing c'était un truc en bois. Après, tu laves bien et après c'est bon. Moi maintenant j'ai toujours mon piercing et je pue plus maintenant. Eh ben écoute, tant mieux. Ceux qui ont des piercings, je suis sûre que je suis pas la seule. Hein. Eh ben faites attention, je vais regarder différemment les meufs qui ont des piercings au nez. Ouais. Mais Hugo, ta meuf, elle est percée du nez? Il est parti Hugo, non? Il est où Hugo? Attends, Hugo, je te reprends. Hop là. Ah Hugo. Oui. Oui, ta meuf, elle a un piercing dans le nez? Non, pas du tout. Ah, c'est vraiment qu'il a le nez flingué alors. Ouais. Oh, elle est complètement flinguée à l'intérieur. Alors Hugo lui n'a pas de piercing au nez, mais elle a exactement le même problème. Non, Nico a le même problème. T'es là, Nico? Oui. Alors Nico, toi tu nous as annoncé donc que tu pues du nez. Mais encore là, maintenant, aujourd'hui, tu pues du nez. Ouais, bah depuis 3 semaines là. Et mais qu'est-ce qui t'est arrivé il y a 3 semaines pour puer du nez? Bah en fait, j'étais à une fête et je me suis séparé il y a 3 semaines. J'étais à une fête et en fait j'ai croisé mon ex avec son mec et puis mon fils. Et puis... mon fils il est venu vers moi et en fait lui il a cru que c'est moi qui l'avais pris. Et j'ai pris un gros bourre-pif quoi. Ah et t'as tapé le mec? Ah mais c'est c'est le sang caillé. C'est du sang caillé dans le nez. Oh, il faut peut-être aller voir quelqu'un. Il y a en fait il y a une infection des sinus. Il y a. Mais t'as pété le nez mais genre t'as le nez comme Difool. Non mais pendant un moment j'avais un nez, c'était un groin quoi. C'était... non, alors, ça c'est pas... le mec qui t'a mis une patate, c'est la copine de Marie, c'était de la putain. Ah ouais, jamais autant saigné de ma vie. Et donc t'as une partie du nez qui s'est infectée après, Ouais, qui est toujours infectée. Bah, j'ai un sinus qui a éclaté quoi. Ah mais ça s'entend un peu d'ailleurs. Oui c'est vrai. Ouais, un peu comme ça. Mais toi tu sens ah ouais en fait tu respires un truc qui pue quoi. Bah ouais. Mais toi tu mais là tu marches plus ton nez. Marche plus. Si, en fait, j'ai une narine. Achète-lui qui marche, des chaussures. Ah, en fait, tu respires que par une narine. Ouais. Ah, et c'est horrible. Moi, je le sens, c'est surtout le matin, sur mon oreiller, quoi. Non, mais c'est le sang qui. C'est vrai que t'as raison, le sang qui. Ouais, c'est le sang quand qui pourrit quand tu saignes du nez, c'est vrai que ça a une odeur un peu. Non, mais le sang, ça pue. Ouais. Ouais, mais là, il m'a filé un produit pour nettoyer. C'est quoi? Faire des lavements. Ah, Cédric le veut. Non, non, mais ça peut servir. Pourquoi tu pues du nez? Non, non. Ça, ah bah tiens, dernière chose que je sais, tu puais de plein de parties de ton corps, mais j'aurais pas imaginé que tu puais du nez, Cédric. Non, du nez, non, ça va, je te jure. Non, non, mais ça va, je te jure, je t'ai vu venir là. Voilà, donne le produit. Vas-y, donne le produit. C'est un truc tout con, hein. C'est du physiomère en fait. Ah ouais, c'est comme le Stérimar en fait, c'est une autre marque. Bah, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, faut qu'elle se nettoie c'est le nez. C'est de l'eau salée quoi. Voilà, qu'elle se nettoie le nez. Ouais. Faites une séance en amoureux de cette Viens, on se fait un kiff, on se nettoie le nez. Ouais, en fait, faut pouvoir lui dire quoi. Au Stérimar. Ça, c'est pour Hugo, hein. Hugo, tu dis ça à ta meuf. Et, parce que là, au bout de 2 mois, c'est vrai que bon. Et c'est confirmé par nos amis boxeurs qui nous écoutent. Il y a Ayman du 74 qui nous confirme ça. Ça arrive souvent chez les boxeurs, ce genre de truc. Bah donc les boxeurs puent du nez quoi. Eh ben on le saura. Bah c'est sympa. Je ne dis pas trop fort parce qu'on ne sait jamais. Si on a un boxeur qui passe nous voir tous les jours dans l'émission, faut faire attention. Bon, bah écoute, merci. Et ça va passer au bout de combien de temps? T'as demandé à ton médecin, Nico? Bah en fait, pas que parce que là, c'est encore pas totalement dégonflé. Ouais, donc faut que ça cicatrise. Mais le mec qui t'a démonté la gueule. Mais ouais. J'ai 3 fractures. Et tout ça en un coup de poing. Ah bah un qui est un gros quoi. Ah bah ouais, en priori ouais. T'as pas loupé le mec. Ah ouais, t'as pas raté quoi. On aurait dû l'envoyer au JO celui-ci aussi. T'es gagné en plus. T'as eu les yeux au beurre noir et tout là. Ouais. Mais surtout tu t'as bousillé le nez quoi. Ouais. Ils t'ont dit ton nez il sera plus normal quoi. Non. Il y a une partie qui sera plus normale non. Non mais tu sais au niveau esthétique. T'as pété le nez. Au niveau esthétique, t'as un nez crochu. Ouais, bah en fait, j'ai une bosse sur un côté maintenant et ils m'ont dit que je pouvais pas l'enlever quoi. Ah bah ça me rappelle quelqu'un, ça dit donc, tiens. Mais en fait, t'as le même nez que Difool, oui. C'est ça. Eh bien, bienvenue au club. Mais toi, c'est au milieu. Oui. C'est beau gosse, toi aussi, tiens. Ouais, tiens. Bon, bah merci du coup de fil, Nico. Et Elise, écoute, on fera attention au piercing maintenant. Hein. Ouais, ok. Merci à toi, on te fait un gros bisou, on vous envoie le. Ouais, je peux faire une dédicace. Et tu peux faire une dédicace. T-shirt Skyrock, on vous envoie à la maison aussi, Nico, allez, Elise. Sur YouTube, cliquez KE2S Vidaloka. Mais tu as changé de voix, Elise, dis donc. Bon, il s'appelle comment le poteau? Ou ton mec, je sais pas d'ailleurs. Il s'appelle KE2S. Ah, c'est donc ça, KE2S. Eh bien, tu remercies KE2S alors. On te fait une bise, Elise. Ok, bisous, ciao. Salut Anne-Fille, salut à toi. Bisous. Salut Nico le Bourguignon. Et puis, bah, bon courage avec ta meuf. Tiens-nous au courant quand même, on sait jamais, Hugo. Pour une fois qu'on a quelqu'un qui pue du nez, on va suivre ça jusqu'au bout. On prend des nouvelles. Hein. Salut à toi, Hugo. Ciao. Bon, salut, Hugo. Ciao. Alors, pour la suite, on a qui? Il y a Lilian, là. Ah ouais, qui avait des conseils vacances à nous demander le 23 août. C'est bien, tu t'y prends au bon moment. Non, mais il y en a qui. On a eu des messages hier. Il y en a qui, pour nous faire arranger, qui disaient qu'ils partaient en vacances au mois de septembre. Ah, c'est vrai, ça coûte moins cher. Ils allaient s'éclater comme des fous. Il y a moins de monde sur les plages, tout ça, c'est bien. Bon, Lilian, t'habites à Rouen, mais là, t'es pas à Rouen, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, je suis près de Autun. Et voilà. Wow. Donc je te mets immédiatement en contact avec Romano, mais qu'est-ce que t'es allé faire là-bas? Ouais, c'est tes parents qui t'ont emmené là-bas? Non, je suis chez mes grands-parents là. Ah ouais, ah bah mon pauvre. Ah, t'es bourguignon? Il s'éclate. D'origine? Ouais. Mais t'es où à côté d'Autun? Ça s'appelle comment? À Trouduc. C'est une très très belle petite commune dans le 71 à côté d'Autun. Comment ça s'appelle? Trouduc. Ça s'appelle Blanzy. À Blanvy. À Blanvy. Ah ouais, c'est pas bien grand. Ouais. Tu connais? Ah, tu connais? Bah ouais, bah oui, je connais. Quoi, je connais. C'est combien d'habitants, Blanvy? C'est tout petit. Oui, on est en direct à Léonidas qui nous demande si on est en direct, c'est pas le premier d'ailleurs. On est en direct. Je sais pas, allez. Et on parle d'automne maintenant. Entre 0 et 5000. Ouais, je mets 0, je mets 0, je sais pas, 0 avec 5000. Attends, je vais regarder. Blanvy. Mais, et t'es chez tes grands-parents, mais t'as rien à faire en fait. Ouais, tu te fais chier. Bah ouais, y a pas grand chose. Mais ils habitent dans le village ou ils habitent en dehors? Non, ils habitent en dehors. En dehors? Ah ouais. Sous, quoi. Il manquait plus que ça, parce que déjà, bon, Blanvy. Blanzy. Branly, là. Branzy. Branzy. Bah, il y a une équipe de foot féminine à Branzy. Ah bah voilà, c'est non, mais t'as des cousins, t'es tout seul? Ah, 7000 habitants, quand même. 7000? Ah ouais, putain. Impressionnant. Ah ouais. Une grande agglomération, ouais. Ouais, mais bon, si t'es en dehors de la ville, laisse tomber. Ouais, t'es au milieu des champs ou au milieu d'un bois, quoi. Ouais, je suis pas très loin. Ouais, j'imagine bien, je vois. Ah, t'es tout seul chez tes grands-parents? Non, non, il y a mon frère. Ah, putain, tu vas sur leur site internet, en homepage, j'ai écrit senior, plan canicule. Ah ouais, d'accord. Okay. Parce qu'ils sont tous seniors à Blanvy. Ouais, il y a beaucoup de vieux, ouais. En fait, t'es le plus jeune de la ville. Ah, mais non, mais ouais, c'est un bled, hein, quoi. Ouais. Avec son frère. Bon, alors propose des trucs à faire à Blanvy. Ah, non, mais y'a rien à faire. En plus, j'imagine, ouais, vous avez même pas internet. Et Pokémon Go, ça fonctionne? La 3G, y'a même pas la 3G, si. Non, y'a le musée de la mine. Oui, oui, on allait le voir une fois, c'était pas très. Ouais, c'est un musée, quoi. Musée, ah ben, ouais. Ah ben, moi l'année prochaine je vais là, j'adore les musées. C'est où l'endroit où il y a des et meufs? Les théâtres. Non, mais pas les musées. Il y a pas rien, il y a rien sur la plage du village peut-être. À l'arrêt de bus. T'as pas un endroit avec des meufs? Ah non, mais Blanvy, je connais pas, je traînais pas à Blanvy. Il y a le canal du centre aussi. Tu peux faire du bateau. Voilà, si t'as envie de te suicider. On va du canal. Putain. Dans deux mois, dans deux. T'es arrivé quand à Blanvy, Julie? Oh, il y a pas très très longtemps, il y a une semaine. Et t'es tout seul, sans, t'es allé sans pote, sans cousin, sans rien? Si, il a le frère. Il est juste mon frère. Ouais, mais il a quel âge? Parce que, ouais, si c'est un petit. Il a 3 ans, ouais. Non, il a 12 ans. Ouais. Et toi, t'en as combien? 14. Ouais. De toute façon, t'as pas le choix, là. De toute façon, oui, c'est ton seul ami, hein. C'est même lui le plus jeune de la ville, d'ailleurs. Il t'a raflé le titre du plus jeune de la ville. Non, mais y a rien, je sais pas, y a pas des terrains de sport ou. Si, y a la voie verte. La voie verte, c'est un chemin en forêt. Ouais. Ça fait vite. Là-bas, tu coches Patrick, absolument. Oui. Avec une attraction. Rien d'autre, la voie verte. Poil. Ouais, y a pas un endroit, y a des pervers juste pour rigoler. Hein, comme ça, tu passes un petit peu de temps. Non, mais si vous avez. Si vous avez, je sais pas, vous êtes déjà parti dans un endroit, mais c'était la mort. C'est-à-dire, vous êtes parti en vacances et vous vous êtes dit, mais putain, j'aurais dû rester chez moi parce que chez moi, moi, il y a des potes, il y a des trucs à faire, et puis c'est chez moi. Non, mais là, je vois le genre, c'est une maison un peu isolée, tu vois, en dehors du village. Déjà, le village, il est pas grand et c'est la merde, quoi. Ouais. C'est la bulge. Ah ouais. Non mais. Ah ouais. Mais et puis après, on est allé près de Autun. On est allé dans Autun. Ah. Il y avait un truc de chevalier, c'était nul. De quoi? Et on a vu un truc de chevalier, c'était nul. Un truc de chevalier. Il y a des spectacles. Non, mais non, ouais, c'est très. C'est mes grands-parents qui m'y ont emmené. Mais c'est Disneyland, votre truc. Et un spectacle Auguste Dunhomme. Disneyland. Ça s'appelle. Auguste Dunhomme. Mais c'est Disney, ouais. Ouais, mais complètement. Mais c'est fou. C'est la folie, quoi. The place to be is Autun. Ouais, bon, c'est a priori, ouais, à Autun, il y a quand même un peu plus de monde qu'à Blanvy. Il a le double. Il y a un McDo aussi à Autun. Et ouais. Et un bowling. Et un lac. Quand on a voulu aller prendre un verre, tout était fermé. Ah oui. Ah. Prends un verre après 19h. Ouais, bah c'est après 19h, 20h. Ouais, c'est. Comment les bars se font rares. Et tout le monde dort. Ouais. Et ceux qui étaient au bar, ils sont bourrés, donc voilà. Voilà la vie à Autun. Non, mais t'as entendu tout à l'heure, on a eu des auditeurs qui étaient tristes de revenir de vacances. Eh ben toi, tu vas être content, mais comme un ouf, quand tu vas retourner chez toi à Rouen, en Normandie. C'est vrai, c'est le problème. Tu vas dire, putain, les vacances, elles sont finies. Non, mais cool. Vers Blanvy, il n'y a pas un lac, un truc où tu peux au moins aller baigner. Il y a le canal fluvial, le canal vert, là. Non, mais le fluvial, tu vas te manger une péniche dans la gueule. Il n'y a que ça. Il y a un accrobranche, et puis. Ouais, mais bon, l'accrobranche, ouais, tu le fais une fois. Bon, après, ouais, tu vas pas y aller tous les jours. Non, parce qu'à la limite, au moins, s'il y a, tu sais, genre un lac, tu te poses une serviette, tu colles l'après-midi. Moi, je sais que j'ai besoin d'eau l'été. Ouais. Et ben voilà, là t'as un lac. Et puis t'as le canal dont il parlait Samy là. Ouais, c'est vachement. Bah, tu t'allonges au bord du canal. Ouais. Voilà. Super. Ouais, ouais. Non, mais bon, en gros, profites-en. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez rien à foutre que... oh. Allez, console. Voilà, console, jeu geek. Il y en a quatre à la suite, regarde. Console. Et le quatrième qui nous dit console, jeu geek. Kevin, merci Kevin. Le geeker, le geeky. Le geek tout court. Ouais, moi je suis déjà parti chez mes grands-parents. C'est la mort. En plus, ils sont cons, ils deviennent séniles. Ah bah, bah super, après, ça, ils peuvent rien. Ça. Les pauvres, ils peuvent rien à partir d'un certain âge, c'est clair, ça arrive, oui. Oui, les vacances chez les grands-parents, c'est vrai, c'est horrible. Ah après, bah, ça dépend ça où ils habitent. Si les grands-parents, ils sont sur la Côte d'Azur, c'est cool. C'est Aïda qui nous dit ça. Ça dépend. Après, s'ils sont en pleine campagne, dans une maison isolée, ouais, c'est clair que t'as rien à faire. Quoi. Alors, un petit conseil que je te donne à toi. Te promener dans les bois. Et à tous ceux qui partent dans un endroit perdu chez les grands-parents, alors te promener dans les bois si tu veux. Sinon, ramener un pote ou un cousin. Non, mais tu dis ça à un pote, jamais. Moi, je suis pas un pote, il me propose des vacances comme ça, je lui dis. Non merci, je reste chez moi. Je cherche mais il y a rien dans ta ville. Hein, ah voilà. Non mais ouais. Cherche, arrête de chercher. Non, mais tu perds ton temps. Je crois que. Parce que t'as fait le tour. À Blanvy. Non, il y a un centre de loisirs René Picard. Ah. Y a tu peux manger des surgelés, man. Tu vas pouvoir t'éclater. Non, il y a que des résidences pour personnes âgées. Il y a écrit. Oh putain. Et ben voilà. Bah c'est sympa. Tu vas t'éclater, mec. C'est bien. Bon, il a déjà pas pu bah, mamie à la maison. Là. Bon bah écoute, bon courage, Lilian. Hein. Bah éclate-toi. Bah, merci, merci. Et Blanzy. Et tu rentres quand? Blanzy, ouais, faites du bruit. Ça y est. Oh bah dans pas longtemps. Pas longtemps. T'as amené ton appli Skyrock parce qu'il y a pas Skyrock là-bas sur la FM, si? Ah bah non, c'est avec l'application. T'imagines, il y a même pas Skyrock sur la FM avant. Mais on disait que c'était pas loin de Mont-Soleil-Mines. T'as essayé? Oui, j'y suis allé près de Mont-Soleil-Mines. Voilà, et la fréquence, c'est quoi, 104 ans? Ouais, c'est ça. 104.1 à Mont-Soleil-Mines. Essaye. Sinon, t'as l'appli, ça marche très bien. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur l'appli. Envoyez-nous un petit message. Dites-nous, faites-nous un petit signe. Et bon courage à tous ceux qui galèrent. Et on lui dit qu'il y a l'étang du Plessis pour se baigner. Eh ben, il manquait plus que ça, tiens. L'étang du Plessis. Bah, écoute, moi, je sors. T'as des boutons partout. Bah, non, ça dépend, hein. Il y a de la vase. Bah, viens te baigner au lac Grandjean. Il y a de la vase. Ouais, non, mais après, c'est pas tous les lacs. Il y a des lacs qui sont propres. Je vais te montrer celui qui est à côté de chez moi. Bah ouais ouais, c'est quoi, ils sont dégueux, il est pollué et tout, non? Ah, il est dangereux, ouais. Non mais il y a de la vase un peu. Enfin je suis pas allé depuis longtemps. Ah bah dans les lacs, ouais, de toute façon dans tous les lacs il y a de la vase. Ouais, c'est vaseux, un peu comme Cédric d'ailleurs qui est. Oh ça, ouais, je suis parti en faire de la vase. Ouais, là. C'est ça. Ouais, je pense. Je suis parti vaser aux toilettes. Il est parti à une vitesse. Merci Lilian en tout cas, et puis bonne soirée à toi, reste branché sur Sky. Rien d'autre à faire que d'écouter Skyrock, on nous dit là. Pas mal. Sinon on va sur des applis de rencontre et comme ça tu te trouves une meuf pour quand tu rentres de vacances chez toi. Message de Blackos. Salut à toi Blackos. Attends, on t'a trouvé des auditeurs qui sont de Blanzy. Allez. Timo, un pack comme tout pack, mais un pack. 18 ans, je suis de Blanzy, nous dit. Et à Blanzy, il y a des trucs à faire, il nous dit. Bon, attends, toi on va te mettre en contact directement avec Lilian. Merci Timo, un pack. C'est vrai, on a même des auditeurs à Blanzy. Non, mais est-ce que t'as croisé un jeune dans le village? C'est lui. C'est Timo. Non, je n'ai pas croisé beaucoup. À part ton petit, à part ton frère. Oh putain, un jeune. Non, merde, c'est mon frère. Oh merde, un jeune. Oh, viens là. Oh, mais c'est mon frère. Ah, dommage. Ah ouais, donc ouais, c'est chaud. Ouais. Ah, c'est bah, cool. Ouais. Écoute, dis-toi que c'est bientôt la fin. Ouais. On dit péché aussi. T'as, moi, il y a un pote qui m'a amené chez ses grands-parents pendant une semaine. Je peux te dire que j'ai passé les vacances les plus moches de ma vie, dit Foul. Merci à Kill sur SMS. Salut à toi, Kill. Bah, au moins. Ils ont pas une piscine, les grands-parents? T'étais avec tes potes? Non. Bah, qu'ils en fassent une pour l'année prochaine. Bozio et demande, tu fais papy, mamie, l'année prochaine, il faut mettre la piscine. Faut investir là, ouais. Il n'y a pas de piscine. Piscine. Si, à Hauteuil, il y a une piscine, si. Intérieur, extérieur. Bah. Ah, bah voilà, piscine municipale. Ouais, ouais. Très bien. Bah, après, Dota, c'est à 40 bornes, quoi. Ouais, bon, bah, bon courage à toi. Eh ben, Lilian, bonne fin de vacances, hein, profite bien. Éclate-toi comme un petit fou, hein. Ouais. Ouais. Éclate-toi comme un ouf. Mais je crois qu'on n'a même pas besoin de te le dire. Ouais. C'est déjà le cas. Allez. Hein, fais pas d'abus. T'éclate. Et sinon, il y a la fête foraine à Mont-Soleil-Mines en ce moment. C'est Snoop71 qui nous dit ça. Salut la Bourgogne, salut la Saône-et-Loire. Bon, salut Lilian, raccroche pas. Dans un instant, on va parler. Ah oui, tiens, de celui qui s'est fait traquer. Lucas, dans un instant. Tiens, si vous êtes fait traquer pendant les vacances, vous pouvez nous dire. Si on vous a déjà traqué pour un truc, vous pouvez nous dire aussi. Et si vous avez traqué des potes, dites-nous pourquoi. Alors, pour un truc à la con, c'est Lucas qu'on va retrouver. Préparez-vous. Il arrive juste après le son de Nekfeu et d'Escrew. Escrew, Nekfeu, oui. Tout de suite sur Skyrock. C'est J'aurais pas dû. Maître Gims fait sa rentrée sur Skyrock. Retrouve-le tous les soirs à 20h dans l'émission rap numéro 1, Planète Rap. Et gagne tes places toute la journée pour voir Maître Gims en concert Skyrock dans toute la France. Maître Gims dans toute la France avec Skyrock. C'est trop bien. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Écoute Skyrock à tout moment. On voit Roulette au 7-20-20 et Skyrock t'envoie sur la tournée de Maître Gims avec 200 places à gagner. Super, merci beaucoup. Skyrock. Premier sur Maître Gims. 65 centimes plus coup d'un SMS.

seulement sur Skyrock. Et ouais, toute l'équipe est là, de retour de vacances à Radio Libre, de l'été encore jusqu'à vendredi. Yes. C'est au 01 53 40 30 20 pour nous appeler. Notez bien le numéro, ça peut vous servir à n'importe quel moment de l'émission. La plus grande Radio Libre de France a réouvert ses portes et en live et en direct. Même si on vous a pas laissé cet été, vous avez vu, on avait des best-of. Et ouais. Ah ouais. De grands moments. Même nous, on a écouté. Ah, des moments d'Arca, ouais. Ah, des moments d'Arca, tu peux le dire, Karim. Bien d'Arca. Donc Karim est là, la Marie aussi. Yes. Cédric, Samy, yes, et ouais, Romano avec sa nouvelle télé qu'il reçoit demain. On aura donc la suite des aventures de Romano et de sa télé cassée là d'ici demain soir. Ouais, je suis quand même tenté de la réparer celle-là. Ah, tu sais qu'on a eu des messages parce que tout à l'heure on en a parlé parce que t'es un peu en déprime. On a eu un coup de fil de Darty tout à l'heure, Jessie qui bosse à Darty et qui nous a dit que t'as pas acheté la bonne marque. Eh bien on a reçu des messages et je tiens à remercier ceux qui ont des Thomson à la maison et qui en sont très contents. Il y en a même qui auraient acheté une Thomson il y a 10 ans et qui ont réussi à la revendre sur le bon coin 50€ cette année alors que c'était une télé de 10 ans. Je remercie également Saucisson qui nous a dit qu'il avait une Thomson et qui marchait très bien. Romano, ne t'inquiète pas, écoute pas ce que tout ce que disent les auditeurs pour te déprimer. Ouais, enfin, c'est très bien. Non, mais je verrai bien. Je verrai demain quand je la déballerai, j'essaierai. Voilà. Ça me plaît pas, je la rends. Vous l'entendez à sa voix, il a l'air très très heureux ce soir, Romano. Et ça nous fait vraiment plaisir. C'est la télé qui te met comme ça. Non, mais ça fait chier de dépenser de l'argent comme ça. Je te comprends, tu sais. À la rentrée. Parce que moi, je suis paradin. Oh non, pas du tout. Mais quand j'ai une télé, je me dis ça y est, j'ai ma télé, j'ai acheté, c'est pour la vie. Et tu te rends compte que non, ça dure pas toute la vie, que parfois il faut en acheter une autre et ça casse. Non, mais même tu sais, je voulais me caler un peu devant cette nuit là en rentrant, j'ai pas pu. Eh ouais, mais ça déstabilise ta life. Je suis regardé la télé sur mon téléphone. Surtout que la nuit, il y a vraiment de très bons programmes. Non, mais j'aime bien regarder un peu, tu vois, zapper un peu en rentrant quoi. Ouais. Vous savez ce que je fais le plus souvent quand je regarde la télé? Parce que je regarde pratiquement plus la télé. J'ai pas regardé la télé pendant toutes les vacances. Bah voilà, bah t'as qu'à me la donner. C'est vrai. Bah voilà, bah je viens la chercher demain. Mais un truc. Darty, service enlèvement, je vais leur donner ton adresse. Je dis, par contre, la télé, faut la récupérer là-bas. Comme il y a rien à la télé. Eh ben le truc que tu fais le plus souvent quand tu regardes la télé, en fait tu passes d'une chaîne à l'autre, tu zappes. Ting. Non mais moi j'aime bien. Hier soir ça m'a manqué. De zapper. Non mais puis j'étais comme un connard dans mon salon assis, tu sais, dans le noir. Bah c'est sûr que c'était deux. Mais t'as pas écouté Prisca par exemple. Mais écouté avec la télé. La plus Skyrock à la maison. Non mais non, j'ai une radio. J'aime bien regarder un peu, tu vois, c'est faire comme dit Full, zapper. Ah bah ça m'a manqué, j'étais dans le noir chez moi. Tu sais, la chaîne que je regarde le plus, je pense qu'en fait, il n'y a pas de chaîne, c'est quand je zappe. Tac, tac, tac, tac. Je peux passer des heures à zapper. Ah ouais, mais t'as plein de chaînes aussi. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais au bout de 3 heures, il n'y a rien. J'ai rien regardé depuis 3 heures et je continue à faire tac, tac. Non, mais la nuit, tu peux faire que ça en fait. À moins de tomber sur une rediff d'un truc marrant, genre confession intime. Et toi, Romano, qui est le spécialiste de la télé, vous pouvez d'ailleurs participer à notre grand débat. Ah ouais, est-ce que tu trouves que la télé, c'est de plus en plus pourri? Mais là, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a de plus en plus de chaînes. Non, mais alors moi, c'est TF1. C'est de plus en plus pourri. Ça, TF1, je les aime. Oui, pourquoi? Mais tu les aimes moins, à mon avis. Bah là, franchement, les derniers programmes. Déçu. Non, mais c'est un peu de la merde. Déçu. Quoi, d'ailleurs, c'est pas moi qui. Y a pas que moi qui le dis, parce qu'ils les arrêtent, ça marche pas. Donc, Oui, voilà. C'est vrai, chaque fois qu'ils démarrent un nouveau truc, TF1, ça marche pas. Ouais, en ce moment, c'est. Non, mais c'est vrai, il y a eu. Mais tout foire. Tout. Même Ninja Warrior, ils ont, en audience, ils ont fini bas. Hein. Bien regardé les audiences. J'ai étudié, ouais. Ben ils en font un l'année prochaine. Ça c'était bien regardé parce que bon c'est marrant 10 minutes tu vois mais voir des mecs se manger des trucs en mousse mais bon. Ben moi j'avais déjà vu la version originale sur Gulli. Non mais c'est Total Wipeout. Ça me suffisait. Non mais c'est Total Wipeout. Ouais c'est ça. C'est le truc qui passait mais il y a 10 ans sur Gulli. Ça fait 10 ans que ça passe sur d'autres chaînes. Ouais. Gulli. Ouais Gulli entre autres. Ouais j'ai regardé, j'aimais bien mais bon. Non mais c'est marrant 5 minutes quoi, tu regardes un mec passer ou moi j'ai bien regardé genre version japonaise et tout. Ah ouais, c'est mec déjà. Non mais c'est la tête. Ouais, non mais c'est drôle, violent des fois. Ouais, mais c'est marrant 5 minutes. En plus les japonais, il y a toujours des oufs, tu vois les mecs des trucs graves. Ou même tu sais les candidats, ils sont marrants, tu vois, ils font toujours des conneries, à la con et tout ça. Mais je sais pas, en France, j'ai pas du tout regardé. Mais là tu disais il y avait rien la nuit, mais les 3 dernières semaines, il y avait les JO la nuit. Oui, il y avait les JO. C'est vrai. Au moins c'est un truc à regarder ça. C'était en direct, c'est bien quand c'est du direct. C'est vrai, Moi j'aime bien parce qu'il y a une compétition du suspense. Ouais, grave. Donc alors dites-nous si on a loupé à part les JO, est-ce qu'on a loupé des trucs à la télé cet été pour ceux qui auraient regardé la télé cet été? Moi je n'ai pas allumé la télé. Moi que les JO. J'ai regardé un peu TV5 Monde là parce que j'étais pas. Non mais j'ai. À l'étranger. Tu sais sur quoi je suis tombé? Sur Fort Boyard. Ah bah voilà. Et bah. Tu sais que c'est un des trucs qui a le mieux marché de l'été. Ah ouais. Mais tu sais qui battait TF1. Il battait TF1 tous les samedis. Ouais, tous les samedis Fort Boyard, un carton. Carton Fort Boyard, le père Fouras. Je peux dire qu'il a vécu une nouvelle jeunesse. Et bah, tu vois, j'avais pas regardé depuis des années. Du coup, j'ai regardé, il y avait Tony Parker. Enfin, c'était wow, c'est passé tout seul en fait. Non, mais à chaque fois que j'ai mis la télé la nuit, je tombais sur Enquête Exclusive. ça me saoulait, je suis sûr, j'ai zappé, ouais, ça m'a saoulé. Bah, enquête exclusive. C'est toujours la même chose. C'est bien, mais quand t'en as vu quelques-uns, t'as tout vu. Tu les as tous vus, ouais, c'est pas grave. Mais en plus, non, mais l'été, c'est que des redifs, tu vois. C'est genre l'été, je pense qu'il passe 5 fois le même pour faire tous les 2 mois d'été, quoi. Vous avez loupé Bernard de Lavillardière et les putes. Retrouvez-le cet été. Non, mais ce qui est hallucinant, c'est que lui, il arrive pas à dire le nom de son émission. Enquête exclusive. Vous écouterez au début. Enquête exclusive. Mais maintenant, on en avait parlé dans le morning. Et maintenant, je bloque à chaque fois et le mec n'arrive pas à dire exclusive. C'est vrai qu'on s'est foutu de sa gueule là-dessus, mais. Il dit exclusive, exclusive. Tu sais, il n'y a pas une semaine. J'ai jamais capté. Tu fais un zapping, tu prends, je sais pas, t'en prends 20 la suite, mais il n'y a pas une fois où le mec arrive à dire exclusive. Personne ne lui a dit, quoi. Bah non, je sais pas, ouais. Alors, vos messages sur la télé, Babichou, Nana. Une fille. La télé, c'est à chier. Ok. La télé, c'est quand même ma vie. Ah bah tiens, dis-nous ce que t'as regardé. Matoutou, 20 ans, dans les bouches du Rhône, là. Ted, qui, non, Théo, pardon, qui nous dit, il n'y a plus rien à la télé. T'as raison, dit Foul, il n'y a rien à la télé. Ce soir, il y avait Joséphine, la naine. Ouais. Ah, non, c'est pas Joséphine, la naine, c'est Joséphine entre Ange Gardien. Ah, c'est trop marrant le titre. Mimi Mati. Avec Mimi Mati. Rien à voir, Ninja Warrior. Ils sont vraiment super forts, Gulli, c'était pour rire. Ah, Ayat a regardé Ninja Warrior et elle a bien aimé. Ouais, non, mais peut-être, hein, c'était peut-être bien. Hein. Ah, tant qu'il n'y a pas Secret Story. Bah attends, ça, ça redémarre. Jérémy Corbeil, 16 ans. Ça revient la semaine prochaine, Secret Story. Et Koh-Lanta aussi, ça revient. C'est ça, c'est la semaine prochaine ? Le 29, ouais, c'est ça, ouais. Lundi prochain ? Non, c'est là, non, c'est vendredi. Je me demande si c'est pas. Ouais, c'est jour-ci, là. Non, c'est première, là, c'est là. Oh putain, c'est là, ouais. Les émissions de télé-réalité. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Ninja Warrior, c'était à chiant. C'est le message de Nocel du 15. Non, mais je pense que ce genre de truc, c'est marrant. Tu regardes deux fois deux mecs passer, et puis après, c'est tout le temps pareil. Quoi. Ouais, oui, voilà, je sais pas combien de temps ça durait, mais au bout de 10 minutes, t'en as plein le cul. Ah ouais, c'est clair. Ninja Warrior, c'est une reprise d'une émission du Japon. Ouais, c'est tout à l'Wipeout, toi. Eh ben, je confirme, ça, ouais. Exactement. C'est une reprise d'une émission du Japon. Japonais. En effet, ouais. C'était à chier, on n'est pas des japonais, ça se voit, ils sont meilleurs que nous. Ah, là je vois Ninja Man qui nous laisse un message, salut à toi Ninja Man, pour Ninja Warrior. Alors, qu'est-ce que vous nous avez dit d'autre ? Il y a la nuit, il y a certifié classique, que des morceaux de rap classique, c'est bien, c'est sur MCM, très bien, c'est noté. Vendredi, tout est permis sur TF1, non je rigole. Ah ouais, tu rigoles, ouais. Pas quand tu regardes l'émission, mais sinon au départ tu rigoles. Ça c'était au début. Mais ça au début c'était bien, mais alors maintenant c'est relou. Il y a Empire sur W9, ah c'est la série chantée rap. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est ça, ça. Empire. Ouais. C'est lourd, ça, Empire. Ça n'a pas marché, mais paraît que c'est bien, ouais. Rien à la télé. Vive Netflix, nous dit Julie JCB. Je suis même pas sûr que ce soit bien, Netflix. Il y a quelques séries pas mal, mais je suis Tu as les bonnes séries, mais après, ouais. Tu les as quelques temps après sur le téléchargement gratuit. Ouais, gratuit, c'est ça. Ouais. Netflix, faut payer. Ouais, bon, pour 7 euros, ça va. Romano, faut payer. Tu prends Netflix. Non, j'ai pas. Secret Story, c'est vendredi, c'est confirmé, ah, ouais. Voilà. Ouais, moi, je regarde C'est dans l'air, Capital, Zone Interdite ou Malcolm. Voilà mon programme. Si tu regardes C'est dans l'air, dis donc. Ça, c'était intelligente. Hein. Tu vois, ça, c'est intelligent. Truc de France 5, là. Ouais. Les Feux de l'amour pour Ossine. C'est ma vie. Mort de rire. Ossine, 16 ans. Ah, 16 ans, tu regardes Les Feux de l'amour. Putain, mec. Là, tu vas dire ça à Cariole, elle va être heureuse. C'est la seule c'est la seule téléspectatrice de moins de moins de 30, de moins de 30 ans que je connais qui regarde. Ah ouais, non, mais c'est clair, mais Non, moi aussi, je regardais avant. Il y a la série aussi, 50 Cent, non? Ça passe pas à la télé, ça? La saison 3. Comment ça s'appelle? J'ai plus, ouais, j'ai vu qu'il tournait dans une série, 50 Cent. Ah, je vois pas ce que c'est, ça. L'amour est dans le pré, ça peut se regarder, nous dit la Jadou. Power, ça s'appelle. C'est toujours pareil, ça. Non, l'amour est dans le pré, c'est bien quand ils accueillent, en fait, quand les meufs, elles vont chez le mec ou inversement, mais toute la partie avant et après, c'est relou. Mais c'est marrant parce qu'en fait, ils se draguent lourdement, donc des fois, il peut y avoir des scènes marrantes, tu vois. Ça, c'est rigolo. Ouais, ouais. Mais il y a vraiment juste cette partie-là, ça dure une ou deux semaines, quoi. Il y a Iblis, lui, il a regardé C'est mon choix sur Chérie 25. Oh ouais, putain, je suis tombé dessus. Putain, elle a pris 40 kilos, la pauvre Evelyne Thomas, dis donc. Ah bah ouais, non, mais c'est surtout que. Et puis ils sont chirurgiens, c'est des frics. Hein. Ouais, putain, ouais, c'est la gueule, c'est abusé. Elle est bogdanofienne. Ah ouais, grave. C'est non, mais cousine, je crois, maintenant. Ah non, mais ouais, c'est même nif, ouais. Léo Larroche. Non, mais c'est vrai, la meuf, ouais, c'est abusé. Je comprends pas de te faire autant de trucs sur la gueule, quoi. Ah, il y a plein qui regardent Malcolm quand même. J'ai vu des messages sur Malcolm. Il y en a bien. Ah, Rolando, tiens, qui vient de dire. Je regarde et le problème de Malcolm, c'est que c'est en rediffusion. Ouais, je regarde et je regarde Malcolm parce que c'est trop bien. Bah écoute, ça te plaît. La nouvelle télé-réalité de W9. Ah oui, mais c'est les ch'tis, c'est les Marseillais contre le reste du monde. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Et le truc, ouais. C'est Marine qui nous conseille ça. Ça a marché là sur la 6, la série brésilienne là avec. Non, ils l'ont enlevé là. Quantico. Ah, je sais pas ça. Quantico, c'est quoi ce truc? Ah, je sais pas. C'est pas brésilien ou espagnol? Non, c'est pas brésilien. Non, mais non, l'actrice, l'actrice si, ouais, principale, l'actrice. Elle a pas été Miss, je sais pas quoi, Miss Brésil. Si, c'est un mannequin, ouais. Attends, ouais. Comment s'appelle elle d'ailleurs? Et ça, c'était pourri ça. Je sais pas, j'avais vu la bande-annonce. Bon, ça se regarde. Après, c'est pas un truc de ouf. Pas, j'ai pas vu. Ouais. Ouais, avec ma copine, on s'en fait les épisodes de Prison Break. Tellement y a rien à la télé. Ah ouais, vraiment y a rien. Ouais, c'est le message de Toff. Malcolm, c'est la base. Je vous ai dit, y a plein de messages pour Malcolm. Iblis. Tu regardes pas Malcolm, Romano? T'as jamais regardé? Non, mais l'autre fois, je suis retombé. Tu vois, j'ai sur les experts. Bah franchement c'est pas ça, se regarde, c'est pas euphorique d'autre chose, hein. Non mais ça faisait un moment que j'avais pas vu, parce que ça m'a, c'est pareil, ça m'avait saoulé parce qu'elle était, ouais, tellement j'adore. C'est quoi le truc qui saoule? Tu sais, c'est l'expert, l'actrice de Quantico. Ah, Miss, elle est bonne. Ah ouais. Elle a été Miss Monde, c'est ça, je crois. Ouais, elle a été élue. Après, je sais pas. Elle a des bons seins, quoi. Non, ouais, ça va, oui. Elle a des bons seins. Pas dégueu. Ah, t'as fait, si elle vient dormir chez moi, je dormirai pas dans la baignoire. C'est, hein, ça, comme on dit. Arthur, c'est chiant, les mêmes invités. T'as l'impression de voir la même mission. Non, mais c'est vrai que c'est tout le temps les mêmes. Hein. Le problème, c'est qu'ils vivent pas, ils parlent pas d'actu, ils parlent pas de ce qui se passe dans le monde, tout ça. Donc, c'est, en fait, t'as vraiment l'impression que c'est la même émission. Bah, et puis les épreuves, il faut un peu, ils tournent un peu en rond. Tu vois, par exemple, nous, la discussion qu'on a eue là ce soir sur la télé, eh ben, on n'avait pas la même. On refait la même demain à 23h08. Non. Non, mais si on en avait parlé l'été dernier, c'était pas les mêmes programmes, c'était pas, non, la même, c'est chose. Vrai, pas... oui, c'est sûr. C'est vrai que c'est, je suis d'accord avec toi. C'est qui, Pop Dog, qui nous laisse le message? Alors la télé, c'est pourri, mais si je l'ai pas, je déprime. Message de Hublot. C'est comme toi, Romano. Ah non, mais je me sens mal. En plus, je le vois, tiens, il sent mal. Il est toujours là, l'écran, je le vois. Bah oui, il est là. J'essaye, tu vois, d'allumer, mais bon. C'est vrai qu'il était en dépression, quoi. Bah bien oui, j'ai réessayé une fois, tu vois. Arrow, c'est super. Très bien. Ça, j'ai pas regardé ça, c'était le truc de TF1, ça. Comment t'as fait, Diffoul, pour pas regarder la télé pendant un mois? Bah j'en avais pas. Bah ouais, non, mais c'est ça. Non, mais là, l'été, non, mais moi, l'été, ouais, je regardais jamais la télé non plus. Horrible. Ah. Horrible. Non, mais horrible de pas de regarder la télé. Horrible de regarder la télé pendant l'été. Ah, ouais. Horrible de ne pas la regarder. Pas la regarder. Non, ah, horrible. Le soir, tu peux la regarder vite fait. Non, mais tu te fais un film. Non, mais tu vois, en rentrant, on mettait. De toute façon, nous, on avait pas 50 chaînes. Pareil, en Italie, j'avais TV5 et France 24. Alors donc. Ah, t'as vu, tu tombes sur des. T'as un moment donné, des fois, tu préfères même l'éteindre. Ouais, moi, c'est vraiment. La même. Non, mais tu te dis. Tu sais, je me disais, ouais, t'es étranger. Et tu te dis, tiens, je vais regarder. La télé française. Et TV5, mais franchement, mais c'est honteux. Non, quoi. Mais il passe des trucs. Bah, c'est culturel. Non, mais c'est abominable. C'est la culture française. Tu comprends rien, la culture. Mais en France, ils ont vraiment une vie de merde. Ben ouais. Si tu connais pas du tout la France et tu regardes juste TV5, tu te dis, mais putain, ils sont chelous en France. Ouais, les Simpsons, une valeur sûre. Game of Thrones. Ouais, après, tu te fais des vieilles séries. Des séries qui sont passées, qui sont déjà passées. Ouais. Bon, bah voilà, on a fait le tour de ce qui se passait à la télé. Donc, ah ouais, il y a le truc qui a fait scandale a loupé, là, sur M6, là. Qu'est-ce qui a fait scandale? Le truc rue des Allocs. C'est quoi ça? En fait, ils ont été filmés, des gens, tu sais, qui sont dans la galère, quoi, qui gagnent moins de 1 000 euros par mois, dans un quartier, je sais plus où, en France, hein. Et après, quoi, je sais pas, moi, je l'ai pas vu, mais bon, si je n'avais pas trop envie de, je sais même pas si j'étais rentré. Ouais. C'est l'argloque un peu ton truc. Ouais, ouais, déjà, c'était ça. Et en fait, merde. Justement, il y a toutes les assos qui ont dit, ouais, c'est pas bien de montrer, tu vois, les gens, tu sais, c'est vraiment des gens qui galèrent, mais qui galèrent vraiment, quoi, qui ont pas d'oseille. Et les filmés pourquoi? Bah c'était pour un truc, genre un docu-réalité, tu vois. Mais ah ouais. Ils faisaient rien, tu vois, ils les filmaient juste genre dans la vie courante, mais voilà. Tu les voyais galérer. J'imagine que quand ils font des reportages aux zoos sur France 4, c'est pareil. Ah, c'est horrible. Non, mais c'est un peu ça, j'imagine que tu les voyais genre en train de faire les calculs, ouais, on a plus d'oseille, comment on finit le mois. Ça devait. Bah ouais, non, mais il y a tout, je suis pas sûr d'ailleurs que ça continue, parce qu'il y a plein d'associations qui ont gueulé, et les gens ont gueulé aussi sur les réseaux en disant que c'était un peu honteux. Un peu, mais bon. Quoi, moi, je l'ai pas vu, donc. Sinon, ils ont fait un truc marrant, même si ça, j'ai pas vu, mais j'aurais bien aimé le voir. C'est le truc dans les années 80. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, ils prennent une famille d'aujourd'hui. Et il est fou dans les années 80. C'est-à-dire que tu te retrouves dans les années 80 avec un Minitel. Ah ouais? sans portable, parce que ça n'existait pas, les téléphones à fil, avec tout des années 80, quoi. Bah, ils ont fait plusieurs. Avec les programmes des années 80 à la télé, des trucs. À l'ancienne. Ça, oui. Ça doit être pas mal, ça. Il y avait déjà les Feux de l'amour, d'ailleurs. Ah, bah oui. Bah, attends. Et donc, ils te mettent une famille, ils te transposent une famille dans les années 80, une famille d'aujourd'hui. Ça doit être marrant. Ouais, ça doit être, ouais. Je sais pas si vous avez vu, dites-moi. Je sais plus comment ça s'appelait, ce machin-là. Ouais, mais ça passait, ouais, genre, c'est passé. C'est une fois, je crois, sur vers le 20 juillet, un truc comme ça, ouais. Ouais. Donc, ça, mais Romano connaît les programmes, le même quand il est en vacances. Non, parce qu'en fait, je suis parti à l'étranger avant et j'aurais bien aimé le voir. Mais j'aurais bien regardé en replay, mais vu que, bon, ma box marche, mais. T'as pas la télé. Il y a pas d'écran. C'est ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai écouté la télé. Et voilà. Mais sur le net, tu peux regarder, tu sais aussi. Ouais, mais ouais, mais c'est, ouais, avec ouais, un iPad bah, oui, et tout, c'est bon. Galère. Et sinon, pour Quantico, là, la série dont on parlait tout à l'heure, votre Miss d'origine brésilienne, Cédric. En fait, pas du tout. Et en fait, elle est d'origine indienne, il y a eu plein de messages. Jay. Non, mais j'ai vu qu'elle a pas été Miss Monde. Elle est, elle a été mini, c'est une Miss Université, on nous dit. Ah, je sais pas, ouais, je sais pas du tout, j'avais vu un truc. Donc, Quantico. Après, on nous dit, c'est une Miss USA d'origine indienne. Il y a, NS6 qui confirme qu'elle est indienne, la crise de Quantico. Et là, le truc d'NS6. Elle est trop bonne, là, on est d'accord, elle est mignonne. Sur, rue des Allocs, là, c'est, quartier Saint-Leu à Amiens. Eh ben, big up Saint-Leu à Amiens. Eh ben, voilà, vous êtes célèbre, vous êtes passé à la télé, tu vois. Non, ben, bon, a priori, les gens étaient d'accord, hein, c'est pas en caméra cachée non plus, hein. L'Alsacien, lui, il regarde que des chaînes de sport. Bein Sport, c'est tout. C'est tout ce que je regarde à la télé. En boucle. Avec la Liga. Ah oui, c'est eux qui l'ont, la Liga. La Liga et la Bundesliga. Tu regardes les championnats espagnols. Ça a repris chez eux. Et championnats allemands. Chez nous aussi, d'ailleurs. Même en Italie, ça a repris. Ouais, ça. Moi, j'ai déjà regardé les saisons des experts. Las Vegas. Mort de rire. Je kiffe. Jennifer Thompson. Tiens, elle s'appelle Thompson comme ta télé que tu vas recevoir, Romano. Merci, Jennifer Thompson. Jennifer, je la surnommerai comme ça, ma télé. En hommage à toi. Jenny. Alors, moi, je regarde des trucs de foot. Les Simpsons sur W9. Ouais, c'est classique, mais. Ça marche toujours. C'est bien. Voilà. Écoutez la radio comme ça. Bah écoute, ça c'est une très bonne idée. C'est bien ça, oui. Voilà, comme ça, t'as du bon son et tu peux même venir faire les cours avec nous le soir sur Skyrock. Alors attendez, parce qu'on parlait de télé là, mais faut pas que j'oublie. C'est le Galérien. Alors Galérien, non, c'est. Oui. En gros, il s'est fait traquer pendant les vacances. Il est parti avec des potes. C'est Lucas qui est parti au Cap d'Agde avec des potes pendant une semaine. Ouais. Et il nous explique, je vais pas vous lire tout le message qu'il nous a envoyé, mais il nous dit qu'en gros, lui, il s'est fait traquer parce qu'un jour, un pote est rentré dans les chiottes alors que j'étais assis en train de pisser. Et depuis, il a dit à tout le monde, et tous mes potes se fichent de ma gueule parce que je pisse assis. Ah, comme les meufs. Cage. Oui, comme moi aussi. Bah, toi aussi, ouais. Bah, moi aussi, je pisse assis, ouais. Chez toi. Donc voilà, il faut le coller dans un bar et il s'assoit même dans l'urinoir. Ouais. Ouais, il chie dans l'urinoir, contre le mur. Monsieur, ça ne fonctionne pas comme ça. Non, mais je m'assois. Je ne peux pas uriner debout. Dégueulasse. Non, mais s'asseoir. Mais par contre, Diffoul, quand il va par exemple dans une station en service. Par contre, il chie debout. Non, il chie pas debout. Mais tu sais comment il chie? Mais ses pieds sur le bord. Tu vois, c'est comme si tu m'étais sur la chaise comme ça, gros. Ah, moi, je m'assis pas sur la cuvette dégueulasse, c'est les gens qui me disent. Tu t'accroupis. Non, ou alors, il y a deux solutions. Tu t'accroupis, mais tu sens que ça te touche, quoi, tu vois. Et t'écartes les fesses avec tu en arrière. Ouais, normal. Non, mais ouais, tu touches pas, ouais, ça. Attendez, 5 minutes. Déjà, je voudrais savoir, juste pour Lucas et pour moi, parce que qui est-ce qui pisse assis parmi jamais. Les mecs? Jamais. Parce que les filles, Marie, tu pisses debout, non? Oh, moi, ça m'est déjà arrivé. Non, bah, ça m'est déjà arrivé de pisser debout. Quand je suis bourré, j'arrive plus à m'asseoir. Ou quand je me suis fait enculer. Non, mais j'ai tellement quel mal au cul, je m'assieds pas. Bah, t'es con. Non, mais chez moi, je pisse assise, mais sinon, je suis toujours en. Je sais pas comment on peut le dire, mais enfin. Non, alors pour les garçons, qui c'est qui. Moi, c'est systématique. Bah, non, mais moi, quand je suis chez moi et que c'est propre. Non, mais quand je suis, je pisse. C'est propre chez toi. Mais quand j'ai juste envie de pisser, juste l'envie de pisser. Alors, bah, je pisse debout, moi. Et même la nuit. Moi, je suis debout. Non, la nuit, je m'assois quand je suis vraiment. Parce que, la nuit, c'est pas pareil. T'es dans le gaz. Des fois, t'as même pas envie d'allumer la lumière parce que ça va te violer les yeux. Non, je me tiens au mur. Oui, mais quand tu vises, tu sais, ça peut partir sur n'importe quel côté. Je te signale que j'ai mes chiottes. Ah ouais, lui, là. Ah ouais, excuse-nous. Ça fonctionne à merveille. Mais il a des chiottes lumineuses, mais pas de télé, le man. Ben, chiottes lumineuses fonctionnent parfaitement. Ah. Quand je m'approche, le chiotte s'illumine en LED. Wow. Super. N'empêche que la nuit, c'est pratique parce que au moins tu pisses pas à côté. Tu peux bien viser, ouais. Ouais, tu peux bien viser et allumer la lumière aussi. Ouais, mais non, mais la lumière, c'est horrible. Ça me met les yeux. C'est relié à une électricité. Non, c'est deux petites piles. Ah, j'ai l'air, putain, t'imagines, tu pisses ce truc, tu t'électrocutes. Bah, tu sais, les chiottes japonaises. Non, mais les chiottes japonaises, c'est. T'es dans le cul, tu branches au courant, ouais, hein, c'est Cédric. Et c'est pas pour autant qu'il s'électrocute. Ouais. Bah ouais. Ouais, mais ton truc à l'aide, là, c'est pas non plus un truc de ouf, tu vois. Ah, si, c'est un truc de ouf. Te connaissant, vu comment t'es un crevard, t'as dû acheter le bas de gamme, quoi. Non, j'ai acheté le bas de gamme. 3,50€. Alors, petite anecdote de vacances pour Lucas, qui est parti en vacances, avec les potes pendant une semaine. Au Cap d'Agde, et donc ils ont découvert qui pissait. Faut fermer. La prochaine fois, tu fermes la porte. Ferme le verrou. Ouais, tu t'enfermes pour aller ça pisser. Ça peut servir, ouais. Donc, toi, tu pisses assis. Non, mais tu leur dis que t'es en train de chier, au pire. Non, mais moi, j'ai pas honte de pisser assis. Je pisse assis, je vous le dis, devant la France entière qui écoute Skyrock ce soir, je pisse assis. Non, mais Hugo, ce qu'il aurait dû dire, c'est que je suis en train de chier, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est vrai. T'as qu'à dire, j'étais pas en train de pisser. C'est pas Hugo, c'est Lucas, mais. T'as merdé, Lucas. C'est Lucas. Voilà, Lucas, bah tu dis, ouais, j'étais pas en train de pisser, j'étais en train de chier, quoi. Regarde, Zubzbub, qui nous laisse un message, qui dit, je pisse assis aussi, comme ça. Je peux aller sur mon téléphone, tout ça. Ah ouais, c'est bien. Loris, qui pisse assis, je t'étais pissé debout, je pisse pas droit en plus. Ah, voilà, c'est, ça peut éviter des espèces de dérapage. Non, mais avec ta main, tu guides ta bite. Avec ma main, je guide ma... Oui, mais parfois... Tu sais, je sais pas, si tu vois que tu es en train de pisser à côté, tu la redresses. Ouais, mais tu dis ça, Romano, mais tu nous avais expliqué qu'une fois, avec ta peau, là... Ouais, mais ça, c'était la nuit, c'était dans le cul. Ah, et vu que j'ai la peau longue, en dormant, ça avait fait comme un nœud, quoi, un nœud. En fait, la peau était... putain, j'ai pissé, tu sais, je me suis mis à pisser, en fait, je me suis pissé sur la jambe, il y en a un bout qui est parti, il y a de la pisse qui est partie sur le mur, putain, par terre. Sympa, c'était la catastrophe de pisse, quoi. Donc vous êtes, moi ça m'intéresse, vous êtes en plein sondage, on est en plein sondage express, là, maintenant. Donc 01 53 40 30 20, le 41 759, l'appli Skyrock. Les gars, vous pissez assis debout. Les filles, vos mecs, ils pissent assis ou ils pissent debout. Vous nous dites, on va faire un petit tour et on va voir. Mais il y a bien un moment où t'as pu. On me dit que Cédric, lui, se fait pisser dessus, par contre. Mais, c'est Romano. C'est Vince du 62. C'est trop bon. Ah, c'est Romano. Ah ouais, mais uniquement dans la bouche. Arrête de m'étonner, c'est toi qui fais ça. Ah bah, ouais, bah, moi, j'assume. Moi, je lis le message. Mais pas dans la bouche, uniquement sur le corps. On s'urine dessus régulièrement. Ah, moi, ça me dégoûte, ça, gros. Ah, c'est devenu régulier maintenant. Ça rafraîchit l'été. Et sinon. Non, c'est chaud, la pisse. Oui, mais ça. Ça chauffe l'hiver, alors. Ça chauffe l'hiver. L'hiver, c'est agréable, ouais. Genre, t'as les pieds un peu froids, tu rentres dans la douche. Ah, hiver, Romano, il leur demande. Elle pisse dessus, nickel. Alors, assis. T'es sérieux, là? Dans la douche, on se pisse dessus debout. D'accord, non, mais c'était c'était pour savoir. Ah, tu me. Mais sinon, Moi, j'ai la flemme de rester debout, nous dit Super. Non, mais moi, je t'ai dit, je pisse debout, moi. Ok, c'est noté. Cédric, debout? Bon, ça dépend, des fois, si. Ça dépend. Ouais, ton micro en marche, Cédric. Ça dépend. Voilà. Complètement abruti, ah, bah ouais. J'appuie très souvent, ça fonctionne pas. Bah, c'est de, non, ça dépend quand je suis fatigué. Pas, mais tu sais, c'est pas une boîte, hein. Y a pas un truc non, qui va. Non, quand je suis dans le cul, si, un bouton, c'est on off. Quand je suis dans le cul, ouais, je reste assis. Donc, plutôt non. Bah, mais en ouais, fait, plutôt non. Ouais, plutôt non. Samy, mais... je pisse debout. Ouais, debout. Debout. Ouais. Mais. Karim debout. Mais le Belge, tu sais, en fait, il dit n'importe t'as quoi. T'as vu, parce que tout à l'heure, il disait que non. Hein. Ouais, mais ouais, t'as ça, ouais. Si, mais tout à l'heure, tu disais complètement le contraire. Si. Là, en fait, dit full, tu sais, ça rejoint notre sondage d'hier sur la mythomanie. Non, mais il est complètement. Non, moi je dirais c'est qu'il toi qui est con. Alors, on peut peut-être lancer un nouveau sondage. Est-ce que ça Cédric est ce soir complètement con? Alors, on lance un sondage après. Parce que là, on est en place sur le pipi, là. Bon, et en plus, tes potes, ils sont cons de te traquer pour un truc comme ça. C'est des gamins. Ils ont quel âge? Il a 18 ans, Lucas. Donc, j'imagine qu'il est pas parti avec des mecs, il y en avait 8. Non, mais ouais, non, mais bon. C'est des tracts de vacances. C'est des délires de à la cour, des fois. Ça part de rien et, ouais, après, ils te lâchent pas avec ça, ouais. C'est marrant parce que la conversation qu'on a là, moi, je l'ai eu pendant les vacances avec, des potes à moi. On discutait de ça. Donc, il y avait des filles, des gars et des, tout le monde était très intéressé. Alors, tu pisses debout, tu pisses assis, tu pisses. Et ça nous a tenu, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure. Mais moi, j'en avais déjà parlé avec mon mec parce que tu l'avais dit un soir à l'antenne que tu pissais assis chez toi. Ah ouais, j'avais déjà ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et lui, il m'a dit non, jamais. Je lui ai dit, essaye, il paraît que c'est pas mal. Tiens, essaye, pisse-moi plutôt dessus. Non, mais pas sur moi, non, je suis désolé. Marie, genre, t'as jamais pissé dessus? Ça va pas. Mais même sous la douche, tu vois. Mais ça va pas, non. Mais pourquoi tu veux que tout le monde se pisse dessus? Mais ouais. Non, mais non, c'est pas il tout le monde. Il se sent seul. Mais, tiens, Cédric, il fait le mec choqué, genre, toi, tu te pisses pas dessus en douchant. Ah non. Ah non. Bon, je vois. La gueule d'effort. Je vois pas la description de son visage, mais il m'étonne là. Non. Il faudrait acheter un détecteur de mensonges. Mais toi, il se mentait à chaque parole en fait. On pourrait plus parler après. Dans une douche, mais me pisser dessus, non, t'es gentil, ça va aller. Il y a Dog. Non, mais tu sais, tu pisses et tu laisses ta bite aller, quoi. Et puis des fois, ça te coule un peu sur la jambe. Non. Bah moi, je le fais, moi, à chaque fois, moi. Et non, j'ai fait c'était à l'hôtel. Ah bah tu vois là douche. Ça commence à avouer petit à petit. Non mais c'est dans la douche. Mais vu qu'à l'hôtel t'étais avec ton pote, t'as pissé sur ton pote. Oh le bâtard. Non, c'est lui qui l'a fait. Non, la deuxième fois j'étais avec une meuf à l'hôtel. Et tu l'as pissé dessus. Non plus. Tu t'es fait pisser dessus. Non non plus. Ah non mais horrible. Mais gros, je dis moi c'est pas mon délire ça. Bon alors qu'est-ce que vous nous dites? Mon mec, témoignage de fille, c'est bien. Chachou, bonjour Chachou Astre. C'est Chachou Astre qui nous dit mon homme il s'assoit sur le trône H24. Moi je pisse assis uniquement quand je bande. Ah bah tiens, c'est le deuxième qui nous dit qu'il pisse assis quand il bande. Moi c'est toujours c'est le pied. Je vais être trop feignant mais moi je pisse assis. Je pisse assis, c'est plus simple pour Paul 14. Ah, ça fait plaisir de voir que je suis pas tout seul. Bon Carmelo lui pisse toujours debout. Cédric se fait pisser dans la bouche. OK, c'est pas la question. Non, mais c'est pas la question. Je trouve ça pas hygiénique de s'asseoir. Ah ouais, mais c'est plus hygiénique que si tu Que mais si ça tu, dépend où tu es. Si tu pisses à côté. Non, mais d'accord, mais bon. Parce qu'en Mano, tout à l'heure, tu t'es vendu, t'as dit, de toute façon, quand tu pisses à côté, tu t'en rends compte. Bah oui, mais t'as déjà pissé à côté, donc c'est dégueulasse. Bah oui, il faut nettoyer, oui. Ah ouais, bah, oui. Non, mais bah, je nettoie, hein. C'est bien. Passe la lingette. T'es content, quoi. Ouais, ça, c'est galère. Hein. C'est galère, t'es obligé d'aller chercher les lingettes, tu les touches pas. Tu mets les mains dans la pisse, quand même. Alors, ça fait trop meuf quand tu pisses assis. Oui, mais t'es tout seul, personne te voit, tu t'en fous. Non, mais faut pas le faire, ouais, genre dans les urinoirs. Ouais, là, il faut rester debout. Non, mais dégueulasse. Steven, debout. Ah là, t'es fou dans les urinoirs, tu pisses pas assis. Ah non, jamais. Ah bah non, ah bah, mais c'est dégueulasse. Mais alors, personne s'assoit là-dedans. Alors, c'est ignoble. Ah, tu chopes des trucs. Non, mais il y a deux solutions quand tu vas dans des trucs d'autoroute, ou alors tu fais comme tu te mets debout sur la cuvette. Mais pourquoi sur la cuvette tu peux rester les. Bah oui. Et tu chies comme ça. Les urinoirs, t'amènes. Là, tu sors juste ta bite, là, et tu mets ta bite dans le trou. Ouais, moi, j'aime bien avoir du papier pour m'essuyer la bite, moi. Ah, ça, alors, relou. Bah ouais. Bah, tu sais, quand t'appuies pour le nettoyage, ça va te laver la teuf. Ah ouais, mais le karcher. Oh, Mika, il pisse là-dedans. Hey. Attends, des fois, il recycle l'eau, la pisse et tout. Ah, horrible. Oh, non, mais je suis content parce que je suis pas tout seul. Non, mais dis pas n'importe quoi, il recycle pas la pisse. Si, si. Bah, tu vas chez Ikea, c'est de l'eau de pluie qui est recyclée, c'est dégueulasse. Non, mais tu sais, l'eau de pluie, c'est pas de l'eau de la pisse. Oh, ouais. Quand il pleut, c'est pas les oiseaux qui pissent. Je comprends rien. Oh, ouais. Mais je suis sûr qu'il recycle, moi. Oh, je croyais que c'était les oiseaux qui faisaient. Mais dis pas de la merde. En fait, c'est ce qu'ils font à Ikea, c'est marqué dans les chiottes, ouais. C'est un truc écologique. Ils auraient des récupérateurs d'eau de pluie et l'eau de pluie sert à nettoyer les chiottes. Ouais, voilà. Tu sais, quand t'appuies sur le bouton, ouais, ça nettoie les chiottes. Mais ils recyclent pas après encore. Non mais après, ça part à l'égout. Ça part aux égouts. Bah, je sais pas, peut-être qu'ils recyclent. Mais t'es complètement con. Ah bah. Mais c'est quoi, Romano, t'as mis le temps. T'as mis le sondage, je crois que. Regarde, je confirme, Cédric est complètement con, mais ça, je la tape dans le sondage. C'est hallucinant de raconter de la merde à ce point-là. Genre, voilà, il récupère la pisse du ciel. Je suis sûr qu'il y a un système où les mecs, ils doivent recycler, tu sais, les eaux. Mais là, mais jamais de la vie, mais. Les eaux usées. Il y a des normes hygiéniques. Bah oui, il y a des normes. Tu sais, tu fais pas chez. Non, pas chez Cédric. Ah, si, si, chez moi, c'est propre. Il y a pas de normes d'hygiène. Bah, c'est ce qu'on m'a dit Romano quand il est allé visiter chez toi. Je suis c'est plus propre chez moi que chez toi. Je voudrais pas y revenir pour pas faire ce bordel dans c'est l'équipe. C'est plus propre chez Difool que. Non, chez moi que chez Difool. Bah, viens chez moi quand tu veux. T'as un ouf, toi. Ah. Hein? Difool, déjà, il te casse les couilles, il faut marcher. Ah oui. Tu sais, limite, t'as des patins, c'est comme chez les vieux. Comme à l'hôpital. Tu sais, les trucs, ils te donnent des chaussures hygiéniques. C'est comme quand tu rentres dans les laboratoires ou à l'hôpital, dans les pièces stériles, tu sais, les trucs. Faut mettre une Charlotte sur la tête aussi. Eh, j'ai les résultats du sondage express. Assis, debout pour faire pipi pour les gars. Alors. Les résultats donnent, d'après vous. Ah, debout. Moi, je dirais debout, moi. Debout, ouais. Et à combien de pourcents? 70. 70, peut-être ouais. 80 même. Eh ben, 80, je suis étonné, moi aussi. Je pensais plus à un truc comme ça. Mais 37% pisse assis pour les gars. Ah ouais. Et j'ai peut-être lancé une nouvelle mode. Et 63, et Lucas aussi d'ailleurs. Et 64, et 63% pisse debout. 63, 37. Putain, moi, je recule, c'était plus, ouais. Bah, écoute, ça moi fait aussi, un garçon sur trois qui pisse assis. Putain, vous êtes bizarres, les gars. Bah, pourquoi on soit moi, chacun pisse comme il veut après toi. Ouais, attends, il y a Aurélien qui est au téléphone avec nous, on va lui demander. Aurélien, 21 ans. Bonjour Aurélien. Hello, bonsoir l'équipe. Bonsoir Aurélien. Salut Aurélien. Salut Aurélien. La patate. La patate, la pêche, la forme. Comme toujours. Alors, assis debout toi Aurélien. Mais moi assis dès que je peux. Et pourquoi assis dès que tu peux? Mais c'est une question pratique de toute façon, parce que c'est galère déjà de prendre son truc dans la main, d'une. Ouais, tu préfères le laisser. Bah non, mais c'est moins galère. Bah non, justement, c'est plus galère, parce que là, il faut te défroquer et tout. Faut t'asseoir, non, mais faut prendre. Non, mais c'est des prépucés, machin et tout, tu te rends pas compte, toi. Des prépucés. Ah ouais, mais attends, t'as plein de. C'est des prépucés, ça veut dire enlever la peau du prépuce quand non, on fait non, pipi. Non, mais parce que H24, de toute façon, H24, il y a des gouttes partout, de toute façon, c'est mort. Ah, moi, c'est l'histoire des gouttes aussi. Je suis un peu comme toi, puis je dois être un peu feignant. Tout le temps des gouttes et tout. Après, tout le temps, un petit coup de sopalin intact. De machin, c'est galère. Tout ouais, temps. Et vous, Thierry Arnaud dit les gars, ils se transforment en meuf. C'est pas parce que tu pisses assis que t'es venu. Ah non, mais par contre, devant ma meuf, par contre, j'évite quand même, tu vois. Ah, tu pisses debout devant ta meuf pour faire le mec viril. Non, mais je pisse pas devant elle, carrément, tu vois. Oui, c'est vrai que tu pisses rarement devant ta meuf aussi. Après, ouais, bon. C'est vrai. C'est rare. Ouais. Alors, assis debout, on a Charlène au téléphone avec nous. Qui doit pisse être... debout. Oui. Elle pisse au lit. Bonjour Charlène, je te présente Aurélia et l'équipe évidemment. Salut. Bonsoir, Charlène. Bonsoir. Coucou. Alors, assis, debout. Bah moi c'est mon ami, c'est assis. Ah ton mec, oui, parce que toi j'imagine que c'est assis. Oui, non, debout moi. Donc ton mec il pisse assis toi. Oui, mais au départ je pensais que c'était parce qu'il était antillais, mais en fait non. Ah parce que les antillais pisseraient plus assis que les autres. Bah, je pensais que ouais. Ah, non, mais la première fois que tu l'as vu, tu t'es pas dit il est en train de chier tout simplement. Bah non, parce que je le vois pas, il est pudique, il ferme la porte. Oui, ça arrive, oui. Mais enfin, c'est mieux en général. Enfin, il t'a dit qu'il s'asseyait pour faire pipi. Mais je sais pas où parler et il m'a dit non, moi je m'assois. Regarde, il y a Morgane qui vient de nous laisser un message qui nous dit un garçon, Morgane, moi j'adore pisser debout parce que tu peux en mettre partout. Ah bah super. Ouais, mais quand sympa. T'es chez toi. Ouais. Ouais, si t'es à l'internat, tu sais quoi, si t'es un mec qu'on aimait pas, que c'est qu'il allait nettoyer les chiottes, tu pissais les partout. Mecs qui chiaient sur les rebords, tu pissais par terre. Ah non. Et tu savais qu'il allait galérer parce que c'était sa semaine de nettoyage de chiottes. Et ouais, ça c'est quand même. Ah non, mais moi nous rigolait bien. Hein. Ah ouais, ah oui, c'est vrai qu'il y a un truc. En plus, c'était l'italien, elle m'avait parlé de ça. Un truc de quoi? C'est vrai, pour les meufs, elles pissent debout, l'espèce d'entonnoir là qui existe. Ah non, oui, ça c'est pour que vous fassiez faire comme nous, les gars, pisser debout. Parce que l'italien, elle me disait, faire la pissoute. Je lui dis, pour faire la pissoute. Je comprenais pas, elle essayait de parler français, je lui dis, pour faire pipi. Mm. Et elle m'a dit, ouais, je vais m'acheter un entonnoir. Et nous, on lui a des conversations intéressantes avec les amis. Bah, elle se balade avec ça dans son sac à main? Non, mais ouais, je lui dis, mais tu vas faire comment? Je fais. Comment tu vas faire? C'est tu vas mettre dans ton sac. Et ben voilà un truc à acheter, Charlène, t'as vu? C'est bien, t'as le sac à bas qui pue la pisse. Anti-vol. Ah ouais. Bon, Charlène, on va te garder avec nous, on va écouter Drake, parce que j'avais promis qu'on écouterait Drake. On te garde parce que toi, tu veux nous parler d'un truc, je crois, Charlène. Oui. Bon, un sujet qui va intéresser Romano. Ah, le trou de balle. L'argent. Voilà. L'argent, non, ou le trou de balle? Le trou de balle. Bon, bah après le pipi, le caca, allez, ça va faire plaisir à certains membres de l'équipe. Le caca, c'est bon. Mais oui. C'est... Salut les filles. Ah bah bouffe ta merde. Charlène, tu restes avec nous, on te retrouve. Merci Aurélien du petit coup de fil. Salut, bonne soirée. Salut Aurélien, tu quittes pas, on t'envoie le t-shirt Skyrock à la maison. Pas de soucis. Et puis merci de soutenir ceux qui pissent assis. Oui. Je vais faire un petit big up à Romano parce que moi aussi je viens d'à côté d'Autun. Ah bah big up à toi et demain vote Romano. J'ai été deux ans à l'école à Autun, c'est galère Autun quand même. Ah oui, ça c'est galère. Bon, quand on parle d'Autun, on part toujours au passé. Non, mais, c'est comme ça, on n'y reste jamais. On peut bien retourner, ouais. C'est ça. Non mais il fait trop rire parce qu'il a trop des expressions de chez nous et ça me fait trop rire quoi. Faut que ça mais pas le Bourguignon. Ah bah Bourguignon, ouais. Bonjour, je présente. Tiens, je suis antillais, je pisse assis pour éviter les gouttes. Tu vois, c'est peut-être un truc antillais, voilà. Tu me disais, Charlène. Bon, dans un instant, tu nous expliques tout, Charlène. Ne bouge pas, le temps d'écouter Drake sur Skyrock. On écoute One Dance. C'est la rentrée et t'as besoin d'argent. Réveille-toi avec Skyrock. The Morning Show. Dès lundi, le morning de Difool te réveille. Et pour fêter la rentrée, Difool t'offre 1 500 € toutes les demi-heures si tu réponds Skyrock. Ta radio préférée? Skyrock. Envoie 1 500 par SMS au 72020 et inscris-toi dès maintenant pour gagner 1 500 € dans le morning de Difool. Oui, voilà. 1 500 €, c'est pas possible. Oh là là, mon Dieu, merci beaucoup. Dès la rentrée sur Skyrock, 65 centimes plus coup d'un SMS. Mais qui vous aime en secret? Un voisin? Un vieux copain? Caché au 71 777. Un gamin? Le bel inconnu du train? Envoyez caché CACHER au 71 777. Nos experts vous diront tout de vos amours cachés. Caché au 71 777. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Il n'y a pas que les enfants qui ont peur du noir. Quand j'éteins la lumière, il y a une femme. Elle déteste la lumière. Moi aussi, je la vois. Découvrez Dans le noir, le nouveau frisson de James Wan, le réalisateur de Saw et Conjuring. N'éteignez jamais la lumière. Tout le monde a peur dans le noir. C'est de ça qu'elle se nourrit. Dans le noir, le 24 août au cinéma. Avec Skyrock. Nous, dans le studio, c'est plus le contraire. Ne rallumez jamais la lumière. Oui, jamais. Sinon, c'est... Allez, c'est reparti avec Drake. On écoute One Dance sur Sky. Tous les soirs, la radio libre de Difool. 21h minuit sur Skyrock. Baby, I like your style. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text reply me, I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Down, I'll take it slow, make you lose control. Wet, I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Il est fort ce morceau, hein. C'est Drake sur Skyrock, on écoutait One Dance. 21h minuit, la radio libre de Tifoul, seulement sur Skyrock. Et ouais, c'est nous, merci d'être là au 01 53 40 30 20. Vous pouvez débarquer dans l'émission à n'importe quel moment. Vous l'avez vu, faites comme Charlène, faites comme Aurélien quand on est au téléphone, ou comme tous les autres. Il y a Éloane aussi qui veut passer avec nous en direct. Il est où, Éloane? Allô, allô? Allô? Oui, Éloane. Bonjour Bifoul, ça va? Salut Man. Salut Éloane. Éloane, t'es dans le 35, toi, c'est ça? Ouais. Et j'ai trouvé... Où est-ce que tu étais? C'est toi qui as des problèmes d'incompréhension que tu vis au jour le jour dans ta famille? Ouais, dans ma famille. Et oui, est-ce que vous avez déjà été incompris par votre famille, vous aussi? Romano, t'as déjà été incompris par ta famille? Oui, bah, quand tu parles, oui. C'est... Bah, ça arrive. Non, mais moi, non, j'ai une période très difficile. Bah, je sais pas, si tu vas voir ta mère et que tu lui fais, je ne sais pas, par exemple. Quand? Il y a incompréhension dans la famille. Non, ouais, non, mais. Ah, ou si tu lui fais. Chalut. Bah, elle répond, il va lui répondre pareil. C'est un langage qu'ils ont entre eux, tu sais. Non, mais, ouais, moi, j'ai eu des périodes d'incompréhension. Ah bah ça, tu vois. Mais tu comprenais pas quoi? Non mais c'est à dire que non mais on se comprenait pas mutuellement quoi. Ah ok, ouais, je vois. Toi dans ta famille il y a un truc qui comprennent pas tes parents toi Éloane. Et mes frères. Et tes frères non plus. Toi t'as quel âge Éloane? 14. 14, c'est ça. Bon Marie et toi t'as dû avoir des moments difficiles dans la famille aussi non? Ouais, on me comprenait pas. Ouais, vous comprenez pas que je parlais, je disais, non, mais pourtant, quand t'es arrivé à 4 grammes, c'est pareil, hein. Je réponds, Bifoul. Oui, Éloane. Par contre, je peux pas rester trop longtemps parce que demain, je vais me lever à 8h. Toi, tu l'évalues, mais tu vas en cours? Non, c'est pas les cours. Non, encore. J'ai rendez-vous chez le dentiste. Oh, comment toi, Romano, la semaine prochaine? Sympa. C'est quand ton rendez-vous chez le dentiste? Attends, je sais pas encore. Mais je vais être prêt en extrême urgence. Je vous l'annonce, si vous n'étiez pas là, vous l'avez loupé, on l'a annoncé en exclu hier, je vous l'annonce. Romano se fait faire une opération des dents semaine prochaine. Non, mais il n'y a rien d'opération, il m'en arrache deux, quoi. Deux comme ça, pam, pam. Non, mais on va voir, après je vais voir, parce que j'ai été chez un dentiste en urgence sur mon lieu de vacances. De villégiature. Et le truc... C'est bien ça, lieu de villégiature. Et le mec, il m'a dit, ouais, a priori, elles sont foutues. Mais quoi. Fais-toi l'arracher ici, dans le studio. Ouais, non, okay, ouais mais attends, par Cédric, ouais, allez. C'est bien, ouais, c'est bien. Par un dentiste, les dentistes sont respectés. Ouais, nickel. Allez. Franchement, pièce totalement saine. Attends, moi, quand je faisais mon vaccin, je le faisais bien ici dans le studio. Bah, moi aussi. Je l'ai fait là, le vaccin. Ça, on fait les dents. Et moi aussi. Et oui. Tiens, il y a Aurélien qui nous laisse un message qui dit ça a coupé tout seul, dégoûté pour le t-shirt. Mais on va te rappeler, Aurélien, à la fin de l'émission. On t'appelle à la fin de l'émission, c'est dans une demi-heure. On te passe un coup de fil et on t'envoie ton t-shirt quand on va à la maison. Alors, ouais, donc Éloane, puisque tu dois te lever demain à 8h. Tu fais des grosses nuits, toi, dis donc. Alors, donc tu. Donc, t'es de l'incompréhension familiale. Ah, voilà. Mais pourquoi? Alors. Mais en fait, c'est parce que j'ai kiffé Jules. C'est ça? Ah, et ils comprennent pas que tu kiffes Jules dans la famille. Ben, en fait, comme j'écoute tout le temps, en fait, mes frères, ils me disent. Et t'écoutes que Jules? Oui. Ah oui, ah ouais, c'est vrai que ça doit être un peu relou. Moi, j'aime bien Jules. Hein. Mais c'est vrai que t'es avec un mec qui écoute du Jules 24 heures sur 24. Bon. Bon, ce qui est pas mal, c'est que Jules, il a fait déjà pas mal d'albums. Ouais, donc déjà, parce que genre, il aurait fait un album. Ou un single. Ah, il aurait fait un son. J'ai son tout nouveau, j'ai Emotion. Ah, tu as Emotion. Ah, c'est bien, c'est Jules, de toute façon, ah, il en sort deux ou trois par an. Donc, Ah, Jules, il bosse, hein, ça. Ouais, plus un ou deux gratuits en plus. Ouais, c'est clair. Donc, il y a du son à écouter. Et ça, je peux t'as le choix. Les gratuits, ça plaît à Romano. Hein. Ah, je prends que les gratuits, moi. Emotion, personnellement, je ne l'ai pas acheté. D'accord, bah tiens, pour toi, gratuitement, Romano. La mort. Je veux pas partir sous le sol, nager dans l'eau. Ça c'est Éloine. Bien. Ah, on va voir si tu connais bien ton Joule. Tiens, je t'en passe des faciles en plus. Ça c'est quoi? T'es mon bijou. Un bijou. Ouais, facile. Ah, bah là en même temps, il dit. Ouais, il dit. C'est vrai que là on est dans du facile. T'es mon bijou. C'est laquelle que tu préfères de Joule, toi? Emotion. Ah, c'est Emotion que t'aimes bien, toi, ça. Tiens, attends, une autre un peu plus dure. Alors, un peu plus dure. Attends, hop. Allez. Y'a des fous partout. Y'a des petits dames. Alors ça, je m'en rappelle plus. Oh là là, écoute, Joule, toute la journée, on s'en rappelle. Et hop, j'y mets un son et c'est perdu. Et voilà, ouais, perdu. Non, mais j'ai ces nouvelles. J'ai dans Emotion et dans pas beaucoup de My World. Ah, je vois. Pas... Ah, là, c'était Brigante. Hein. Eh, Brigante. Mais. Vous l'avez jamais mis encore, bah, ça si, nous Ah, tu veux dire, non, on n'a pas mis Maria, Maria. Il est passé de si, dans Planète Rap. C'est ouais, passé, il l'a mis, ouais. Si, on le passe de temps à autre. Mais c'est vrai qu'on l'a pas mis en playlist, comme on dit. Bon, allez, Marie, un test, c'est quoi ça? Moi, je connais pas les titres, tu sais. Pas facile. Mais viens de le dire. Ouais, c'est voilà. Le titre. C'est Doré Platine. Non, et voilà, bien joué. Et ouais, Marie. Et attention, Marie. Un spécial, un autre. Allez, écoute bien. C'est quel Joule, ça? C'est pas du tout Joule. C'est qui? J'ai cru que j'allais la baiser. J'ai reconnu, c'est Black M. Vous savez que j'adore Zoom Zoom de Black M. Le dernier Céline Dion, il est génial. Superbe, génial. Alors ça, vraiment, le dernier Céline Dion, je l'adore. Ah, Céline, mais quelle voix. Céline s'étale. Ah, elle est super, hein. Ah, j'adore. Ah, puis Shaim, vous connaissez Shaim. On est foncé dans la ville. Non, c'est pas Shaim, Marie, c'est Shai. Je crois que c'est une Belge, en plus. Ouais, c'est une Belge. Écoute bien Skyrock, Cédric. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Bon, voilà, donc toi, c'est Joule à la maison qui pose un problème. Bah, écoute, ouais. Mets un casque. Ça, c'est... Bah, c'est ce que j'allais dire. Ah, bah, c'est ça. Ce oui, en fait, j'ai des écouteurs Apple, mais en fait, quand je suis à côté, bah, en fait, comme ils envoient fort, et bah, ils entendent. Et tu chantes? Ah, tu mets tellement fort qu'ils entendent. Fond, ouais. D'accord, ok. Et tu chantes en plus. Ah ouais, en plus, quand tu chantes avec un casque, en général, c'est pas génial. Hein. Ah bah, tu chantes faux. Hein. Ah ouais. Ah bah, Romano, j'ai trouvé. Bah, voilà pourquoi tu chantes il faux. Faut que je chante sans casque. Ah bah oui, parce exactement. Que t'as le casque de la radio tout le temps. T'enlèves ton casque et tu chanteras peut-être plus juste. Ouais, bah, je vais essayer. J'avais pas pensé à ça. Il va, je et quand, quand je suis tout seul, quand je suis tout seul, je prends mon enceinte et je mets à fond. Oui, bah là, non, tu fais chier personne au moins. Bah ouais, c'est clair. Non, mais après, c'est. Bon, ouais. Tu vois, Joule, c'est bien, mais c'est con d'écouter qu'un son, non? D'écouter qu'un artiste. Ouais, il y a plein de trucs. Bon, t'écoutes Skyrock. Bah, j'écoute du Alonso à des moments. Ah, il y a quand même un peu de Alonso, c'est bien. T'écoutes Binta. Parce qu'il est avec Joule. Il est avec Joule. Ah, avec Alonso, mais quand il est avec Joule. T'écoutes du Vita aussi, mais que quand il avait, que quand elle est avec Joule, non? Mais il en a fait qu'une. Oui, alors Vita, faut faire plus de son avec Joule, tu seras plus écouté par. Mais toi, qui est ceci qui a fait un son avec Joule? Ouais. Ça c'est Vita et Joule. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Quelqu'un qui vous avez Éloine, c'est votre frère, c'est votre sœur, non? C'est un pote, tout ça, et vous êtes avec lui et il écoute tout le temps le même truc, il écoute tout le temps du Joule. Ah, moi ça me casserait les couilles. Ah ouais. Alors comment tu réagirais? Ah, je dirais moi. Tu dirais soit baisse le non mais baisse le son ou baisse le son, je te baise. Ou je te baise. Ah ouais, j'ai pas un casque. Tu vas le baisser ton son, mais le casque il l'écoute tellement fort que tout le monde entend. Non mais en plus tu dois chanter, ça doit être insupportable. Ah ouais. Putain, il y en a plein qui sont comme toi, regarde. Lui c'est un bon Jules, c'est la base. Nous dit, mais moi c'est même pas que ça soit Jules, c'est que ça soit je sais pas, un mec qui écoute temps, toute la journée un truc. Ouais. Le même truc, ça casse exactement. Les couilles au bout d'un moment. Parce que... Hey, bah, tu le subis quoi. T'en peux plus. Ah, je comprends la famille, je comprends pourquoi il est incompris. Il y a le message de Thomas là qui vient de nous envoyer tout ça. Mon frère, enfin, je comprends pas pourquoi j'écoute Sadek. Ça m'énerve, je comprends tellement l'auditeur. Sauf que moi, je chante pas. Merci pour ton message. Jules, c'est le meilleur. Mon matoutou, c'est le matoutou. Jules, oui, Marie, c'est Jules dont on parle ce soir. Bon. Il est pas là, Cédric. Si, je suis là, ma gueule. Si, si, il est là. Si, malheureusement. Eh ben, je vois trop Mano. Eh ben voilà. Ah bah cool, voilà, dans, pas de clash. Allez, dans ton cul, fait. Boudin. Il n'y a pas de clash ce soir, mais c'est un bel encouragement pour demain soir. Ouais, merci. Et vive Jules. Et vive Jules. Non, mais là, hey, tu vois, il y en a plein qui sont comme toi. Raphaël également, qui nous laisse un message du 92. Même chose, j'écoute Jules et Skyrock, c'est tout. Eh ben écoute. Au moins, si tu écoutes Skyrock, t'as au moins d'autres sons que tu peux écouter, tu découvres d'autres trucs. C'est vrai que si tu écoutes tout le temps, tout le temps. Bon, ça te dérange pas si on met, je sais pas, on va mettre Lil Wayne et Wiz Khalifa là, à la fin. Mais y a, pas avec Jules, on le met. On met les deux. Y a, ouais, pas, y a pas de Jules dedans, hein. Ouais. Ah, bah, quel désespoir. Je sens que ça te fait quelque chose. Jules, il les baisse tous actuellement, non? C'est qui nous envoie le message? C'est le message de Marie. Eh ben, bisous à toi. Que, ouais, il les baisse bien, ouais. Meilleure vente. C'est lui qui. Baisse personne, ouais. Quoi, c'est lui qui vend le plus, non? Oui, meilleure vente de l'été, Jules. Bravo. Ouais. Bravo, Jules. Ouais, c'est clair. Ah ouais. Et ouais, Cédric. Mais pas et Maître Gims. Complètement largué. Non, il a vendu. Enfin, l'album, il a vendu plus cet été, notre ami Jules. D'accord. Ouais, non, parce qu'il est sorti. Maître Gims est sorti il y a plus longtemps. D'ailleurs, réédition de Maître Gims, c'est découvert dans Planète Rap toute la semaine. Toute la semaine, Gims dans Planète Rap, 20h, 21h sur Skyrock. Yes. Bon, et dès que Jules repasse dans l'émission, t'as écouté l'émission quand on avait fait de la moto. Ouais, un scooter. Alors, t'avais bien aimé? Plaisante, c'est une moto, ouais. Attends, on était sur une moto. 1500 centimètres cubes. Au moins, ouais. Les mêmes que dans les Grands Prix, les GP. Non, mais lui, il s'est éclaté, hein. Bah, nous aussi, on s'est éclaté. On a failli perdre notre vie avec Romano. On a dû aller du coup, au début. Je peux te dire qu'au début, il s'éclatait pas trop, ouais. Faire du scooter. Ah, ouais, il s'éclatait sur le trottoir. Il s'est accroché à lui, j'ai cru qu'il allait l'étouffer. Du scooter avec Jules. Bon, on t'embrasse, Éloane. Ouais, est-ce que je peux avoir le maillot du Paris Saint-Germain si je veux? C'est pas possible. Non, j'ai le t-shirt de Jules si tu veux. T-shirt de Jules, ça te va? Ouais, ça me va. Ah bah voilà. Cédric, faut trouver un t-shirt de Jules. Ouais, j'ai direct, t'es gentil toi. C'est le premier que je regarde, c'est Cédric. Bah, tiens, tu iras l'acheter. Hey, Cédric, t'es blindé. Moi, t'as pas eu à acheter une nouvelle télé. Ouais, moi, je peux pas. Ouais. De toute façon, non, et puis Cédric, tu voulais des responsabilités dans l'émission. Je te donne la responsabilité des cadeaux. Ouais, c'est ça, il est bien. Et voilà. Donc, ah bah quand je verrai Jules, je lui demanderai alors. Donc maintenant, on assume. On a qui au téléphone avec nous? Il y a Charlène. Ah, puis je crois qu'on a une surprise en plus. Ouais, on le sait, Charlène? Non. Je ne sais pas. On a une surprise pour toi, Charlène. Peut-être qu'ils se sont mis en contact. Chut. Charlène? Oui. Oui. Alors, toi, tu nous as appelé pour dire que ton mec, il pissait assis, parce que c'était un grand débat qu'on a eu tout à l'heure. Donc, on est passé à autre chose, évidemment. On est passé à Jules. Et là, attention, voici donc. Bah, tiens, Romano, tu t'en occupes, hein. C'est qui? Bah, c'est Charlène. Je m'en occupe, mais c'est pourquoi qu'elle appelle? Mais tu... C'est son mec. Ah, le trou du cul! Le trou du. Ah oui, non, mais. T'as échangé ton cerveau avec Suite Cédric, c'est pas possible. Non. Moi, je dis pas de la merde, j'ai des pertes de mémoire, c'est différent. Des trous. Ouais, alors, ton trou du cul. Oui, donc en fait, c'est que mon copain est très attiré par ça et que moi, mon corps ne veut pas et moi, je veux. Mon corps ne veut pas. Et tu sais, tu l'as dit joliment, hein, qu'il voulait t'enculer. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai, tu l'as dit c'est bien. C'est moins joli, là. Bah, c'est bien. Ouais. Tu vois, c'est délicat. Tu l'as dit, c'est mignon, je trouve. Mais est-ce que, par exemple, tu te laisses lécher l'anus? C'est dur à dire, ça. Tu es arrivé, Romano. Tu te laisser l'anus. Tu vois, j'arrive pas. Faut commencer par là. Tu te laisses lécher l'anus, ça. Ah, ça, par exemple, il s'approche, c'est interdit. Si, on a un plug, tout ça. Ah, hein, donc ouais, il arrive quand même à t'introduire quelque objet dans l'anus. Ça, c'est très bien dit aussi. C'est bien dit, ça aussi. À t'introduire quelques objets dans l'anus. C'est mignon. Ah ouais. Bah, c'est petit. Un anus, oui. Bah, non, ça dépend des anus. J'en ai vu dans les films de cul. Moi, t'as des machins. C'est des. Non, mais il y en a. T'as l'impression que c'est des CD à l'époque. Ah non, mais c'est un petit plug et que ton mec a une grosse verge, bon. Un petit plug, grosse verre. Bah ouais, bah c'est pas obligé de rentrer les deux à la fois, Marie. Hein. Non, bien sûr, mais peut-être que le petit plug peut passer et pas son sexe. Parce que moi, quand il y a la bite de mon mec, je prends un gros plug. Non. Mais ton mec a une très grosse bite. Ouais, il est antillé, donc forcément que. Ah bah, pas tous, hein. Ah bah, lui. Parce que moi, je les ai tous testés. Non, non. Eh ben, il y en a, ils ont des petites bites. Mais je suis au courant. Je suis au courant. Bah ouais. On ne nous dit pas tout. C'est pas tout le monde, c'est pas général. Hey, mon colonel. Je t'assure que c'est pas général. Je le dis, hein. Oh la putain. Non, mais c'est vrai. Ah putain, ouais. Non, mais c'est quoi, t'as cogné un antillais qui a une petite bite. Ouais, mais c'est pas moi qui l'ai. Enfin bon, bref. Ah, c'est une copine. Ah, non, j'étais pas là, elle m'a raconté, elle m'a dit. Ah ouais, on m'a dit, c'est des ondis. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, t'inquiète. Non, les personnes qui disent, on m'a dit que. Ouais, non, mais peut-être que c'est elle qui a la chatte complètement éclatée, elle a trouvé même le mec qui avait été bien bourré. Eh oh, tu te détends avec mes copines. Non, mais bah, t'en sais rien, Marie, t'as vu sa chatte? Non, j'ai pas vu. Eh bah, regarde là, et après tu parles. Non, non, non. Dis-nous. Peut-être qu'en fait, le mec avait une bite tout à fait correcte, l'autre avait la chatte. Non, non, elle m'a décrit avec sa main. Non, mais pour revenir à la bite de ton mec, il est bien. Oui, bien, ouais. Ah, c'est peut-être ça. Le problème. Même quand il passe par devant, tu le sens passer, quoi. Ah oui, oui. Allez, mais quand il passe dans l'anus, est-ce que il en a déjà rentré un bout? Un petit bout, ouais. C'était horrible. C'était horrible. Juste le gland, ça lui a fait mal. Ouais. Enfin, ça t'a fait mal plutôt. Lui, non, à toi, oui. Alors, surtout que lui, il l'a déjà pratiqué en plus, donc. Ah, il est défouré. Non, mais bon, de toute façon, il va pas t'enculer à tirer l'arigot, ça va pas être. Oui, il a pas genre, à chaque relation sexuelle, attends, je t'encule. Non, mais en fait, t'es super excité, t'as l'impression que ça va passer, puis dès qu'il arrive, paf, tu te refermes, ouais, t'as l'air d'avoir mal. Paf. Mais par exemple, t'arrives. Non, mais c'est pas vous, quand vous approchez un truc de votre trou du cul, il se referme pas, vous? Non. Bah, ça dépend. Non, mais ça dépend. Romano s'ouvre. Ouais, Romano, si c'est moi qui le fais. Romano, ça s'ouvre. Ça se dit là. Si c'est ma meuf, mais sinon, ouais. Je sais pas, c'est un réflexe. Si tu mets un doigt dans le cul, ouais. Avec là, par exemple, pensez, je vais vous dire un truc. Allez, doigt dans le cul. Hop, c'est pas là. Le cul qui se serre. Ah, si, ouais, ça se serre. Si t'as pas envie, ouais, tu te serres. Ouvert. Ah non, carrément. Non, mais bref, c'est normal. Cédric, il a refermé la trappe, parce qu'il y a une trappe maintenant. Ah ouais, moi, c'est. Si t'as pas envie, c'est logique. Ça se condamne, moi. Bon, mais ça fait combien de temps que t'es avec ton mec, Charlène, pour en revenir à ton. Je sais plus. Ah bah super. C'est le mois de février. Ah non, j'allais dire ça fait longtemps. Non mais ouais, ça fait 6 mois. Vous avez tenu jusque là sans qu'il t'encule. Tu penses que tu vas pouvoir tenir longtemps? Non mais moi je pense que. Passer, hein. Non mais ça. Hein? Ça peut peut-être passer un jour. Hein. Pas Marie. C'est psychologique. Hein. Un jour. Pas Marie, ça peut passer. Ouais, ça peut. Ça peut passer, mais tu vas avoir mal au cul, quoi. Ouais. Bah ouais, mais il faut pas le faire. Ah, ça peut toujours passer, oui. Mais. Bon. Ah non, mais il faut non, pas mais le faire. Non mais déjà, si le gland il te fait mal, et si le mec il a une bite, là, il pourra peut-être jamais t'enculer. Eh bien, c'est la triste nouvelle que j'ai à t'annoncer. Eh bien, moi, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ouais. Ah. Il est en direct avec nous. Tu connais un Damiens? Oui. Alors, oui. Voilà. C'est Damien ou Damiens? Damien. Damien. Ah, tu mets un S. Damien. Ah, y a pas de S à Damien? Non, non, y a pas de S. Ah, c'est François Damien. Ah ouais, c'est pour ça. Excuse-moi, donc tu t'appelles Damien. C'est Samia, il a des hires. Mais t'as c'est rajouté un S, toi. Damien sans S. Bah, toi, moi, non, je te mettrai un S. Dis à tes parents, ils te mettent un S. Non, donc Damien, c'est donc toi qui a la grosse bite et qui a très très envie de sodomiser Charlène, qui te téléphone avec nous sur Skyrock ce soir. C'est ça. Faites-vous un bibi. Surprise. Non, je suis là, je me balade. Ils sont mignons. Je me baladais comme ça, tranquille. Mais donc, t'as reconnu Charlène, t'écoutais la radio, c'est ça? C'est ça, en fait, quand t'as lu le message sur le fait qu'elle disait que je pissais assis, et ben en fait, au pseudo, je l'ai reconnu tout de suite et je lui ai envoyé un message. Je vous envoie un message direct pour vous dire. Ah, très bien, ben voilà, tu vois, Charlène, petite surprise ce soir. Mais oui. C'est celui qui veut t'enculer. Non. Entre autres. Alors, on va demander à Damien parce que c'est important. Est-ce que pour toi la sodomie c'est vital? La sodomie c'est la vie. Non, c'est pas vital, c'est un plaisir, c'est quelque chose que j'aime bien. Vital comme la chanteuse avec Jules. Oui, ça y est, j'ai compris, c'est vital. Ça, elle est bien, elle. N'importe quoi. Ouais, donc tu peux survivre sans sodomiser. Ouais, bah oui. Mais bon, c'est un truc que t'aimerais bien faire en fait. Ouais, voilà, j'aime bien. C'est surtout à Charlène. Mais elle a eu très mal quand tu lui as mis que le gland. Ouais, assez. Ah ouais, mais moi je lui dis. Super mal. Bah alors d'après Marie, ça peut passer. Ouais, ça peut non, passer. Non, mais peut-être qu'un jour ça peut passer. On risque que Charlène on perde son anus, mais ça passera. Non, mais il faut pas le faire si elle a mal. Ça, c'est, non, mais si, c'est moi je te dis, moi je pense que t'arriveras pas à l'enculer. Non mais c'est bien triste à dire. Non parce que regarde, c'est bien triste à dire. Oui. Non mais c'est une triste nouvelle ça. Je... Oui. Triste monde. Mais déjà non mais tu vois parce qu'a priori elle est déjà ouverte niveau cul. Tu vois, ouais. Tu peux lui mettre un plug. Déjà c'est pas. Ah bah faut être ouverte niveau cul pour prendre un plug. Oui. Ouais. Non, tu vois. Tu disais ouvert spirituel dans la tête. Ouais. Ah, pour ça. Non mais psychologiquement elle a l'air prête à se faire enculer. Psychologiquement. Elle a dit qu'elle voulait mais pas son corps. Ouais. Voilà, mais le problème c'est que toi si t'as une trop grosse bite, Tiens, elle va pas. Ah. T'as vraiment une grosse bite. Comme j'ai demandé à elle déjà. Non mais après Marie. Après, pour pas me vanter, je pense que j'en ai une assez bien. Ah. Elle nous l'a dit. Et donc Marie. Ben moi, mais ça passe dans le mien. Non, ça passe dans le mien. Sans problème, sans accro. Non, mais en ayant discuté avec des copines. Ah, on ressent les copines, vous avez vu. Non, mais il y a des fois, ça peut ne pas passer du tout. Parce que du coup, ben, on bloque, on a peur d'avoir mal. Et puis des fois, ça peut passer. Ah oui, non, mais c'est pas dit. Ça mais bon. Dépend dans quel état d'esprit t'es. Oui, c'est vrai. Il y a un jour, ça peut peut-être marcher. Non, mais c'est vrai. Mais bon. Ouais. Il faut que tu t'en fasses. Oui, Patrick. Ouais, en tout cas, moi, je souhaite un bon courage à Anna, à la Charlène. Parce que le jour où ça va passer, ça va bien passer, je pense. Bah, ouais, mais si elle bloque dessus, ça va pas le faire. Hein. Même si, enfin, tous les deux d'ailleurs. Oh. Faut pas bloquer là-dessus, quoi. Ah, faut pas penser qu'à ça. Bah oui. Non. Non, on pense pas qu'à ça quand même. Ah, tu vois, t'es pas comme Baby qui nous dit, moi, mon mec, il aimerait trop me sodomiser, mais je refuse, ça dégoûte, la limite, c'est un doigt, pas plus. C'est déjà mieux que rien. C'est vrai. Et toi, t'es plutôt d'accord, toi, t'es moins bloqué qu'elle. Diffoul le beau gosse, c'est un très joli pseudo, mets de la vaseline, ça glisse, c'est vrai. Bah, lubrifiant, ouais, mais ouais, ça glisse mieux. Ouais, mais même, ça va super essayé. Mal. Ça va lui déchirer l'anus. On a du lubrifiant, oui, on a un spray anal. Un spray. Oui, pour anesthésier un peu. Ah, ça anesthésie un peu. Ça existe, hein. Ouais. Ah, c'est des fernateurs oui. pour les précoces. Mais non. Voilà, ça. Non. Ça passe trop mal. Voilà, ça s'appelle comment? T'as acheté ça où? Tu donneras à Cédric en antenne. C'est marrant ton spray, je connaissais pas. Ouais. Mais si, on avait déjà parlé. C'est comme c'est le même truc qu'il y a dans les capotes en fait. Mais si tu te mets genre sur la langue, tu parles comme un con. Pareil, tu as la langue un peu paralysée. Ouais, mais c'est vachement léger. Hein, c'est pas une anesthésie dentiste, genre. Voilà, c'est anesthésie un tout petit peu. Ouais, bah toi, a priori, ça n'a pas suffi. Ouais, en tout cas, faut le truc de dentiste. En fait, ouais, faut une piqûre d'un dentiste. Allez, pas dans le cul. Anesthésie. Il faut attendre. N'essayez pas pendant un moment. Il faut. Charlène, quand tu le sens, essaye-toi d'aller sur lui. Pousse bien pour que ça rentre. Non, mais c'est un bon conseil, Marion. Que toi, tu tailles à ton rythme. Non, mais sinon, il y a un message de Marion, pas con. Moi, quand mon copain m'encule, ça passe pas. Quand je suis à quatre pattes, mais par contre, quand je suis couché, ça passe tranquille. Ah, voilà. Donc, ça, c'est Marion. Je sais pas si toi, c'est pareil. Moi aussi, j'ai eu le même problème. Ah, c'est qui? C'est Adoum. On va peut-être te rappeler là. Bah sinon il y a l'histoire de la cuillère, tu sais, quand on était petit là, nos parents ils nous foutaient le thermomètre, tu sais, tu te fous sur le côté. Je pense que ça doit être en cuillère, ça peut passer, ouais. Ouais. Bah, après ouais, il faut trouver essayer peut-être dans d'autres positions, ouais. Oui, oui. Ouais, peut-être, ouais. Mais pourquoi Marie, ta mère, elle te met des thermomètres de 20 cm ou quoi? Non, mais. C'était ma grand-mère. C'est un thermomètre de vache, tu portais sur l'épaule. Non, Marie, c'est l'heure de la température. Mais non, mais c'était ma grand-mère qui nous faisait comme ça. Génial, mamie. Ah, c'était ça, putain. Ah, belle famille, hein, dis donc. Ah, bah écoute, il fallait bien quand t'es malade. Bon, et sinon, au lit, tiens, mettez une note au lit. Combien tu mets, Charlène, à vos. Alors, je vais pas demander que tu mettes une note à Damien, mais une note à vos relations amoureuses. Sur 10 ou 20 sexuelle, sur 20, allez. Allez, on est fou sur 20. Sur 20. Imagine. 8. Allez, non, 18. Oh, bravo. 18. Et avec une bite dans le cul, tu passes à 20. Et c'est quoi la fréquence de vos rapports? Et toi, Damien? Ils habitent sur Paris, donc... Pour la fréquence des rapports, donc pas souvent. Toi, t'es dans le 94, Damien. Ah ouais, toi, t'es à Rouen, hein, Charlène. Ouais. Et donc, la note, Damien? Moi, je lui donnerais 19,5. Oh là là! Je m'en fous de la poignée pour que ça soit parfait. Et alors, 19,5, et qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse pour avoir 20? Bah, tu crois quoi? Voilà, tu vois, si tu veux viser le 20. Ah ouais, viser la perfection. Viser la lune. Non, elle essaye, elle Il va bien te viser la lune. Ah ouais, Bon, bah, en tout cas, merci pour le coup de fil. Vous rappelez, vous nous tenez au courant de l'histoire, en gros. Bah, si ça marche. Quand ça rentre, on fêtera ça. Tout peut rentrer, il faut en avoir envie, on nous dit. Je suis pas sûr, c'est Mao. Non, mais il y a des limites, tu vas pas te rentrer à tronc d'arbre. Hein. Ah Mais t'as dit que cet été, je me suis mis à palmier, ça fait été. Bien sûr, t'as raison. Ouais. Été, sunshine. T'es fait enculer cet été, Marie? Non, du tout. Oh, triste été, dis donc, ça. Hein. Ouais, mais non. Ah, heureusement qu'on est revenu de vacances. Hein. Bon, on va faire tourner la roulette, là. La roulette qui va tourner avec à gagner Maître Gims en tournée. Vous voulez aller voir Maître Gims en tournée avec Skyrock? C'est parti sur le 41-759 sur l'appli Skyrock. Vous nous laissez vos numéros de téléphone et vous envoyez roulette. Voilà. Ah non, je dis 41-759. C'est au 720. Oui, c'est vrai, parce que ça évite que les

seulement sur Skyrock. Et Maître Gims a gagné, on va faire tourner la roulette. Vous voulez voir Maître Gims à Nantes, à Amnéville, à Lille, à Paris, à Dijon, à Clermont, dans toute la France, à Marseille, ouais. Et à Lyon. Vous voulez vos places de concert? Eh bien, vous vous inscrivez sur le 720 et dans un instant, on va faire tourner notre roulette ensemble. Alors, un petit bilan de cette soirée. Alors, on a découvert que vous étiez deux tiers à faire pipi assis, les gars. C'est vrai. On a découvert plein de choses. On a découvert Charles et le beau couple. On peut les nommer couple de la soirée, d'ailleurs. Bravo, Charlène. Je sais pas si elle est encore avec nous, Charlène. Et Damien. Ah ouais, Charlène et Damien, vous êtes élus couple de la soirée. Wow. Vous êtes tellement mignons. C'est vrai. Et même si au départ, t'appelles la sodomie, machin. Ouais, tout ça. Bah écoute. Damien pense qu'à m'enculer. Et on a une belle histoire d'amour. Bah, elle veut lui faire plaisir. Avec un 18 sur 20 pour toi et un 19,5 sur 20 à vos relations amoureuses qui a été donnée par Damien. Ouais. Et pour avoir 20, tu sais ce que tu dois faire, Charlène? Oui. Ouais. Te faire enculer. C'est qu'à le dire. Non, c'est marrant parce qu'on a eu plein de messages que vous avez envoyés ou alors des coups de fil que vous nous avez passés. Dans Samy, t'es tombé sur qui, toi? Ouais, sur Donovan. Ah, Donovan, que tu voulais saluer. Bah, Donovan, il répond plus. En fait, Donovan, il te fait le guide, le mode d'emploi d'un trou du cul qu'on doit enculer. Non, mais on aurait dit genre un mécano, le mec, c'est des conseils. La sodomie pour les nuls. Ah ouais, un garagiste, quoi. Donc lui, il m'a expliqué, en fait, faut mettre beaucoup plus de lubrifiant que ce que tu mettais. Voilà. Mais vraiment 3 tonnes, hein, faut que ça dégueule de lubrifiant. Voilà. Et tu commences à mettre un doigt, puis un deuxième doigt, et tu fais genre, tu écartes. Ah, ciseau. Ah, voilà, comme si tu faisais un ciseau qui s'écarte, et ça écarte. Après, le trou. Tu fais caillou. Tu remets un peu de lubrifiant. Okay. Ouais, voilà. Et puis là, tu peux y aller tranquille, il m'a dit. Ah, mais faut pas forcer, hein. Bah, lui, c'est il force. Ah, ouais. Non. T'as vu, Charlène, hein? Non, mais déjà, quand le mec, il s'occupe de toi, hein, on t'écarte deux doigts dans le cul, et ça doit te faire super mal. Ah, ouais, je pense, ouais. Alors, en imaginant ça, Charlène, comment tu te sens? Elle a mal au cul. Non, t'espères que Damien l'écoute pas là. T'essaieras de faire ciseaux dans ouais, super, ouais. Ah ouais, parce que si Damien est encore à l'écoute, vas-y. Ou le truc comme chez Gynéco. La prochaine fois, il te le fait là. Bon, on te fait un bisou, Charlène. Bisous. Ciao, Charlène. En fait, Donovan, il a inventé un écarteur à chatte manuel, quoi. C'est pas cher, c'est que les doigts. Et merci, Donovan, du conseil. Merci, mec. Il est Gynéco, non? Non, non. Il est ouf. Alors, tiens, le message du trou du cul de Cédric qui nous a laissé un message sur le 41759. Je préférerais mourir qu'être le trou du cul de Cédric. Au secours, aidez-moi, libérez-moi, tuez-moi. Ouais, tu vas me dire, trou du cul de Cédric, oui, mais trou du cul tout court. Je sais pas, t'imagines, tu te réincarnes, t'as un trou du cul, tu vas passer de la merde toute la journée. Ah, t'es dégoûté, ouais. Et des gaz de temps en temps. Ou alors parfois tu te fais enculer. Ouais, aussi, ouais. Et des thermomètres aussi. De temps en temps, tu vas des suppos. Oh ouais, putain, l'autre con, il va encore chier. T'imagines, t'es le trou du cul de Cédric, tu travailles toute la journée, 24 sur 24. T'aimerais te réincarner en quoi, Cédric? Je sais pas. Ah, comme ça, tu me demandes. T'as jamais pensé comme ça? Non, jamais pensé. Eh ben, on garde trop du cul pour toi. Allez. Très bien. Non, ça va bien. C'est sa prochaine vie, c'est ça, c'est de la trou du cul. Non, je sais pas, on a un animal qui irait partout. Un animal qui irait. Un animal qui irait partout. Un singe? Non. Un furet. Ça se promène, un furet. Un porc. Un porc sauvage. Ça va partout, hein, ça va super. Un oiseau, tiens. Un sanglier, tu pas cher. Un sanglier. Un oiseau, tiens. Les porcs sauvages. Un oiseau, j'ai choisi. Un pigeon, c'est vrai. Tiens, dis-toi. En quoi vous aimeriez réincarner Cédric? Tiens, vous qui nous écoutez, vous allez peut-être avoir des idées. Il en a pas, Cédric, c'est pas trop. Cachalot. Alors, trou de cul, ça lui va très bien, on dit. Ouais, ouais, non, non, pas d'accord. Non. Un éléphant, on nous propose. Éléphant de mer. Mais éléphant de mer, c'est encore éléphant de mer. Mais non. Parce qu'on puisse commencer moche. T'imagines, c'est Romano, tiens, t'es sur ta plage, tu décides d'aller te baigner, et tout à coup, dans l'eau, tu vois une espèce de grosse vague qui arrive et qui fait. Salut les filles. Salut les filles. Et là, c'est Cédric réincarné en cachalot. En cachalot, hein, sur une plage, c'est chaud, quoi. Ah ouais, c'est clair. Le cachalot, tu vas me dire, bon, si c'est. Ça sent que c'est Cédric le cachalot complètement con, il va s'échouer sur une plage. Oh, oh là, Romano vient m'aider, je suis coincé sur la plage. Oh là, j'arrive plus à nager. Je me suis échoué sur la plage. Allez, Romano, viens. Voilà, essaye de gigoter tout ça. Alors, vous en feriez quoi? Une mouche à merde, Donobro? T'aimerais être. Je lis les messages. Ah, ça va aller. Alors, Fred qui te propose ça. Alors, une mouche à merde, t'aimerais bien? J'ai dit non. T'aimerais pas être une mouche à merde. Alors, est-ce que t'aimerais réincarner en peau de crème fraîche? Ah non. Oh, mais t'es content. Ouais, il a quand même hésité. C'est pas évident, quoi. En porc, mais c'est déjà fait, nous dit LR. Ouais. Ah oui, c'est vrai. En marmotte. Ah, tu serais une marmotte pour. C'est qui nous en a marmotte. Ah, si, marmotte, c'est les dedans, devant, là. Ah oui, sinon, il y a les ragondins aussi dans le. Ah non. Il y a les morses, regarde. Romain nous propose un morse. Ouais, c'est ce qu'on disait, c'est les éléphants de mer. Ah, ouais, c'est ça. Ouais, avec les grosses dents. Ouais, c'est ça, ouais. Un morse, un éléphant de mer. Ouais, c'est pareil. Ouais. C'est tout rose dégueu. Non, un éléphant de mer, il n'y a pas les dents. Il a pas les dents. C'est pareil, un morse, un éléphant de mer. Non, non, c'est un autre animal. Ah ouais, tu sais, le truc rose là avec les dents. Non, non, mais Marie, c'est un autre animal. Le truc avec l'espèce de chatte à la place de la bouche. Non, mais ça, c'est un. Comment? Un lamantin, je crois. Non, lamantin, c'est. Ouais, mais c'est sous l'eau, ça va pas à l'extérieur. C'est pas grave. On peut se réincarner en plus. Ouais, je crois que c'est le lamantin, on dirait. L'animal, on dirait qu'il a une chatte à la place de la bouche. Montre-moi la photo et je dis. Attends, je suis pas sûr du nom, mais. Ah, il y a un qui dit non, c'est trop compliqué, ça fait mal à la tête votre truc là. Ah bah t'es pas joueur toi. Non, j'ai dit un oiseau moi. Un oiseau? Mais tu vas t'écraser ou il te faut des ailes géantes. T'imagines pour porter ton corps? Oh putain. T'as comme une galère, imaginez le. Non mais c'est ça, c'est ça. C'est vrai? Ah ouais, lamantin. C'est ça, lamantin. Cédric, on te réincarne en lamantin. Allez voir sur le net si vous voulez la gueule de lamantin. On vous le met sur les réseaux de Skyrock là. Gueule que ça quoi. Allez. Cédric veut mais se faire réincarner en lamantin. Non, non, non, j'ai jamais dit ça, casse-toi, t'es fou toi. Ah, il l'a dit, hein. Franchement, t'inventes pas une vie. Sa nez et le corps, le visage, tout, il l'a dit en plus. Voilà, ça lui plaît. Ouais. Non, mais c'est un bel animal, hein. Il y en a un au zoo, là, il s'appelle Titus. Ah, ouais. Et ben voilà, il aura un copain. Super. Titus et Cédric, c'est comme Jackie et Michel. Bon, ben voilà, on a trouvé. Bon, en fait, on est la roulette parce que c'est l'heure, là, quand même. Hein. Lydia qui va faire tourner avec nous, Lydia en direct. C'est mignon, hein, de prendre. C'est dégueulasse, moi, je trouve mignon, t'as vu ça. C'est mignon, ouais, c'est vrai, ça. Lydia, t'es là? Oui, je suis là. Eh ben nous aussi. On va faire tourner la roulette. C'est Maître Gims à gagner. C'est parti. Tous en place de concert, Maître Gims. Skyrock. Premier sur Maître Gims. Ouais. Ou alors, t'as le bonobo, le gorille, Cédric, qu'on nous propose. Ah, la vache également. Je sais pas si t'as des trucs qui te plaisent, tu nous dis, hein, Cédric. Un truc avec le courrier. Cédric, quoi? Allô? Ah, donc, non, mais je suis au standard, excuse-moi, je peux pas tout faire. Moi, je dis complètement con. Lydia. Ah, mais je prenais une adresse, oui, excuse-moi. Là. T'as vu, Cédric, il comprend plus rien. T'as rien du tout. Casse-toi. Complètement abruti. Ouais, ok, d'accord. C'est qui, Cédric? Allez, on fait tourner. C'est toi. On fait tourner la roulette, c'est parti. Donc, Maître Gims a gagné, on fait tourner la roulette toute la journée. Dès le matin, dans le Morning Best, et jusqu'à maintenant. Et tu viens de gagner tes deux places pour aller voir Maître Gims, Lydia. Deux places pour aller le voir où tu veux. T'es dans 59, il passe à Lille. Ouais, je passe à Lille au mois de novembre, ouais. Eh ben oui, tu sais tout alors. Hein. Et tu connais quel jour du mois de novembre? Un lundi. Oui, et quelle date? Et c'est le 28. Voilà, c'est tout. Ah ouais, tout. Bon. Et ben, t'iras voir. À 20h. Eh ben voilà, parfait. T'iras voir le concert de Gims. Avec qui tu veux? On te fait un gros bisou, Lydia. Un gros bisou, merci. Bisous, bisous. Salut Lydia. Bye bye. Salut Lydia, ciao. Salut. Ciao. Et vous aussi, faites tourner la roulette. Je vous le disais, dès demain matin, entre 6h et 9h, la première de la journée avec Vincent. Ça tourne. Vous souhaite une bonne nuit. Profitez bien. Bonne c'est nuit. Prisca qui arrive dans un instant. Vous allez la retrouver toute la nuit avec le son de Skyrock. Urban Music non-stop. On va démarrer cette belle nuit avec Panda. Ah, designer. Panda. On vous fait, on vous embrasse, hein. Ouais, et bisous. Puis on vous donne un grand rendez-vous demain soir, 21h, en direct, si vous voulez passer dans l'émission. 21h, minuit. Venez faire les cours avec nous tous les soirs. On rend des services également. Et puis demain, on va donner des conseils d'amour. C'est mercredi demain. Ouais. Cache de la drague, ouais. Entre autres. Loupez pas le rendez-vous. Bonne nuit et à demain. Allez, salut. C'est la rentrée et t'as besoin d'argent. Réveille-toi avec Skyrock. The Morning Show. Dès lundi, le morning de Difool te réveille. Et pour fêter la rentrée, Difool t'offre 1 500 € toutes les demi-heures si tu réponds Skyrock. Ta radio préférée? Envoie 1 500 par SMS au 72020 et inscris-toi dès maintenant pour gagner 1 500 € dans le morning de Difool. 1 500 €, c'est pas possible. Oh là là, mon Dieu, merci beaucoup. Dès la rentrée sur Skyrock, 65 centimes plus coût d'un SMS. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards in the scammers, hitting no licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the hands. Legacies, family, wait and see, family. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out for granted. Then the bullet, you band it. Killers understand it. I got broads in Atlanta. Twisted to me and my family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Legacy, family. Why is it look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, family. Why is it panda? Package full, Danny. Selling ball, candy. Man, I'm the macho like Randy. The chopper go out to for granted.